Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. On vous a pas demandé, les filles, on vous a pas demandé votre avis. Contente de les avoir vues ou pas? Il va falloir réattendre 3 ans maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ouais, c'est gentil. Bon, ben nous, on n'y est pour rien, on n'a rien fait. Hein, mais des fois, vous nous demandez. Elle veut parler. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pour vous remercier avec des filles, on a fait un peu de nourriture, enfin des gâteaux et tout. Mais je crois que j'ai donné à Yo, mais c'est en haut par contre, je crois, parce qu'on avait rien le droit. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que veut dire on a fait un peu de nourriture? Est-ce que c'est une expérience culinaire? Non, des cookies et des muffins. Oh, marrant ça. Il y a de l'argent aussi ou pas? Non. C'est pas grave. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous les avez goûtés avant? Non mais j'ai goûté. Non mais c'est pas la première fois que t'as vu une recette sur Marmiton. Non, ça fait plusieurs fois, c'était pour vous remercier parce que c'est quand même exceptionnel et tout ce qu'on a eu, donc voilà. C'est toi la leader des gâteaux? C'est qui qui a eu la leader des gâteaux? C'est qui la chef gâteau? Ah, c'est la deuxième rang, la chef gâteau. Va faire un bisou, va prendre ton bisou. La chef gâteau. Bien, bah c'est normal. Attendez, je fais un bisou à la chef gâteau. Et vous auriez pu cuisiner des barres protéinées quand même. Comment ça se prépare des barres protéinées d'ailleurs? Attends, non, c'est que du pétrole, du plâtre et du sable. Pour toutes les fans. Voilà, des Little Mix, merci ma chérie pour les gâteaux qu'on va avoir tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est gentil. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, les filles. Demain, qui vient en Belgique avec nous? Personne? Oh, bah non. Bon alors, demain on sera là-bas pour fêter le fait qu'on est numéro 1 en Belgique. Oui. Ça va être une vraie tuerie. Demain c'est la dernière de la saison. Donc demain, hashtag Koé, on veut une saison 7 sur Twitter. Si vous la faites tourner celle-là demain, on verra bien. C'est ça qui décidera. C'est le TT. Si demain soir il y a Koé, on veut une saison 7 qui tourne. C'est comme dirait Piet, c'est Katasasasa qui décidera. Je suis DJ, vous savez pas? Il a fait du scratch sur ça. C'est Katasasasa qui décidera. Ça va nous manquer pendant les vacances. Uniquement, donc on s'occupera de ça. On verra ça demain en direct de Walibi, qui est l'un des plus gros parcs d'attractions d'Europe. Ça va être une vraie tuerie. On va faire. J'ai vu des attractions de malades. Moi ça me fait flipper. Franchement, je peux pas tout faire. Non, il y a des attractions. Tu vas pas là-bas pour ne rien faire. Tu dois montrer l'exemple. Ouais, mais d'un autre côté, elle va pas arrêter de hurler, ça va être chiant. Mais c'est marrant. Ouais, j'avoue. Quand tu fais un parc d'attractions, qu'est-ce que tu veux faire si c'est pas ça? Tu vas pas bouffer des gaufres et des chichis? Non, mais il y a des attractions que je peux faire, mais il y en a qui me font plus flipper que d'autres. Et vous avez quoi là? C'est la fin de saison. C'est normal. La fin de saison, les mecs savent plus parler. Et demain, on fera l'émission comme ça. Non, mais ça va être bien demain. Ils vont être combien dans la salle 3-400, c'est ça? 3-400, ouais. Oh là là, ça va être bien. C'est une sorte de saloon demain. Oui, c'est ça, exactement. On pourra te jeter dans la foule. Oh oui. Peut-être pas, non. Ah, mais ça va être rigolo. Et on va fêter le fait d'être numéro 1 en Belgique. Et en France, et voilà. On sera avec tous les Belges. Et ça va être. Non, il y aura plein de Français aussi dans la salle. Oui, aussi qui viennent, oui, en France, oui. C'est ça l'émission, madame. Oui, c'est beauty, c'est l'amour. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'était l'anniversaire de notre collègue de la matinale en Belgique. Olivier Duroy. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et lui aussi est au régime, comme moi. Tout le monde est au régime. Ah, bah il sera là aussi. Il n'y aura plus de gros sur énergie. Ce sera fini. C'était avant. Avant, il y avait des gros. Maintenant, il n'y en aura plus. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Et puis demain, donc c'est la dernière en Belgique. Mais on fait un bisou à notre Jérémy. Il n'est pas là demain. Bah oui. Et non. Il sera avec nous de France, mais. Et je serai là, oui. Je suis quand même là. Mais non, mais enfin, on peut quand même le dire aussi. Oui, tu peux le dire, oui. On peut dire aussi que Jérém quitte énergie. Oui, il s'en va. Donc, voilà. Il nous lâche, il s'en va. Voilà, parce qu'en fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'il n'a pas fait de régime. C'est qu'on lui a plus donné à manger. C'est ça. Depuis un an, donc il en peut plus. Là, faut qu'il remange. Bon, et ben mon poteau, merci. Bah, merci à vous. J'ai passé 6 bonnes années. Merci. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire boucher chez Auchan maintenant? C'est ça en fait. Auchan, grâce à toi, Auchan m'a embauché, je suis en CDI là-haut. C'est vrai? Ouais. Va vérifier les mecs d'Auchan parce qu'il va taper dans les... Vérifier le poids, je suis pas sûr que la côte de bœuf fasse 1 kg à l'arrivée. Eh ben tu sais quoi, merci pour tout, merci d'avoir été là, merci d'avoir déconné avec nous et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Faites du bruit pour Jérémy, rendez-vous demain. Bisous Jérémy. Jérémy. Bisous, demain en live de la Belgique pour la dernière. Ouais, on va essayer Guillaume, ciao à demain. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Changez rien. Vous êtes en train d'écouter la seule émission de radio où tout peut se passer à n'importe quel moment. Guy. Radio 2.0, 22h, 1h sur Énergie. Allez, on s'écoutera tout à l'heure The Strumbella. On s'écoutera une nouveauté, il s'appelle Spirit, c'est déchirant. On s'écoutera dans 2 minutes sur Énergie, 22h02. On est en direct, il n'y a pas eu de foot aujourd'hui. Il y a eu une fusillade en Allemagne. Voilà, pour ceux qui ont suivi l'actualité, ça s'est vraiment passé tout à l'heure. On est vraiment en direct, nous, à partir de 22h chaque soir. Il est 22h02, on est ensemble jusqu'à 1h du matin. Ceux qui ont eu le brevet aujourd'hui, j'espère que ça s'est bien passé. Ceux qui ont eu des épreuves de français dans certaines sections, dans certaines villes, dans certains pays. Ce qu'on a la France, la Belgique et la Suisse, c'est qu'il y a eu pas mal d'examens aujourd'hui. Bon courage à tout le monde. Si vous voulez qu'on s'en parle, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir délirer pour raconter un truc qui vous est arrivé, vous êtes à la maison aussi. On sera le nouveau Gims. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. On s'écoutera en entier tout à l'heure. Demain, il y a l'album de Jul qui sort, on l'a vu. On l'a reçu tout à l'heure. Parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe. On a reçu le CD, ça va, j'ai mis du standard. Salut, gars, moi ça va. Tu l'as eu l'album? Ouais, je l'ai eu. Ah, il l'a eu avant la sortie. Exactement. J'avais l'impression de lui offrir la tête de cristal de Diana Jones. Je suis trop heureux. On a reçu l'album, il sort demain, on n'a pas le droit de le passer. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on va passer un petit extrait quand même. Ouais, ça va, j'ai stagiaire. Ouais, ça va très bien, Guillaume, ça va tout le monde. Ça va bien, tranquille ou quoi? Oui, ça va, en forme. Passé une bonne journée. Ouais, je tombais sur les Irlandais dans le métro. Ah, c'était le bordel. Ils étaient pour le match. Bah, ils se mettaient un peu tout nus, ils étaient bourrés, ils renversaient les bières et tout, mais c'était marrant. Et bah, ah ouais, ils sont sympas, il paraît, les Irlandais. Ouais, les verts, ils sont sympas. C'est les mecs en vert, exactement. Ça va, Mina du standard? Oui, salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va la journée, ouais, tranquille. Ouais, ça va. Il m'est arrivé un truc hier en rentrant de la radio, mais ça va. Bah, j'ai pris le bus comme d'hab pour rentrer chez moi. Et en fait, il y a un mec enlevé ses chaussures et ça a fait une infection de ouf. Ah, c'était, il puait des pieds à mort. Et en fait, ils l'ont sorti. C'était jacouille. C'est pas vrai. Je te jure que c'est mais vrai. Mais ils se rendaient pas compte, le mec? Bah non, ils s'en foutaient. Non, mais c'est dingue. C'était quoi, c'était un mec bourré, genre Ouais, mais même. Ouais, je sais pas trop. Un mec chelou, quoi. Il faisait la sieste et tout, tranquille, mais il puait des pieds, quoi. Tu disais, bah non, c'est mon père. Ah oui, d'accord. T'es un ouf ça. Mais après, tu prends le bus de nuit. Le bus de nuit, c'est la cour des miracles, ouais. À Paris. Ouais, c'est un repère vraiment. Ah ouais, t'as un peu tout. Attends, un extrait de l'album de Jul. On n'est pas censé passer, mais attends deux secondes. Tu mets la mienne, c'est mon tour. J'ai trop de poids sur mon dos. Tu m'aimes pas, pourtant j'ai tout pour. Eh ouais, frérot, la retourne. Vas-y, fais-moi un poteau. Ah, t'aimes bien, j'ai le standard. Ça, c'est pas mal. Ah, tu le découvres. Il sort demain, l'album. Je vais faire confiance à son corps. Pas trop les poutons. Attends, j'ai peut-être pas tout vous passer parce que sinon je vais me faire démonter parce que les maisons disent qu'ils aiment pas trop qu'on passe. Il va arriver. Attends, mets la piste suivante. Je sais que de là-haut, répondu en temps ce qu'on dit. Bravo, tant que tu me rappelles sur ma vie. Bravo, bravo. Schmidt, rock, la routine s'éternise. Je mode quand je bois toute la nuit. Je love ce qui me suivent depuis des années. Schmidt, rock. T'as, y'en a plein, y'a. Y'en a marre de tout le temps se cacher. Je peux plus acheter le peu sans me faire flasher. Mais je vous aime quand vous êtes ma team. Ça m'embête un peu, faut que vous le sachiez. Je vous en veux même pas, même si je suis fâché. Et d'ailleurs, on a fait un jeu sur Facebook. Vous avez été 40 000 à liker, 30 000 à partager sur notre page Facebook. On est 1 940 000 sur la page Facebook. Vous pouvez venir en trouver un Guillaume Play, PLY. D'ailleurs, on va faire gagner une télé, une PS4 ou un MacBook. On va prendre au sort quelqu'un qui est venu liker la page et partager le post. Donc, vous pouvez y aller, Guillaume Play, PLY. Allez voir sur la page Facebook dessus. On est 1 936 500 déjà. Merci. Ouais. Bah, merci beaucoup à tout le monde d'être là hyper nombreux chaque soir, les potos. Vraiment, hein, je suis vraiment content de faire de la radio le soir. Et puis, on est vraiment en ambiance famille, en ambiance réelle, comme dans la vraie vie. Ouais. Le soir sur Energy. Là. Tu m'entends, Christopher? Ouais. De Curie au monde. Mike Kilka. Non, je rigole, c'est un son. Hein. Ça va quoi, Christopher? Salut, mec. Ouais, ça va, tranquille. J'ai enculé les mouches, là. Bon, voilà. Oh, 16 ans, là, de Curie au Mondeur, dans le 69, à côté de Lyon. Hein. C'est ça, dans le Rhône. Ouais. Ah, c'est ça. T'es content de passer à la radio, Christophe, ou Saint-Calvaire? Carrément. Ouais. C'est gentil, bro. Merci, en tout cas. C'est trop cool. Et m'a raconté, Amina du Standard, et t'as eu hier au téléphone. Ou non, de cet après-midi, t'as eu au téléphone, et t'as rappelé par rapport au message d'hier. Et en gros, t'as un chien, toi, c'est ça, t'as un chien à la maison? Non, moi j'ai un chat. Ah oui, un chat, pardon. Ouais, c'est un, pas un animal de compagnie, parce que je m'a dit un animal de compagnie, puis il a des tics, c'est voilà. Ça? Ouais. Vas-y, raconte ce qui t'est arrivé. Alors moi, en fait, j'ai eu un tic ousboub, si on peut dire. Et en fait, j'ai eu un tic ousboub, et en fait, je suis allé aux urgences. Ouais. Ils me l'ont enlevé. Et en fait, bah, y a une tache qui est restée, ça fait une tache noire. Mais j'ai pas compris comment le tic qui était sur ton chat, il s'est retrouvé sur ta bite. Ah ouais. Bah en fait, bah, le chat il a dû se frotter à mes caleçons. Et je veux pas le savoir. Ah ouais. Alors tu dors avec lui peut-être. Ah oui, ou pire, non, tu peux, en pyjama. Ouais, y en a plein qui dorment avec leur chat. Ah oui, en fait, t'avais posé ton caleçon et ton chat il s'est frotté sur le caleçon. Ouais, le relou. Mais normalement, il faut pas remettre les caleçons qu'on a posés par terre. Ouais, tu veux, mais bon. Oh là là. Je l'ai pas mis par terre. Attends, et au final, tu t'es retrouvé. Et au final, tu t'es retrouvé comment alors? Avec une sorte de petit tic. Vous savez ce que c'est qu'un tic? Ah ouais, bah c'est comme un animal noir, ah, une petite bête, pas. Comme un scarabée. Ouais, c'est plus petit, non? Ah non, il y en a qui sont gros comme mon ongle. Non. Si, moi j'avais mon chien, tu le perces, il y a plein de sang. Et en fait, c'est une sorte de tête qui s'accroche à ta cuisse et ça suce ton sang. C'est comme une sangsue. Ah, tu peux mourir. Hein. Et en fait, t'essayes de l'enlever. Et en fait, lui, il suce, il grossit, quoi. C'est un suceur, c'est le tic. Exactement. Il vient de pomper le truc. Le tic est un vrai gros suceur. Ah ouais, il passe sa journée, il fait que ça d'ailleurs, sa vie, c'est sucer. Non, mais je vais essayer un tout son tic. Non, mais j'en ai eu dans ma vie déjà un tic. Et t'en as déjà eu? Ah, j'étais tout petit, ouais. Ça, ma mère, elle me l'enlevait. Ouais, ouais. Ah, dans le nombril. Ah, ouais. Dans le nombril. On allait chercher du muguet avec mes parents et putain, je rentre le soir un tic. Mais comment ça se fait? Tu t'es allongé dans l'air, moi? Bah, je sais pas, j'avais 2 ans, 3 ans. T'es tombé ou t'as eu un truc? Ah, je marchais tranquille. Ouais. Et tu courais nu dans les bois? Bah, non, c'était 1er mai du coup. Le nombril, normalement. Ah, je sais pas, c'est mes parents, faut leur demander. Moi, c'est mon chien, il en avait de temps en temps. Il fallait lui enlever la pince à épiler un peu. Ah, bah ouais. Après, c'est horrible, ça fait des. Ça a peut-être des petites dents, ça, des petites pattes et ça a envie de sucer quelque chose, quoi. Mais ça sert à rien. Et bah, si, ça sert à. Bah, quoi, j'en sais rien. Ouais, bah, ça sert. C'est une espèce, qu'est-ce que je te dis? Demande à Dieu pourquoi il a fait ça. Je vais l'appeler. J'aime du standard. Ouais. Déjà fait comme ça. T'as déjà eu un organisme qui te suçait pendant plusieurs heures? Il va dire oui. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais. Un peu comme Christopher. T'y allé chez le médecin? Comment t'as fait? À qui t'as dit que t'avais une tique aux couilles? Non, c'était pas aux couilles. Moi, c'est sur la peau, en dessous du gland. Ah oui, vraiment sur le zizi, quoi. Sur le sexe, ouais. Et comment t'as fait? Alors, t'es allé chez le médecin? En fait, ça me grattait toute la journée. Après, je suis allé au médecin. Ils ont regardé. Ouais, ouais. Et après, bah, ils l'ont coupé. Ouais. Ils ont essayé de l'arracher, mais ils n'ont pas réussi, ils l'ont coupé. Et après, ils m'ont dit que c'était un tic. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que ouais, tu peux arracher que le cul du tic. Et en fait, résultat, bah, t'as encore la tête qui suce, quoi. Ah merde, ouais. Et après, bah, il a un autre corps qui pousse avec du sang, en fait. Ah, il est coriace, ouais. Donc on se raconte un peu nos histoires. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pareil? Venez nous raconter, hein, Guillaume, et votre message, là, au 6-11-12. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme Christopher, de Curie au Monde d'Or, d'aller chez le médecin pour un problème un peu honteux? Est-ce que vous êtes déjà allé voir? Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir mal au zizi, parce que j'avais fait l'amour à une fille sans capote, j'avais attrapé une sorte de chaud de pisse, je sais plus quoi là. Ah bah t'as pas le choix, faut y aller. Voilà, bah t'es obligé, t'as plus le choix après. La santé. Quand j'avais 10 ans, je suis pris un dos dans le derche, à toucher un TR, chez le médecin pour faire une coloscopie parce que j'avais des maux d'estomac quand j'avais mes parents qui divorçaient. En fait, c'était stress. Est-ce que vous avez déjà eu besoin d'aller chez le médecin pour un problème honteux? Ça peut être très bête, un grain de beauté. Ouais, qui dans pousse les fesses. Sur l'anus. Ouais, bah, alors, imagine, ça existe, hein, voilà. Ah, ou sur les seins. Ou alors sur le gland, tu vois. Et le grain de beauté dans le trou, il pousse et du coup, il te remplit le trou. Ça peut arriver. On est mal foutu. Mais t'es obligé d'aller voir. Voilà, ou un grain de beauté qui peut pousser. Ou un poil. Exactement, un poil incarné. Au niveau du truc cul, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'es obligé d'aller le faire. Essaye de l'enlever. C'est vrai. Faut y aller en plus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller chez le médecin une fois pour un problème honteux? J'ai un stagiaire. Non, pas encore, mais l'autre fois, on a parlé d'un truc chelou. Tu m'as fait un peu peur quand tu m'as dit que j'avais de la merde dans le ventre. Ah, mais non, parce que j'ai expliqué que j'étais allé voir un gastro-entérologue parce que j'ai des maux de ventre. C'est ça. À cause du stress et tout ça. Et parce que l'intestin, il me disait que c'était le deuxième cerveau humain, le gastro-entérologue. Apparemment. Et qu'en fait, parfois, tu peux mal. Quand tu sors mal, en fait, tu fais mal caca, c'est-à-dire que tu manges pas assez de fibres. Et en fait, t'as des bouts de merde un peu. C'est pas filandreux, quoi. Et ben, résultat, t'as plein de dépôts de caca, et à la fin, t'as le ventre un petit peu gonflé en bas. Ouais, et je l'ai un et petit peu. Et en fait, tu prends un peu de cachet, et ça s'en va, quoi. Et apparemment, je l'ai un petit peu, j'ai regardé, tu vois. Et j'y repense, et j'ai regardé dans ma rue, enfin, dans ma ville, où est-ce qu'il y avait des. Gastro-entérologue. Voilà, gastro-entérologue et proctologue. C'est les proctologues, mais c'est la même chose, en fait. Maintenant, c'est le même médecin qui fait les deux. Et il y en a plein, du coup, je me tâte à y aller. Ah, t'as vu des plaques? Ouais, regardez, ouais. Non, j'ai appelé sur le. Franchement, faut y aller, ça. Ouais, mais j'ai regardé. Je sais pas si je vais le faire parce que c'est. Ouais, j'ai vraiment gonflé. Est-ce que c'est normal et tout? Elle va dire, vous êtes plein de merde. Vous êtes un gros plein de merde. Faut aller courir. Ça me fait peur quand même d'y aller. Salut Guillaume, j'ai fait le ramadan. Moi, il y a une chaleur de fou à Paris, 32 degrés. Ah ouais, non, mais alors c'est vrai qu'à Paris là aujourd'hui, on se plaignait de pas avoir chaud. C'est ça. Et finalement, on a hâte qu'il refasse 20 degrés. C'est l'extrême. Parce qu'en fait, c'est plus agréable de vivre avec 22 degrés, 23 degrés que 32. Aujourd'hui, il faisait 33. On a fait de la moto avec James, 34. On donnait cet affiché. chier quoi. Ouais. Tu sues pour rien quoi. Attends, franchement on coulait et tout, c'était pas possible. JM du standard, ouais. Est-ce que ça t'est arrivé déjà d'aller chez médecin pour un problème un peu honteux? Ouais, moi c'était à la teub en fait, c'était je savais pas ce que j'avais. Et j'avais des rougeurs et c'était avec mon premier amour et on faisait l'amour sans capote. Mon premier amour. Ouais, voilà. Et il est en espagnol, fait elle avait pas de problème, tu vois, mais amour de 12 minutes. Non, c'était non quand même. Ah non, ouais. C'était à longtemps. Ouais, ouais. Et j'avais des rougeurs, je savais pas d'où ça venait, il m'a donné de la crème, je lui ai expliqué, je crois que j'avais montré ma teub en plus. Ouais, ouais. Et voilà, après j'ai mis de la crème pendant une semaine et ça allait mieux. Il t'a touché un peu la teub et non, tout, ouais. Non, pas du tout. Non, il a juste vu, je crois. Ah, c'est vrai. Il ouais. a eu peur. Ouais, moi j'avais aussi des rougeurs sur les côtés quand je faisais du foot ou quoi. Ouais, voilà, oui. Quand tu t'essuies mal la nuit, tu prends des petites rougeurs qui grattent un peu, c'est des petites mycoses et ils mettent une crème et puis ça part quoi. Si tu mets des caleçons, je crois en fait. Faut mettre et moi c'est vrai parce qu'en plus, mon médecin où j'étais à Le 4 à côté de Barcarès où j'habitais, dans le sud à côté de Perpignan, et ben c'était le père d'une de mes potes de classe. Mais bon, après, c'était pas. Un monsieur. Bah non, voilà. Secret et sa fille s'appelait Jade. Voilà, je me rappelle, je sais plus comment il s'appelait ce monsieur, mais ouais, salut Jade. Et son père, il m'a tenu la bine du coup pour la décaloter. Tu dis, c'est le père de Jacques qui me tient. Ça aurait été bien la fille, mais bon. Bizarre, en plus, la fille hyper mignonne. Donc, Métis asiatique, hyper jolie. Bah, Jade, Jade. Amina du standard, ouais. Déjà eu besoin d'aller chez médecin pour un problème un peu honteux? Ouais, souvent, c'est un peu énervant. Mais le pire, c'était une fois, en fait, je faisais pipi un peu bizarre. Et c'était vraiment foncé. En couleur? Ah oui, en couleur. Ouais, et puis ça me faisait mal et tout ça. Et en fait, j'ai dû forcément aller chez médecin pour leur expliquer. Et ils m'ont fait des radios, machin, des échos. Et en fait, heureusement que j'y suis allée, j'avais un staphylocoque en fait, au rein. Ah ouais? Et j'ai failli mourir. C'est pas vrai? Ah, je te promets. Et ça venait d'où ça? Bah en fait, y a plein de trucs. Déjà le stress, etc. Ça m'avait un peu abîmé les reins. C'était à combien de temps ça? Il y a 3 ans. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a pas longtemps. Ouais. Ah, mais c'est parce qu'on se connaissait pas encore. Bah oui, c'est parce qu'on se connaissait. Mais... Oui, mais tu venais pas travailler ici. Ouais, c'est ça. Mais depuis qu'elle est ici, elle a tellement de rire qu'elle est guérie de toutes les maladies d'avance. Exactement. Voilà. Trop de bonheur en elle. Et trop de rire. Et le rire tue les microbes. Exact. Et à mon avis, oui, en plus. Et je pense que oui. Bah ça aide. Je pense que la bonne santé psychologique, ça aide à évacuer les bactéries. C'était bon pour la santé de rigoler. Ouais. On dit ça. Il faudrait qu'on trouve un accord avec la sécurité sociale. Et d'ailleurs, comme Christopher, si vous voulez passer à l'antenne, là, vous envoyez un petit message en 2 secondes et je vous appelle direct. C'est vraiment les soirées à la fin où ça part en couille et tout. On est bourré. Et bon, en tout cas, si vous voulez passer avec nous, vous commencez votre texto par Guillaume, G-U-I-2-L-A-U-M-E. Vous passez, Guillaume, un espace et votre message avec votre numéro de téléphone dedans au 6-11-12. Guillaume, et puis vous balancez un petit message, genre je veux passer, moi il m'est déjà arrivé ça. Venez nous raconter vous aussi les fois où vous êtes allé déjà demander, aller voir le médecin pour un problème un petit peu honteux à mine du standard. Staphylocoque alors? Ouais, staphylocoque doré. Mais non, ça se trappe à l'hôpital? Bah, ça dépend des fois en fait. Et tu t'es inséré un objet en fer, un truc comme ça? Non, j'ai rien fait. Non, mais je rentrais de vacances et j'avais bu l'eau un peu bizarre et je pense que ça doit être ça. Ils ont jamais vraiment trouvé, mais en fait, ça peut t'infecter le sang. Ah ouais, putain, c'est. Et alors après, c'est parti? Bah, pendant 2 mois par contre, hein, j'avais un gros traitement et tout, c'était galère. Ah, c'est vrai? Ah ouais, c'était relou. Et t'avais fait pipi de quelle couleur? Genre foncé, jaune foncé, ouais? Ouais, limite marron, en fait. Ah ouais, oula! Ah, c'est vrai? Ah ouais, ouais. Comme de la merde, en fait. Bah ouais, peut-être. C'est de la merde. Un peu couleur. Et le caca pas changé, non? Non, tout allait bien. Non, il y a les selles. Le caca, il est jaune. Excusez-moi, je parle comme un médecin, les selles. Ah, c'est le mot. Au direct hein, les gars, 22h14 et 55 secondes, on est là si vous voulez venir délire avec nous, faire de la radio 2 minutes ou quoi, venir rigoler en direct, vous êtes les bienvenus, on fait de la radio vraiment pour vous et on l'a fait ensemble, donc c'est voilà, c'est vous qui participez. Je vais vous prendre à l'antenne maintenant, Guillaume, et votre réaction, vous me dites en une phrase hein, et il m'est arrivé ça, appelle-moi 06, voilà, vous mettez votre numéro dedans et vous l'envoyez au 6 11 12. On se fait rire de ça. Yo, j'étais à Caen, c'était super de vous rencontrer. Ah bah gros bisous à toi. Salut. On est venu à Rennes, à Caen et à Rouen ce week-end. Les tics, faut les brûler au briquet pour qu'il lâche, David de Dijon. Bonsoir à toi, le plus gros tic au monde, c'est Julien Stagiaire. Les tics sont dangereux et donnent la maladie de Lyme. Salut Choupinette du 34. Allez, bougez pas, on se fait rire de ça sur Énergie, je m'en fous là. Et on vient vous voir demain, et donc on sera samedi soir en direct de Bastia avec justement, il sera là. Ritza, il sera avec nous pour le Énergie Corsica Party. Je vais animer sur la place Saint-Nicolas samedi soir en direct. On sera 25 000 à 21h. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, les mecs, avec Ritza aussi sur Énergie. Je m'en fous, laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Arrête, tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi, je m'en fous. Et au fait, non. Non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous, laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous. Rien à faire, tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire, ouais au fond, je m'en fous. Est la seule émission de radio du monde à rendre les gens sympas. Je le coupe en, avec la hache, je le coupe en mille morceaux. Vous voyez, je vous ai pas menti. Guillaume Radio 2.0, 22h, 1h sur Énergie. Bravo, bravo. Schmitt, rock, la routine s'éternise. Je rate quand je bois toute la nuit. Je lave ce qui me suit depuis des années. Schmitt, rock, la routine s'éternise. Je frotte quand je bois toute la nuit. Je lave ce qui me suit depuis des années. Sort demain l'album de Jul. Je trace ma route, c'est un extrait là qui sort l'album. Je suis seul. Salut Guillaume, vous avez... moi j'ai eu la maladie de Lyme à cause d'une tique aussi avant d'en parler, ouais, juste avant, ouais, là. La merde. On se racontait ça sur Énergie, c'est Énergie, vous êtes les bienvenus les gars. Guillaume et votre message aussi, 612, le plus gros tique au monde. C'est juste à dire, ah non, avant. Va, moi, ma mère a fermé ma fermeture éclair et m'a coincé un bout zizi. C'est pas un tique, mais une tique. Échographie des couilles suite à un poil qui poussait à l'intérieur. Ah bah tu vois. On se raconte un peu les fois on avait dû aller chez le médecin pour des problèmes qui étaient un petit peu honteux d'aller raconter. Tu m'entends Marie? C'est pas ton vrai prénom. Hein. Oui, c'est ça va ou quoi? Papa. Nous avons qui capte? C'est un mari du 35. Les Bretons. Eh oui. Ah là là, bon putain, ça c'était notre émission, hein. C'est juste un extrait que j'ai enregistré, ouais, de l'émission. C'était la queue leu-leu qu'on, ouais, a fait jour de l'an, ouais. Bon, et ben enchanté en tout cas, merci beaucoup à toi d'appeler et tout, ça fait plaisir, un dédicace à toute la Bretagne. Ok. Ouais. Attends, j'ai mis un extrait de... Tout. Est-ce qu'on s'est rencontrés dans le 35 d'ailleurs, on était à Rennes vendredi là? Je voulais venir à Rennes. Tu venais en fait vendredi dernier, je crois. Oui, exactement. Je suis partie en Espagne il n'y a pas longtemps. On faisait un goûter et tout. Et genre, ça m'a vraiment embêté. Tu vois, j'ai pas pu venir du coup. En Espagne ? T'allais faire un goûter en Espagne ? Ah, t'as de l'oseille, toi ? Un goûter d'Espagne, en fait. On a fait, tu vois, les présentations et tout. J'ai pas compris un goûter d'Espagne. Je sais pas comment est-ce que ça veut dire. Non plus. En gros, on était avec la classe et on faisait un goûter, on mangeait des trucs espagnols, on faisait des dégustation. T'es pas allé là-bas. T'as mangé des tapas, ouais, quoi. Ouais. Oui, voilà, j'étais là-bas. On a dégustation. Yo soy el fils de Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos. Y mi frero se llama Morito. Sí, me llamo Morito. Y mi, hola, hola. Y mi sœur, que era, sí, oh, Caipirinha. Hey, Caipirinha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la casa? Vuol dire che la catrò, ma serve a ripetere anche questa. È la retare. È la ricordo di un fan di 75 anni. Ai, ai, ai. Un po' di catrò. Sì, signor. Morito. Sì, che si passa. Come si appelle notre frère? Il s'appelle Luis Enrique Le Susseur. Mais non, che tu dis? Mais non, c'était des poissons, tu vois pas, moi. Ah, non, ah, non, ah, non, ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non

step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, 5-star. Sexy loving in the car, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy? Jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loved you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? What's up, what's up, what's up? Imaginez une émission de radio avec plus d'un million de potes qui vivent les mêmes moments et tapent des fous rires en même temps. C'est tous les soirs de 22h à 1h dans Guillaume Radio 2.0. Allez, de retour, sur il Énergie. Est 22h29. Nous sommes en direct hein, ce soir sur Énergie. On va vous filer des places pour le. Alors, il y a le double hit qui va tomber dans deux minutes, c'est rare. Ouais. Et je vous file des places pour aller voir Maître Gims en concert le 18 juillet à Carcassonne, au festival de Carcassonne. Ouais. Je crois qu'il y aura Pharrell aussi cette année. Moi aussi, ouais. Ah, j'ai vu la fille. Il y a du monde. Ouais. Enfin, on vous file des places pour, officiellement pour Maître Gims hein, voilà, ce soir. Pour le festival de Carcassonne le 18 juillet. Je vous file ça vraiment dans deux minutes. Je vais enchaîner Rihanna. Fin 5 secondes. Avec Maître Gims, ma beauté, c'est celui-là. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la. Dédicace à mon animateur radio préféré. Gros bisous les chiens et martiens pour le message. C'est un plaisir. Dédicace à mon petit frère Neil qui vous écoute. Bah, gros bisous à toi. Moi, je me suis fait opérer d'un kyste pilonidal. Douleur atroce. Oula. J'ai également une mycose du gland. Ah bah alors attends, on va t'appeler. Ouais. Salut, on dit une tique et ça se trouve, il a la maladie de Lyme. Je suis pas sûr de l'orthographe. C'est une maladie qui n'est pas reconnue en France, mais oui, en Allemagne. C'est connu. Je viens du 39. C'est connu en France. Je sais pas ce que ça fait comme problème la maladie de Lyme. Bah non, mais ouais, c'est connu. Il y avait Marie qui était avec nous. Hein. Tu m'entends toujours dans l'Ille-et-Vilaine, dans la Bretagne. Oui. 35. T'avais passé un petit coup de fil pour dire que t'avais un chat. Non, bah, c'était pas toi. C'était avant. Ah, t'avais le cul qui grattait. T'avais les fesses qui grattaient. Mais ça arrive régulièrement d'avoir le cul qui gratte. Ah ouais. Donc t'avais le cul qui grattait vraiment fort au bout d'un moment, c'est ça? En fait, oui, au début, tu vois, tu dis, bon, c'est rien. Demain, je me laverai. Tu te laves, et genre, le lendemain, ça te refait mal. Tu dis, ben merde alors, j'ai laissé tomber. Et en fait, à la fin, ma cousine qui a eu des verres, justement, elle m'a expliqué... pour rigoler, elle m'expliquait qu'elle avait vraiment eu des verres et tout, et que bah, ça démangeait, machin, elle m'expliquait ce que c'était. Ouais. Et là, en fait, c'était quoi? Et en fait, moi, du coup, j'en ai parlé à ma mère. Quand elle est partie, j'ai commencé vraiment à avoir super mal. Puis en plus, tu stresses, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai et tout ça, tu te poses des pires questions. Non, ça fait peur, ça fait peur. Alors, le cul qui gratte, c'est pas normal. Ah ouais. En fait, bah oui, moi, je stresse tout le temps, je fais des crises d'angoisse et tout, tu vois. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'en ai parlé à ma mère, et puis elle m'a dit, bon, on va aller voir un médecin. Et là, j'ai dit, ah non, maman, c'est bon, j'ai pas envie, quoi. J'avais honte, franchement. Ouais, c'est normal, c'est très gênant. Bah, il faut en parler. Ouais, mais après, ouais, bon, après ouais. C'est les médecins, ils vont pas rigoler, hein, tu sais, ils l'ont toute la journée. Hein. Ils sont habitués, les médecins, je pense. Donc, faut y aller. Bah oui, ils sont habitués. Ouais, c'est leur ils ont eu 15 ans d'études, ah, ouais. Ou 10 ans d'études. Enfin, ils vont pas rigoler, hein. Voilà, ouais, un cul qui gratte, ça les fait plus rire. Hein. Ouais, ouais. Là, franchement, ouais. Médecin, ouais, c'était un homme, ouais. Du coup, on a changé, j'ai pris une femme qui ah, me connaît. C'est mieux, je pense. C'était plus à l'aise. Ouais, moi, franchement, je m'en fous. Même, un homme ou une femme, franchement. Si j'ai un souci de santé, soigne-moi, quoi. Même les gynécos, quand t'es une meuf, c'est chaud pour aller chez un garçon, quand même. Franchement, je sais pas. Moi, ça me ferait chier. Toi, t'es un gynéco fille ou garçon, Marie? Moi, j'ai pas de gynéco, mais après, je pense que je prendrais une femme. Je ouais, tu vois. Ah, t'as bon compris, ouais. Ouais, tu vas prendre une femme. Amina, du standard, ça te dérangerait t'as un gynéco homme ou femme? Femme. Ça te dérangerait genre un gynéco homme ou Non, si c'est une urgence. Après, si c'est un médecin, c'est pour la santé. Quoi. Ouais, mais il y a le. Ouais. Franchement, déjà, même une meuf, c'est quand même gênant, je te jure, c'est bizarre. Moi, je me suis pris un doigt dans le cul par une médecin femme. Ah, mais nous, on est des mecs, je m'en fous. Franchement, je m'en fous, quoi. Ah, mais c'est souvent. Si c'est un grave problème, tu vois, à un moment donné, je préfère qu'elle me soigne. Vas-y, soigne-moi, et puis dans 10 minutes, c'est passé. Ah, mais gynéco, tu peux choisir. Mais gynéco, tu le vois tout le temps, enfin, tu vois, une ou deux fois par an, pendant des années. Ouais, c'est bizarre. Ouais, ouais. Et donc, Marie, t'avais quoi au final? C'était quoi, une mycose genre dans les fesses? Non, même pas. En fait, j'ai été voir. Du coup, elle m'a dit que c'était. En fait, c'est tout petit verre, vraiment, même pas 2 mm, tu vois. Ouais, des mini verres, ouais, je sais, en fait, bien sûr, et tu prends du verre, j'en avais expliqué. Du vermifuge, ouais, il y a quelques temps, de boire un verre, il faut une cuillère à soupe de liquide blanc, là, c'est du sirop blanc, c'est du vermifuge, et ça tue les petits verres dans l'anus. Et j'avais dit et toute l'équipe n'avait jamais pris du. Non, non. Et il rentre comment le verre? J'ai eu des petits cachets, et en fait, t'as plusieurs types de verres, apparemment, plus ou moins longs. Et genre, en fait, on en a tous, mais ils sont tous dans l'intestin et tout. Et à un moment, bah, ils descendent, en fait. Et généralement, ils descendent, c'est quand ils mangent trop de charcuterie, trop de lait, ça. Ah ouais, c'est vrai. Et alors, et donc, t'avais un peu cul gratté, et t'as donné quoi, du coup, des médicaments, et c'est passé? Moi, j'ai eu des cachets, tu vois, ça prenait. Ça faisait fait tous les 15 jours. Donc, bon, bah, première semaine, tu les sens, parce qu'ils descendent tous, en fait, tous dans l'intestin. La deuxième voyage. Semaine, tu les sens moins, tu te laves bien, tu changes tes vêtements tous les jours, quoi. C'est vraiment faire ça tout le temps. C'est même le fait de garder ses serviettes, par exemple, 2-3 jours, bah, ça peut faire ça. Ou quand on ne se lave pas les mains et ça, bah, rien qu'un verre sous un main qui était dans le sol, et bah, c'est mort pour nous, quoi. On en a. Ah ouais. Non, mais moi, je comprends. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir le cul qui ratait des moments. J'ai dit, un verre, c'est horrible. Il y a des fois, t'as envie de te cacher, t'as le cul qui gratte, tu sais, tu te grattes en fait et tout. Tu sais ce que je veux dire? Non, mais en vrai, dès que personne te regarde, hop, tu te grattes à fond l'anus pendant 3 secondes. Ah, et après, tu reviens l'air de rien, salut, ça va? Ouais. Alors, t'étais juste à la porte, tu t'es défoncé l'anus. Non, mais attends, tout le monde l'a fait, ça. Tout le monde l'a fait. Ah ouais, c'est vrai. Tout le monde l'a fait. Dès que personne regarde, hop, tu te grattes le cul. Oui, ouais, bah oui. Non, c'est vrai, et moi, je me rappelle, et donc là, quand il m'avait donné du merde, après du vermifuge, ça fait plus rien, après, t'as plus le cul qui gratte du tout, quoi. Bah, c'est un médicament. Ouais, ça dépend. Après, moi j'ai eu peur parce qu'au début, elle avait des verres solitaires. Et quand j'ai eu la superbe idée de regarder sur internet, tu vois, bah, genre les verres solitaires, c'est genre un truc, c'est long. Et puis, genre, la tête repousse et tu la coupes ou quoi. Ouais. Non, mais c'est. Moi, c'est... J'ai eu peur, tu vois. Après tu, quand le verre il sort, il est mort. Hein. C'est des petits bouts et tout. Tu prends une sorte de cachet et puis il sort, il meurt le verre. Ouais. C'est des petits bouts et tout. Tu chies des lambeaux, je crois. Mais tu vois pas. Non, c'est vrai, tu chies des lambeaux, c'est vraiment ça. Hein. Je le sens pas si. Salut, Guillaume, il fait super chaud à Limoges, 36 degrés. Ouais. Salut, gros là. Salut. Toi, Guillaume, quand t'écoutes, on a l'impression que t'habitais partout. Ouais, j'ai déménagé 14 fois dans ma vie parce que mon père était responsable de magasin dans le supermarché et tout. Donc, normal, quoi. Ouais. Déménagé tous les 6 mois, tous les 1 an parfois. J'ai déjà eu un tic au testicule obligé d'aller aux urgences. Ils l'ont retiré à l'aiguille de et avec une seringue. À l'aiguille de seringue, putain, ça faisait trop mal. Un tic au testicule. Voilà, on se raconte un peu un peu comme Marie, les trucs un petit peu gênants. Voilà, est-ce que vous avez eu déjà pareil comme Marie qui appelle dans la Bretagne, hein, qui avait le cul qui grattait Et maintenant, t'as plus le cul qui gratte, ça va mieux, ouais? Non, maintenant, le cul qui gratte, mais maintenant, genre, quand t'as ça une fois, deux fois, tu stresses, tu dis j'arrête de manger de charcuterie et tout, tu vois. Ouais, franchement. Non, mais c'est clair. Après, tout à l'heure, j'ai entendu une. Sa mère, elle conseille les idées dans la braguette, tu vois. Ouais, exactement, ouais, par SMS, ouais. Mon oncle, il a eu pareil, ça, il m'a expliqué tout ça, et ma mère, elle a fait le même coup, mon petit frère. Ah, elle a remonté sur la bite. Oh, faire gaffe quand même. Ça doit faire mais mal. Ça quoi, ça lui a coupé la bite, enfin un bout de bite. Ça saigne. Mon oncle, lui, il a saigné parce qu'apparemment ça avait, je sais pas, j'ai pas compris, j'avais pas envie de savoir. Et mon frère, par contre, il a un tout petit bleu, tu vois. Ouais, un petit bleu, bon, ça va. Ouais. Regarde lui, Mehdi, par exemple, c'est plus grave. Hein. Tu m'entends, Mehdi de Metz, ça, Mehdi? Ouais, je t'entends. Ça va ou quoi, Mehdi? Hey, tu peux enlever le haut-parleur, Mehdi, s'il te plaît. Salut, tu peux enlever le haut-parleur? Ah, j'ai pas d'haut-parleur, j'ai pas de petite malibre. Ah, t'as pas d'oreillette là? J'ai rien du tout là. Ah bah ouais, t'es au volant alors, Mehdi? Ouais, je suis au volant. Vas-y, bah bon courage, hein, t'es routier, c'est ça, Mehdi? C'est ça. Alors attends, je me suis arrêté. C'est pas ton vrai prénom, hein, j'explique. Hein. Ne cherchez pas un Mehdi dans vos contacts. Ouais. voilà, je donnerai aucune info sur toi. En tout cas, mon Mehdi, merci d'appeler, hein, comme vous tous. Hein. Venez partager un peu là, on se raconte un peu les fois. On a déjà dû aller chez un médecin pour une demande un petit peu honteuse, etc. Qu'est-ce que t'as fait, toi, Mehdi, alors? Alors en fait, moi, c'est quoi? J'adore manger épicé. Et alors, je chope de temps en temps, c'est des hémorroïdes. Ouais. Ouais. Et un jour, c'était trop. Et la pommade, c'est qui se vend en libre service en pharmacie, bah, c'était plus efficace. Ouais, ça suffisait plus. T'avais trop mal. Ça suffisait plus. Ah, non, mais genre, quand tu dis hémorroïdes, c'est quoi? Je comprends pas trop. C'est un petit caillou de sang que t'as au niveau du trou du cul. D'accord. Ouais, ça saigne. Voilà. Ouais. Ça fait un anus un peu boursouflé, quoi. Exactement. Ah, ça m'est déjà arrivé, ça, parfois. Oui. Tu sens un peu quand tu t'as une boule un peu. Il y a du sang, des fois. Ouais. Ça ressemble. Ça fait un bouton, en fait. Bah, non, ça fait pas un bouton, c'est boursouflé, c'est... quoi. Ouais. C'est gonflé à un endroit. Ouais, c'est une veine qui a pété, en fait. Non, une ampoule. Ouais, une veine. Ouais, pour comme je sais pas trop comment expliquer. Bah, comme regarde hémorroïdes sur internet. Il y a des vidéos, pire. Il y a un tuto hémorroïdes. Oui, mais c'est sûr, mais après, sur internet, c'est abusé. Tu tapes orteil, il y en a qui ont des orteils gros comme mon poing. On dirait un prolapse, il y a l'anus qui sort. Non, après, tu peux avoir juste une petite un peu gonflée. Et donc, toi, Mehdi, t'avais vraiment le cul. Genre explosé d'hémorroïdes. Voilà, alors en fait, au début, c'était un gros bouton que j'avais au niveau des fesses. J'étais voir mon médecin traitant. Il m'a dit écoute, laisse tomber, il n'y a aucun médicament pour soigner tout ça. Va chez mon collègue, voilà son adresse, prends ta carte vitale et vas-y au plus vite. Et c'était quoi? C'était un proctologue, un gastro-entérologue? Voilà, un médecin, ouais. Des fesses, quoi. Ouais. Un médecin, ouais, des fesses, exact. Alors je vais aller le voir, je lui explique la situation. Alors il m'allonge, il m'écarte les fesses, il voit la grosse boule. Un coup de seringue, c'est pour anesthésier les fesses. Voilà. Et hop. Et quoi? Il met un coup de scalpel, il enlève la. Bah, il vide l'hémorroïde. Bah, il sort le pus, je pense. Non, il sort le sang, c'est du sang. Le sang. Ouais, c'est du sang qui a coagulé, tu vois, parce que t'as les veines qui pètent. Et voilà. Alors, c'est violent quand même. C'est pas bon, mais bon. C'est moche. Quand ça arrive, c'est moche. Hein. Ah, c'est dur. Deux mois après, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais le trou de balle, mais rempli d'hémorroïdes. Et là, cette fois-ci, c'était plus proctologue. Là, c'était aux urgences. Ah, c'est vrai? Urgent. Ah, ouais. Alors, je suis resté deux jours hospitalisé. Ils m'ont dit que j'avais une fissure du trou de balle. Une fissure anale, quoi. Il était cassé, quoi. Ouais, bah, non, mais ça peut arriver. Mais moi, ça m'est déjà arrivé 10 fois. Hein. Mais comment moi, ça tu fais caca un peu fort et tu forces, t'as un peu de sang. Oui, bah, et ben ça, c'est une toute petite fissure anale. Après, toi, sinon, t'avais dû l'éclater. Non, mais tout le monde a déjà saigné du cul, les gars. Ouais, sinon, t'es pas aimant. Et en fait, c'est des petites fissures là, quand tu forces un peu pour faire caca, c'est une mini fissure, genre 1 mm, quoi. C'est des veines qui pètent. Mais toi, c'était vraiment très gros, Mehdi. T'as fait un truc bizarre ou quoi? Comment? Ouais, tu t'es rentré une bouteille de. De Louis Roderer. Ah, non. Une bouteille de chambre. Moi, le problème, c'est que j'adore manger épicé, tu vois. C'est manger indien. Oui, mais là, si vraiment tu vas aux urgences, parce que t'as le cul en feu, mec. Ah, c'est vraiment. Pas le poulet au curry. Ah, non, mais là, et mon gars, il va pas en Afrique. Parce que moi, j'ai des potes, leur mère africaine, là, ils font de la bouffe, mon gars. C'est immangeable, hein, tellement que c'est épicé, quoi. Bah, pour nous, parce qu'on n'est pas habitués. Exactement. Moi, je sais pas, mais y'a rien qui est rentré. Ah ouais, va pas en Inde non plus, hein, gros. L'Inde et l'Afrique en termes de Mexique et l'Amérique du Sud non plus. Ah ouais, au Chili. Ah, t'oublies tout le Sud en fait, t'oublies tout l'hémisphère Sud pour toi. Va en Suède, c'est bien. Et attends, et encore, en Suède, t'as du saumon. Un saumon, ah oui, bah. T'as le plat sur streaming qu'on a ouvert, le plat qui pue. En Angleterre, alors. Attends. J'ai vu, putain, c'est moche, hein. Oh là là. Mais attends, et donc t'avais une fissure anale, mais qui était grosse comment pour aller aux urgences? Comment? T'avais une énorme fissure anale, en gros. Écoute, je sais pas, j'avais des règles. Je saignais des fesses. Ah ouais, carrément. Non, moi, je veux dire. Alors je saignais des fesses, je suis parti aux urgences. D'abord chez le médecin m'a dit va aux urgences. Urgence, ils m'ont gardé 2 jours. Opération. Et dès que je suis sorti, ils m'ont mis des couches. Ah ouais. J'avais quoi? J'avais 22, 23 ans. Et mon gars, arrête les faritas là. Attends, gros. Ils m'ont dit. Alors ils m'ont expliqué que rien que la position d'aller aux toilettes, c'est quand tu vas faire caca, elle est pas bonne, tu vois. Oui, ça c'est vrai. C'est quoi la position? Faut mettre les pieds au niveau de ses fesses, en fait. Faut mettre les deux pieds, faut s'accroupir. Quoi? Voilà. Ouais, bah, en fait, il y a une position pour aller aux toilettes. Faut mettre ses deux genoux comme ça, quoi, voilà, et tu fais caca comme ça. Faut pas forcer sur l'intestin. Voilà, les chiottes à la nature, exactement. Ouais. Et je vais vous dire un truc basique, hein, c'est comme si, imaginez, vous n'aviez pas de chiottes, vous chiez par terre. Ouais, c'est ça. Bah, tu te penches en arrière et en fait, il faut chier comme ça. Il faut chier comme si t'es dans la douche. Voilà. En fait, t'es dans la douche, t'es debout, tu t'accroupis. Ouais, mais c'est quand même mieux d'être assis. Tu fais caca dans la douche. Non, mais la position, quoi. Ouais. Et parce qu'en vrai, les humains, on est fait pour faire caca sur les sapins, quoi. Mais on n'est pas fait pour faire chier dans un trou de céramique, en vrai, tu vois. C'est vrai. Il y a 200 ans, on chiait même pas dans un trou de céramique encore. Mais c'est vrai, c'est pas récent les toilettes. On a l'impression qu'on a inventé. Non, mais attends. Et c'est arrivé, mon gars, t'es traîné il y a 150 ans, gros. T'aurais chié la sciure de bois. Tu chies dehors. T'es traîné il y a 300 ans, t'aurais chié dans une bassine que t'aurais jeté par la fenêtre le matin quand il y avait le mec. Il y a pas de PQ, du coup. Tu traînais il y a 600 ans, gros. T'aurais chié dans ton jardin avec un coup de bêche. Ouais, on est bien, on est 1500. Voilà, attends. Et peut-être que plus tard, on chiera dans sa main, sera tout sec. On mangera le truc. On sera en cercle fermé, tu sais. Ça nous paraîtra normal. On donnera un petit puche-puche. On mettra une sorte de petite vitamine sur la merde. On la remange. Ce sera des robots, du coup. Et après, c'est parti comme en 40, quoi. Voilà. Bon, attends, Mehdi qui a des hémorroïdes. Bon, et en tout cas, mangez pas trop épicé, gros. Ouais. Et on parle des fois, là, comme Mehdi là, qui a passé un petit coup de fil. Est-ce que pareil, vous êtes déjà allé chez le médecin et pour un truc qui vous a vraiment. Pour un problème un peu honteux. Guillaume et votre message au 612. Et attention, on fait maintenant le double hit. Vous allez bien. Double hit maintenant. J'envoie Rihanna avec Maître Gims. C'est les deux hits d'affilée. Si vous voulez des places pour Maître Gims, allez le voir le 17 juillet. Ouais. Le 18 juillet, pardon, au Festival de Carcassonne. Deux places tout compris. Hein. Je vous paye le transport, l'hôtel, le restaurant, tout compris. Les gars, un petit week-end pépère gratuit à vous offrir maintenant. Vous envoyez Guillaume et vous envoyez votre numéro de téléphone. Guillaume, un espace, votre numéro au 6 11 12. Double hit maintenant sur Énergie. Ok. On recommence pour ceux qui n'ont pas suivi. Guillaume, votre numéro au 612 sur Énergie. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness.

dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, et dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Tous les soirs, de 22h à 1h, Guillaume Radio 2.0, sur Énergie. Tour. Vous me laissez pas seul, parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups seront mangés par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Ces crènes arrivent au hasard, donc pourquoi râler. Je fais ce que je peux pour mes potos, et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter, je prends la vie comme un combat. Allez, on va, vous savez quoi, on va prendre un gagnant du double hit, là, Guillaume, et vous envoyez votre numéro de téléphone au 6-11-12. Je vous file ce soir des places pour aller, tout compris, hein, au Festival de Carcassonne, le 18 juillet. Il y aura Maître Gims, mais il y aura Pharrell Williams aussi, j'ai vu. Ouais, aussi, ouais. Ça va être énorme. Ça va être super. Voilà, franchement, le Festival de Carcassonne, ouais. Ils mettent les moyens. Et par contre, le 14 juillet, tous ceux qui sont dans le sud de la France en vacances, les gars, on se retrouve tous à Toulouse. Je vais animer un concert, alors tenez-vous bien, 370 000 personnes. Normal. Et 8, et t'as l'impression que le chiffre il est pas réel, quoi. C'est vraiment le plus gros concert de l'histoire. C'est historique, hein. Ville de Toulouse, là, Énergie, on organise ça le 14 juillet. 370 000 personnes. Et qui va envoyer les sons? C'est Guigui de la Régie. Ça va, mon Guigui de la Régie? Ouais, ça va, nickel. Voilà, 20 ans, 21, 22, 22 21. On va sur les 22. 21, il va sur 22 là. On voilà. va sur 22. Ouais. Et donc Guigui de la Régie qui sera avec son petit ordinateur et qui va envoyer les sons pour 370 000 personnes. C'est incroyable. Bah, après, c'est comme la radio. Ouais. Oui, mais là, c'est on les voit. Ils sont face à, ils font face à toi, mon Guy Linge. Ouais, ça va être cool. Ça a été énorme. J'ai trop hâte d'y être aussi. Le 8 juillet, le vendredi 8 à Angers, à Trélazé. Et demain, on part à 8h du matin pour venir vous retrouver à Bastia. Ça sera samedi soir sur la place Saint-Nicolas à partir de 21h. Il y aura Ritza qui sera là. Il y aura Imani, il y aura Chris Cap, Vita, Gian, Peretta, Souf, Bousti. Voilà, grosse soirée pour les Bastiais, pour les copains corses. On va se retrouver demain. Ce serait énorme de pouvoir vous raconter ce qui m'est arrivé. Je vous laisse mon numéro. Et ben avec plaisir. Aujourd'hui, je suis allé au brevet au talent. Franchement, ça passe crème. Mais l'histoire, ça va être autre chose demain, je pense. Salut les gars. Allez, bon courage. Bon, pourquoi tout le monde dit goutte? J'ai pas compris. Ah, je sais pas. Par rapport au brevet, non? Ouais, je crois, ouais. Goutte, G-O-U-T-E. Goutte. Putain, les troisièmes comprendront. Gabi du 22. Salut Roger Versailles. Il y a eu un truc avec les gouttes, parce que tout le monde me dit ça sur Twitter. Ouais, c'est ça, ouais. Avec le sujet de français. Ah, vas-y, j'aime le standard. Je suis pas sûr, je vais vérifier quand même. Ah, merci de nous dire que tu sais pas ce que c'est et que tu vas chercher. Alors, juste, on va offrir aussi, avant d'offrir les places pour Maître Gims, j'ai fait un énorme concours sur Internet. Vous avez été très, très nombreux à jouer sur Facebook. Vous avez partagé le post, vous avez liké le post, vous avez liké ma page. Voilà, Guillaume Play, P-L-E-Y. On est combien JM du standard maintenant avant de prendre un gagnant? Ouais, je vais te dire ça, j'actualise pour avoir. Vous avez été des centaines de milliers à jouer. Ouais. Non mais c'est un truc de fou, hein. Grave. 2 800 000 vues en une journée. Merci. C'est beaucoup, hein. Ouais. 2 722 804 vues exactement sur le post Facebook. JM du standard, on a demandé à vous tous de mettre un pouce bleu ou un cœur rouge ou un smiley qui rigole en fonction des cadeaux que vous voulez. Le pouce pour la PS4, la télé, le smiley. Le cœur pour le MacBook. Je vais demander à Amina du standard d'appuyer sur le logiciel. Attends, Amina du standard, on appuie sur quoi? On commence par Facebook ou par le double hit? Pardon? On commence par Facebook ou par le double hit? Bah, double hit, c'est tout frais. Eh ben, allez, c'est tout frais. Eh ben, allons-y, allons-y. On offre les places d'abord pour le double hit. Si vous avez envoyé Guillaume et votre numéro de téléphone au 612, restez maintenant surtout près de votre téléphone, ça va sonner tout de suite. Vous gagnez les plus gros concerts des plus grandes superstars. En écoutant Énergie. Allez, c'est parti, j'appuie sur le bouton. Ça va sonner en direct chez l'un d'entre vous. Et vous allez repartir du coup avec deux places, tout compris, hein, j'insiste, pour aller à Carcassonne le 18 juillet au Festival de Carcassonne. Ouais, c'est beau, et pour aller voir Maître Gims. Voilà, je vous file les places maintenant. Allô. Allô. Bonsoir. Ça va ou quoi? Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, tranquille. C'est quoi ton prénom? Élodie. Élodie? Oui. Eh ben enchanté. Oui, enchanté. Élodie de où? De Salemine, à côté de Lens. Ah ok, dans le 6-2. Ouais, dans le Pas-de-Calais. Ouais. Et ben dans le Nord. Et ben enchanté. Alors putain, on t'envoie Carcassonne, c'est à l'autre bout de la France. Ouais, c'est tu bien. Fais quoi dans la vie, Elodie? Je suis téléconseillère pour le service commercial. Je sais pas si j'ai le droit de dire, mais Orange. Ah énorme. Ouais. Très bien. Et ben écoute, grâce à Orange, dont je rigole, grâce à Énergie, tu seras au Festival de Carcassonne le 18 juillet. Voilà, c'est Maître Gims sur Énergie, Hit Music Only. Ok, je t'envoie les deux places. Tu vas y aller avec qui d'ailleurs, Elodie? Avec mon mari. Et il a quel âge? Il a 33 ans. 33 ans. Et t'as quel âge, toi, Elodie? J'ai 25 ans. 25 ans. Eh ben, très bien. Eh ben, écoute, je t'envoie les deux places. Je t'envoie les deux places. Je vais te repasser Flo des cadeaux pour prendre tes coordonnées, tout ça, d'accord? Bien joué. Bravo. Ok, merci. Bah, merci de rien. Beaucoup, je me kiffe. Tu connais depuis quand l'émission, toi, Elodie? Depuis un moment, depuis très longtemps. C'est vrai? Depuis quelques. Allez, quelques mois déjà. C'est quoi vous dire, les mecs? Quels sont les horaires de l'émission? Quels sont les horaires de l'émission, Elodie? Alors, c'est. Attendez, arrêtez. C'est 22h, 1h. C'est une bonne réponse. Et le dimanche, quels sont mes horaires? Si tu as une mauvaise réponse, je retire mes places. On brûle les places. Non, vous pouvez pas me faire ça. Dépêche-toi, il reste 5 secondes avant la pub. Allez, mes horaires du dimanche. Allez. 21h minuit. Non. Arrêtez. Non, 21h minuit. Prends les places d'une stagiaire. Ouais, je les ai là. Et déchire-les. Non. Voilà. Au revoir. On se retrouve après la pub. Elle a perdu ses places. C'est venu dans le 6-9 sur Énergie. On est au Gros du Roi toute cette semaine. On va parler des jeux de plage parce que c'est les vacances qui arrivent. Quel est votre jeu de plage? Si vous deviez en choisir qu'un seul. Valentin? Moi j'ai inventé la pétanque galet, c'est génial. Tu mets une petite pierre en cochonnet et après chacun lance sa pierre et tu dois arriver le plus proche possible du caillou. Un jeu facile à la plage que tout le monde peut essayer. Ouais, c'est bien quand tu joues au milieu des gens. Oh pardon grand-mère. Je tente un carreau sur la tête à mémé. Rendez-vous demain 6h 9h30 sur Énergie. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Une glacière de 29 litres, rechargeable sur l'allume-cigare de la voiture à moins de 30 euros chez Leclerc. Sur la route des vacances, ça devrait être obligatoire. Du 15 au 25 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la glacière électrique de 29 litres à 29,90 €. Inutile de résister, une glacière comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Gagnez avec Darty des packs Alcatel Idol 4 avec un smartphone et un casque de réalité virtuelle sur Énergie. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 en direct du Gros du Roi sur Énergie. Tous les matins, Manu vous offre avec Darty le pack Alcatel Idol 4 en exclusivité avant sa sortie le 27 juin. Énergie, Hit Music Only. Amour, travail, argent. Santé. Tu te poses des questions? Destin au 7-20-12. L'avenir est toujours incertain, c'est vrai. Mais les astres peuvent te guider. Envoie par SMS Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-20-12. Et nos astrologues te diront de quoi est fait ton futur. Tout savoir pour avancer plus sereinement? Envoie Destin au 7-20-12. Destin au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, e-énergie. 22h, 1h. Vous êtes à la maison, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour. On n'habille plus, on prend. Alors, il y avait Elodie toujours. Elodie, tu m'entends ou pas? Oui, très bien. Je finis mon cornichon, je n'ai plus de respect pour toi depuis que tu ne connais pas les horaires de l'émission. Je vais juste te redemander une fois, s'il te plaît, l'horaire du dimanche. Non, je suis pas certaine. 21h minuit. C'est une mauvaise réponse. Ouais. Mais ouais, je sais. Non, j'écoute pas le dimanche. Bah, dis autre chose au pire. Mais t'as découvert l'émission il y a 2 heures ou quoi? Mais non. C'est Maître Gims qui t'envoie. Tu es là juste pour les places de Maître Gims. C'est le What Ouais, c'est ça. T'as cru que c'était la foire fouille radio? Tu viens, tu prends ton cadeau, tu t'en vas, tu fais la bonne affaire du dimanche. Michto. Tu connais l'émission depuis quelques mois, c'est ça. Je sens que tu es une michetonneuse, Elodie. Ouais, tu mens. Mais non. Tu as un mari plus vieux, tu es le profil type de la michto. Elodie, tu me prends pour un con. Tu es cerné, Elodie. Tu profites du média national qui t'est offert. Nikos, je vais vous demander s'il vous plaît, vous qui êtes l'animateur préféré des Français, de lui poser une question piège maintenant. Bonsoir Elodie, vous m'entendez? Ici Nikos. 22h55, on est sur énergie. C'est énorme. La question piège de Nikos. Comment s'appelle le jeu phare de l'émission Guillaume Radio 2.0 à 22h30 le dimanche? Mais non. Elodie, non, la France entière, la Suisse, la Belgique vous regarde, vous entend. On compte sur vous, bien sûr. Non. Alors on va faire autre chose, on va faire autre chose, Elodie. Je te propose un deal. On s'arrange. On s'arrange à l'amiable. Tranquillou, hein. Tu passes dans mon émission, tu me raquettes, tu prends le cadeau, tu prends le voyage, et tu prends la poudre d'escampette juste après. C'était pas le deal. Tu ne connais même pas l'émission, tu es une intrue. Ouais. Je vais te demander si tu nous écoutes que la semaine, c'est ça, tu m'as dit, Elodie. Ouais, mais pas tous les soirs, les gars. Ah, on y vient. Moi, ça va être une fois. Voilà, Elodie. Ouais, c'est bon. Elodie qui a eu du cul ce soir. Voilà. Elodie qui est une intrue. Ouais. Elodie qui pue du cul. Casse-toi, Elodie. Elle veut gagner un cadeau. La peau. J'ai honte, Elodie, j'ai honte pour toi. Elodie. Oui. Comment je m'appelle? Oh putain, attention. Guillaume. Comment? Guillaume Radio. Son nom de famille, c'est pas Monsieur Radio. C'est un gars d'identité, c'est pas Guillaume Radio. Deuxième nom, comment s'appelle la personne qui est avec moi? Non, je vais pas vous mentir, je sais pas. Si tu dis Nico, c'est bien. Tu ne connais donc pas l'émission? Nico. Donc, je te rappelle que c'est l'émission. Arrête de rire bêtement. Ouais, c'est relou. Il y a 1,5 million de personnes qui nous écoutent, qui aiment bien l'émission. On a des cadeaux pour leur faire plaisir. C'est comme si tu rentrais dans mon salon où j'avais des cadeaux pour mes enfants. Toi, tu prends le cadeau et tu me connais pas. Voleuse. Elle rigole en plus. Je vais chier sur tes places et je vais te les envoyer chez toi. Ouais. Tu veux des cadeaux? Ouais. Je vais tellement te mettre deux doigts dans la bouche et deux doigts dans le cul. Tu nous sors un peu les intestins. Je vais chier liquide sur les places. Tu me fais un colissimo. Ah ouais. Tu me l'emballes dans du scotch. Alors bien. Là... Comme ça, il pourra pas porter plainte contre nous, il aura bien reçu ses places. Ouais. Par contre, on a pas dit. Voilà, on va te mettre du vomi, du surstreaming, du plat, du poisson pourri. Ouais. On va tout mélanger. On va cracher dessus aussi. On va pisser oignons. Sur ta tombe. C'est pour rire, Elodie. Ah, trop loin, allez. Non, c'est pour rire, Elodie. Franchement, je suis très content que tu passes avec nous. Je suis ravie. Moi aussi. Mais en fait, t'es une vraie touriste, t'es tombée aujourd'hui par hasard. Mais dis-moi la vérité, moi j'aime bien savoir. Et je vais te dire un truc, quand vous passez et vous écoutez 10 minutes l'émission, moi, ça me fait plaisir quand même. Si vous êtes 10 minutes ici, vous n'êtes pas 10 minutes sur les autres radios. Ouais, parce que les autres radios, elles valent pas le coup. Tu veux que je te dise, en fait, habituellement le soir, j'écoute pas de radio parce que je suis chez moi. Je sortais de chez ma meilleure amie pour rentrer chez moi. Et je vous écoute la journée quand même. Je vous écoute la journée. Je n'ai rien à branler, c'est pas moi la journée. T'as cru que c'est mon cousin, Manuel Sister? T'as cru que c'est mon frérot, quoi, ou quoi? Moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit là 22h, ma gueule le reste, j'en ai rien à branler. C'est clair. T'as pas volé celui-là. T'as pas manqué celui-là. Heureusement que t'es pas en face de moi. Ah ouais. Non, je rigole. Non, mais attends, et tu tombes donc par hasard, en fait, t'as découvert l'émission ce soir, en vrai, ou. Mais non, ouais, un petit peu. J'avais déjà entendu. Vite fait. Ouais. T'avais déjà entendu, voilà, tu sais qu'on existe, quoi. C'est un peu comme un papy bourré au bar que tu croises plusieurs fois dans ton village. Tu sais qu'il existe, tu sais qu'il est là, tu sais pas comment il s'appelle et puis t'en as rien à branler. Mais tu sais qu'il est bourré, quoi. Et tu sais qu'il est bourré, quoi. Pas de respect, quoi. Non, mais c'est bien. Hey, je vais te dire un truc, je veux vraiment, Amina du Standard, on va revoir le process de casting, hein, parce que là. Mais y'a pas de casting, c'est ça le problème. Non, mais Elodie, je vais te dire un truc, au moins quand t'iras, bah. Et les gens ils te demanderont comment ça se fait t'as gagné les places, bah tu diras voilà c'est Guillaume Radio 2.0 sur énergie, voilà. Et si on te je vais pas faire comme d'autres radios, je vais pas dire dites à Médiamétrique aussi que ça parce que là, bon on va s'emmerder, c'est pas le moment. Non. Mais en tout cas si on vous demande quelle est la radio que vous écoutez, vous pourrez dire énergie le soir quand vous nous écoutez, bah ouais. Pour de vrai, sans mentir, de 22h à 1h, vous pouvez dire vous êtes ici, voilà, ça c'est la vérité. Je veux dire regarde, t'es où là Elodie, mine de rien, t'es pas en train de, c'est pas RTL2 qui t'envoie à Carcassonne, ma gueule. Ah ouais, ça même pas où ça Carcassonne, hein. Mais RTL2 t'as même pas au bout de la rue, alors mais pour qui c'est là. Attends, ça y est, Amina du Standard, repasse-moi ma crème pour l'eczéma. Ça y est, Marmite de l'eczéma. Ça y est, elle est là. Non, mais attends, ça y est, là. Mais Marc, t'es vénère. Mais... Ah. Alors, Elodie. Elle était relou aussi, là. Je crois. Et je vais venir à Carcassonne moi-même pour te tirer la peau du cul. Ah ouais. On t'attend. Le 18 juillet. T'as gagné avec elle, Guillaume. Alors, est-ce que t'es. En plus, t'es même pas sur notre page Facebook. Je le dis toute l'émission, voilà. Guillaume Play, PLOMY. Ah, il est rouge, il est rouge. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? Merde! Ah là là, voilà. Regarde! Qu'est-ce qui est compliqué de tirer l'attention une seconde, Elodie. En plus, il fait chaud et tout. T'as une mémoire de 3 secondes, Elodie. Calme-toi, Guillaume, calme-toi. Ce n'est pas parce que j'ai pris 1 gramme de cortisone encore aujourd'hui. C'est pour ça que je suis nerveux, en fait. Ouais, c'est peut-être ça. J'ai repris un cachet d'un gramme juste avant le. En même temps, elle cherche, Elodie aussi. Hein, avec un cachet. En plus. Pardon, avec un café en plus. Non, oui, avec 2 cafés. 2 cafés, 1 gramme de cortisone, mon gueule. Et bah, merde. C'est pas le moment de me faire chier, Elodie. Ah ouais, Elodie, elle connaît pas les mignons. Non, je rigole, non, mais attends. Eh, ma chérie, je suis content que tu sois là, en tout cas. Je suis content de te faire plaisir. T'embrasseras ton mari. Il s'appelle comment ton mari d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie là? Est-ce qu'il sert à quelque chose déjà? Alors, il sert à beaucoup de choses. Il s'appelle Stéphane et il est boucher. Ah, et ben très bien. Et ben gros bisous à tous les bouchers. Les gars, les bouchers. La viande. J'embrasse tous. C'est une affection très particulière avec les bouchers, parce qu'on peut pas boucher. Voilà. Et voilà. Et donc, dédicace, il fallait être bouché avant de faire de la grande distribution. Mais grosse dédicace à tous les bouchers et en général à tous les métiers de boucher. C'est à ceux qui nourrissent la France, les vrais. Hein. Bah, ouais, oui, les filets de bœuf. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est très bien grâce à Dieu, ouais, c'est vrai. J'ai pas compris ce que t'as dit. J'ai dit, je mange très bien, de la bonne viande. Et bon, on en a rien à branler. Merde! C'est pas une raison pour non, pas non. connaître l'émission. Non, ah, mais il a une boucherie à lui ou il bosse dans un supermarché au rayon boucherie? Il bosse dans un supermarché. Dans quel supermarché? Intermarché. Intermarché. Ah putain, voilà. Putain, on ira le voir, comme, ton comme mari. On va mettre des coups de pression maintenant. Énorme. Eh ben, écoute, tu lui feras une bise, elle est sûrement plus agréable. Hein. Ouais. Non, non, je plaisante. Eh, je plaisante, ma chérie. Non, j'espère que tu es contente d'avoir. Je vais t'écouter au soir, parce qu'il fait dodo de très bonne heure. Ah, c'est vrai. Ah, oh, c'est un petit bon, bébé. Ouais. En tout cas, eh, tu vois, le hasard fait bien les choses. T'écoutes une fois l'émission, tu passes par ici. Mais non, pas une fois, les gars, déconnez pas. Non, non, mais attends, eh, t'as le droit d'être un garde. T'as le droit d'être un garde, ma gueule. Ouais, attends, il y en a plein dans les rues, vous avez le droit. Moi, je sais que ceux qui écoutent l'émission, c'est les meilleurs. Voilà. Enfin. Ouais, un élite. Voilà, c'est exactement, exactement. On partage les mêmes valeurs, le goût des, un peu comme les rillettes, hein, tu vois. Ouais. En parlant de femme de boucher, t'as ce que je veux dire, on a les mêmes valeurs. C'était une pub à l'époque pour les rillettes Bordeaux Chanel. Bordeaux Chanel. Le petit pour rouge. J'ai toujours dit Bordeaux Chanel, moi. Moi aussi, je crois que c'est Bordeaux, moi. CHESNEL. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu t'habilles en Prada, toi, Elodie? Oh, le diable s'habille plus en Prada. Et toi, t'écoutais quoi avant d'écouter notre émission, Elodie, en général, avant de connaître vraiment Énergie, tout ça? Alors, en général, j'écoute du Rihanna. En fait, j'écoute plus des clés USB à la base. Ah ouais, bah comme beaucoup de nanas. C'est bien les clés USB. Comme beaucoup de gens, mais ouais, c'est très bien. Ouais. Tu mets du Rihanna. Mais moi aussi, je t'ai mis Rihanna avec le double hit, là. Ouais, c'est pour ça que t'as gagné. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Tu vois ce que je veux dire. Hein. Merci Rihanna et Maître Gims, quoi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas tapé la radio, finalement. Hein. J'ai pas compris. Peut-être pour ça que j'ai pas zappé la radio finalement. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'attrape de l'habillage en mettant du Rihanna. C'est ce que tu mérites. Voilà. Vos hits préférés sont sur Énergie. Énergie. Rihanna, en méga. Voilà, c'est bon, t'as imprimé ce qu'il vient de dire le monsieur ou pas? Vos hits préférés sont sur Énergie. Énergie. Rihanna, en méga. Il n'a pas dit RTL2, là, il a dit quoi? Il a dit Énergie. Alors c'est qui passe du Rihanna là? Ça y est, m'a énervé là. Tu vas en bouffer du Rihanna. Ah bah là, jusqu'à l'heure du matin. Elle est forte Rihanna. Même le fond de l'album, je te passe. Avec Chris Brown. C'était la bonne époque, hein. Allez, c'est l'été, c'est du Rihanna, là. pour Elodie qui connaît pas l'émission, qui gagne un putain de cadeau et qui connaît pas l'émission. Parce qu'elle écoute du Rihanna sur sa clé USB. Please point me in the right direction. I'ma give you all my affection. Every touch becomes infectious. Let's make out in this. Attention, il y a un autre morceau là. No. All along it was a fever. C'est calme, hein. C'est une maladie. A cold sweat. Attends, j'en ai d'autres, j'ai celui-là aussi là. Morceau de Rihanna là. Peut-être tu vas me refaire kiffer Rihanna en ce moment là. Ouais. Mais il en a combien, il y en a de morceaux là. C'est bon. C'est abusé, ouais. La meuf. Voilà, hein, j'espère que je suis anesthésié. Chante bien quand même. Ouais, elle, elle est belle, elle a tout pour elle. Putain, ouais. non, sérieux. Elle fait que des Chris Brown, il est bien quand même. Oh là là, je sais pas comment elle fait pour arriver comme ça. Bah, le talent. Et avoir ce flow direct là. Parce que le flow, il est parfait quoi. Ouais. Et groove quoi. Ah ouais. Elle, c'est une des plus grosses machines à hit du monde en ce moment. Ouais, mais le dernier album, il s'est pas trouvé main nue, je crois. T'inquiète pas pour elle. Ouais, elle est pas à plaindre. Maurice, ce matin, en brevet de français, il saoulait avec ses gouttes d'eau. Ah, il y a eu un truc avec un problème avec Maurice. Oui, en fait, il y avait goutte-goutte sur un truc de poésie, je crois. Ah, d'accord. Bon, ouais. Ben, j'espère que ça s'est bien passé, en tout cas, les gars. Là. J'attrape de la biège quand je passe du rien, je suis mort d'un punchline de ouf, salut. Ah, je suis même sur le groupe Facebook Punchline de ouf. Ah, j'attrape des biages quand je passe du rien. Guillaume plus aujourd'hui, salut les gars. Bon, les mecs, en tout cas, je t'embrasse très fort, Mélodie. Hein. C'était pour rien. Hein. C'est, ouais, du show. C'est du show. Hein. Peu importe, j'ai envie de dire, peu importe d'où vous venez, le principal, c'est vous êtes là, ça me fait très plaisir, vraiment. Et on fait pas de la radio, on n'est pas des robots, gros. Hein, donc quand t'es là, ça nous fait vraiment plaisir. Et c'est pas une phrase que je balance. On a un cœur comme tout le monde. À la fin de chaque émission, je vais pas vous dire faites l'amour, protégez-vous. Sortez couverts. Attends, pourquoi il a ça, c'est quoi hein? Tiens, pourquoi il a ça, je sais plus ce que c'est. Non, mais je veux dire, là, on n'est pas des robots, toi. On fait émission différemment le début. Enfin, je suis chaud ce soir. Là. Ah bah ouais, encore une fois. C'est clair, putain. Bon, je t'embrasse en tout cas. Bon, et je te fais un bisou, Elodie. Je te repasse Flo des cadeaux, d'accord? Merci beaucoup. Mais de rien, embrasse ton chéri aussi, hein, Boucher là, Intermarché. Okay, voilà, la bouche. Ton mari, même, un gros bisou. Hein. Merci, on embrasse ta famille. Merci. Allez, bisous à tous. Bonnes vacances. Salut. Merci d'être venu là, même quelques minutes, ma chérie. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Voilà, Guillaume Play, P-L-E-Y. Alors note-le bien, Elodie, hein, et puis tout le monde. Hein. La page Facebook, là, Guillaume Play, P-L-E-Y. Même si je passe pas du Rihanna à longueur de journée, vous êtes quand même les bienvenus. À liker la page, voilà, Guillaume Play, P-L-E-Y. D'ailleurs, il y avait un cadeau à offrir aussi sur le Facebook, là. Ouais, Guillaume, gros cadeau. Eh ben, allez-y, c'est parti. On va prendre un gagnant sur la page Facebook maintenant si vous avez liké la page. Si vous avez partagé le dernier post pour une télé, un MacBook Pro ou une PS4, et ben c'est parti. J'appuie sur le bouton, ça va sonner en direct. Il est 23h10 et cadeau qui va être tiré au sort sur Facebook. La personne n'est pas au courant quand ça va apparaître. On a pris le numéro via le, les données Facebook. Ouais. Qui l'ont pas accédé. Normalement, il faut qu'il réponde juste. Hein. Et voilà. Parce que s'il répond pas, et ben dans le cul le cadeau. Ah, merde. Ouais. Dans le cul le cadeau. Allô. Allô. Allô. Allô. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. T'as compris qui t'appelle? T'as compris qui t'appelle? Ouais, ouais, j'ai compris. C'est qui? C'est Guillaume sur Énergie. Oh putain, c'est bon. Bravo. Ça. Ah, joué. Hey, t'as entendu, enfin. Elodie? Tu vois quelqu'un qui connaît? Merci, parce que je vais trop grand berger. C'est quoi ton prénom qui vient de gagner sur Facebook là? C'est Louis. Louis, ça va? Louis, je note, hein. De quelle ville, Louis? Les Vignes-la-Seb. Dans le combien? Dans le 34? Ouais, 34. 34, alors, vas-y, RPZ alors. Ouais. Vas-y, un gros. Hey, Louis, t'avais mis. Alors attends, que je dise pas de conneries. T'avais mis un smiley qui rigole, c'est ça? Ouais, ouais. Et ben donc la télé, c'est gagné. Oh, oh, oui. Voilà, ça y est. Merci hey, on... tout le monde. Hey, le tirage au sort est effectué via logiciel. T'es content ou quoi, mon Louis là? Ouais, ouais, je suis content, merci, merci. Bah de rien, bro. Hey, Louis, en direct de Lesina dans le 34, dédicace à tout le monde, hein, les mecs. Les gars. Et bah, ça fait plaisir, en tout cas. Et puis, en plus, vu qu'Elodie ne prend pas ses places pour Guim, je vais te les offrir. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Non, c'est pour rire, c'est pour rire. Bon, en tout cas, et la télé, mon Louis, là. T'as quel âge, Louis, là? Ah, il m'entend plus. Tu m'entends, Louis? Ah non. Il s'est évanoui. Avec trop d'émotions. Ouais. Ah merde, on va le rappeler quoi. Je souhaiterais avoir des idées originales pour faire une belle demande en mariage. Ah bah avec plaisir, gros. De Louis Gâteau. Ah merde. Salut Louis Gâteau là. Salut. Salut Guillaume, je suis aux urgences pour me faire recoudre les lèvres intimes qui s'étaient déchirées. Ah, salut bah, Carole. Ouais, trop fort aussi. On va parler, la fois on a dû aller chez le médecin pour des problèmes un petit peu gênants. Ouais, tu m'entends Louis Gâteau? Ouais, ouais, ça va. Hey, c'est bien Louis Gâteau que tu t'appelles, c'est ça? Plateau. Je suis tombé sur ton répondeur juste avant. Eh ben, enchanté, mon Louis, en tout cas. Tu as quel âge, toi? 14 ans. 14 ans, t'es en quatrième? Ouais, ouais. Ouais, donc t'es en vacances, là? Ouais. Putain, c'est énorme. Ah ouais, la belle vie. Eh ben, félicitations, hein, les gars. Et bravo, bravo à toi. Tes parents, ils savent que tu passes là ou pas? Ah ouais, ouais, ils savent ça. Ils sont à côté, là? Non, c'est ma mère, elle est couchée et c'est mes soeurs. Ah, et bah vas-y, et bah tu pourras aller réveiller tout le monde en disant que t'as gagné une belle télé. Parce que t'as une grosse télé, on va t'envoyer. Ouais, tu peux crier. Tu vas la mettre dans ta chambre ou dans le salon, Louis? Dans le salon. Dans le salon, et bah vas-y, oh. Et tu veux faire une dédicace avant de partir? Je ferai une dédicace à la classe du 4ème. Ah, tu captes mal, mon merde. J'ai entendu 3ème et j'ai pas entendu la suite. Allô? Ouais, tu captes mal. Allô? Ouais, je crois que tu. C'est ma gueule ou quoi? Allô? Mets-toi où tu captes, Louis, sinon je te remets en antenne. Et je te passe Amina du standard. Voilà, on n'entend plus rien. On va leur prendre en antenne. Juste le temps qu'on parle de cul. Ça va, Guigui Laragi là? Bah ouais, nickel. Il passe deux minutes. C'est celui qui nous fait les jingles, qui est sur un ordinateur, qui fait des montages, qui nous trouve par exemple les nouveaux Jules. C'est que là-haut, quand tu entends ce qu'on dit, bravo. Parce que tu me rappelles sur Mikey, bravo. Bravo. Schmidt, Frank, la routine s'éternise. Schmidt, quand je bois toute la nuit. Schmidt, ce qui me suit depuis des années. Allez, juste après. Juste après, on se fera l'énigme. On a plein de trucs à donner pour l'énigme. On a des télés, des enceintes Bluetooth Sounding 3, des télés ou des enceintes Bluetooth Bose. Dans deux secondes, d'abord, Guigui de la Ragie. Alors, rapidement, on va pas vous mentir. Guigui de la Ragie, il était dans la merde. C'était incroyable. Non, parce qu'en fait, c'est lui qui nous fait les jingles et tout. Puis, comme nous, on est, on va dire qu'on est des mecs proactifs. Hein, voilà, on aime bien faire des trucs. Donc, tous les jours, il y a des nouveaux jingles, hein, comme ça, là. Vous remarquerez qu'on a même adapté les voix off aux extraits des Clash. Ouais. Tous les soirs, quelqu'un qu'on piège pense que Guillaume est... un gros con, un enculé. Voilà. Mais c'est tellement bien qu'on continue. Guillaume Radio 2.0. Voilà, il nous a fait des nouveaux jingles un peu lounge. Voilà. Imaginez une émission de radio avec plus d'un million de potes qui vivent les mêmes moments et tapent des fous rires en même temps. C'est tous les soirs de 22h à 1h dans Guillaume Radio 2.0, voilà. Sur Énergie. Il nous a fait, donc en fait, il nous en fait plein toute la journée, donc il est un petit peu dans le juju. Ouais, un peu. Ouais. Et il a quand même trouvé deux sons par contre, c'est domicile. Hein. Ouais. Là, c'est-à-dire que là, il est pas venu enculer les mouches. il m'a dit j'ai deux sons. Je lui ai dit ah bon, putain, t'es radin et tout. Il m'a fait écouter. En fait, je suis tombé par hasard sur une vidéo. Il m'a dit putain, c'est ma chronique de ce soir. Je vous annonce, les deux sont extraordinaires. Ouais. Non, c'est vraiment. Vrai. Non, franchement, vrai. Ils sont cool. Non, franchement, ça m'a bien fait rigoler. Alors, vas-y, on t'écoute. Bon, déjà, j'explique. C'est un spécial Euro, du coup. Ah, c'est un spécial foot. Ah. C'est un spécial foot. En fait, hier, il y avait deux gros matchs. Du coup, il y avait deux grosses vidéos qu'on tournait. Ouais. Et le premier match, c'est Islande-Autriche. Voilà. Alors, 94e minute. On est à la fin du match. Il reste plus qu'une minute de jeu. L'Islande récupère le ballon et va marquer. Alors, c'était fini. Alors, enfin, ça allait terminer. C'était, ouais. C'était les dernières secondes. Ouais, et le truc, c'est que du coup, le commentateur, bah, il était très content. Le commentateur islandais. Islandais. Ouais, du forcément. Coup, chez eux, quoi. Ouais, chez eux, quoi. Et du coup, il était hyper content, même léger fou, quoi. Tant pis. Ah, c'est ouf, juste parce qu'il allait en quart. Non, ils allaient en 8ème. Mais ils l'ont jamais fait à l'Islande. Ah, ouais. Ah, c'est vrai. L'Islande, c'est un petit pays. Ah, c'est rigolo. Il y a 100 joue contre qui l'Islande là? Bah, contre l'Angleterre. Oh là. Et s'il gagne l'Islande, il joue la France peut-être en quart. Je vais trop grand berger. Tôt ou tard, les loups seront mangés par le berger. Je me laisse pousser la barbe. Je suis pas bien, je me laisse aller. Ces crènes arrivent au hasard. Donc pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos. Et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un combat. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-toi. Je pense même plus à verser des larmes. Je sais que t'as fait comme un chinois. Les gouttes, c'est avec le texte du brevet aujourd'hui, c'est eux de 14-1916. Salut Elodie, bonsoir, Anton ne mérite pas d'être dans le meilleur des émissions. Salut Guillaume, fait tourner la roue du cul comme châtiment de 53. Ouais. T'inquiète, hey, la roue du cul va revenir. La roue du cul va revenir. Je vais prendre la roue, non pas des cadeaux, mais la roue du cul. Et j'aurai dans cette roue du cul, non pas donc une télé ou par exemple. Alors je vais mettre qu'une PS4 sur la roue, j'y aime du standard, vas-y. Ouais, pas de soucis, voilà. Après, c'est pour l'énigme. On peut offrir des PS4 par exemple. Et voilà, si je mets qu'une PS4 sur la roue, forcément ça va s'arrêter sur. Une PS4. Voilà, et je peux aussi mettre des merdes. Voilà, je peux aussi. J'avais par devant, par derrière. Ah ouais. Classe. J'avais des. Ah bah oui, des classes. Des, ouais. J'ai des positions sexuelles. Et on est en train d'en faire d'autres hein, pour lundi. Là. Voilà, donc il faut juste que les voix viennent, mais par devant, par derrière. La roue des. Je sais plus où c'est, j'aime du standard là. Putain, ouais, je l'ai. Je sais plus moi aussi, ouais. J'ai trop de merde dans l'ordi. Attends, tu veux que je la retrouve? Attends, j'ai. Non, attends. C'est dans 4, c'est ça, Best ouais, of 4. Ouais, c'est tout ça, à voilà. La fin. Ah, tout à la fin. Ah. Attends, j'entends sa queen. Des bruits de fellation, des bruits de 1. Ouais. Non. Ah, voilà, c'est ça. Attention, dans quel sens on va faire l'amour? Et ce soir, quand je rentre avec ma femme, je fais l'amour. Par devant. Ah énorme. Bon, en tout cas, salut Guillaume. En fait, la meuf se fait baiser littéralement depuis qu'elle est hôtel avec vous. Elle paye de ouf. Mais non, c'est gratuit, les gros. Oui. Ouais, oh, les gars, arrête de la théorie du complot de mes couilles, là. C'est nous qui appelons. Bah oui. C'est nous qui payons. Comme dirait Ribéry, c'est nous qu'on appelle. Oh. Non, c'est nous qui appelons, évidemment. Donc, il n'y a pas de problème, hein, les gars. On n'est pas là pour. Les mouches là, on offre des cadeaux, tout est dans le titre. Arrête un petit peu, s'il te plaît, merci. Et bon, voilà, voilà, arrêtez de toujours mettre la saleté sous vos ongles partout. Ah, là. Ça y est, de la régie. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre à nous faire écouter? Il paraît que l'autre il est énorme aussi. Ouais, aussi. En fait, c'est pendant l'autre match, du coup, c'était Belgique-Suède. Ouais. Et le truc, c'est que ça a fini à. Il y en a qui dit Portugal. Non, Suède, pardon. Je vais stagiaire, tu interviens pour faire chier. Tu coupes sa chronique. Non, je pense au Portugal, désolé, pardon. Dépêche-toi, il y a pardon. Donc, Belgique-Suède, il y a 1-0 pour la Belgique. Le match se termine et le truc c'est que bon tout le monde voit que la Belgique elle est pas ouf en ce moment, elle joue avec un niveau assez faible. Ouais mais tout le monde dit ça pour la France aussi, aussi ouais. Et ils gagnent en attendant. Ouais non, c'est un peu facile. Alors bon, les adversaires, ils sont pas on a gagné tous les matchs. Non. Non mais on a fait un match nul mais bon. On est premier de notre poule et je vois tous les médias ils disent c'est une équipe de merde. Vu la gueule de la poule aussi. Jaloux. Oui. La poule est pas ouf mais c'est bien d'avoir gagné. Non c'est bien. On peut pas faire beaucoup. Non bah non. On verra dimanche. Arrêtez de critiquer tout le temps. Ça c'est les médias ils aiment bien. Laissez-les se mettre en place. Donc mon Guigui de la régie. Qu'est-ce qui se passe alors? Bah du coup voilà. Ils ont critiqué la Belgique. Le journaliste du coup il va poser une question à un joueur, Kevin De Bruyne. Il est joueur belge. Ouais. Et le truc c'est que du coup bah le joueur belge il est un peu ronchon quoi. Du coup il répond un peu. Il est flamand. Il est flamand lui hein. Non, je crois qu'il est flamand non. Il est pas d'origine flamande. De Bruyne. Je crois qu'il est en Belgique. Oui, mais c'est la Belgique. Oui. Je crois qu'il est flamand, d'origine flamande du nord de la Belgique, donc il a un petit accent un peu flamand. Ouais, c'est ça. Kevin, on n'a pas encore vu le vrai niveau de la Belgique. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Normal, le mec il est en direct. Le mec, il s'en bat les couilles. Attends, on le refait. On n'a pas encore vu le vrai niveau de la Belgique. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Et ça, faut que tu m'écrives un jingle tout de suite, Guillaume Radio 2.0. C'est quelle heure déjà? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir Guillaume Radio 2.0, c'est de quelle heure déjà? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Alors vas-y, merci pour le dinage. Pas de soucis, pas de soucis. Voilà, c'était court, mais intense, c'était bon. Allez, sur Énergie, 23h20, on va se faire l'énigme. On va prendre l'un d'entre vous pour lâcher les cadeaux. Ce soir, il y a les télés et des enceintes Bluetooth Bose Sonic 3. On va appuyer sur le bouton, on tombe sur Clara qui vient d'appeler. Clara de Cambrai. Bonsoir, Clara, dans 5-9. Allô. Ouais, King Chapter. Salut. Enchanté, Clara. Ça va ou quoi? Tranquille, bienvenue, hein, Clara. Merci. T'appelais pour, okay. T'appelais pour quoi, toi, Clara? Alors, Clara, 13 ans, c'est pour l'énigme? Oui, tout à fait, ah, pour l'énigme. Alors, très bien. Eh ben, alors, j'aime du standard. Fais-moi tourner la roue des phrases, s'il te plaît, pour savoir combien de phrases tu vas devoir dire entre 1 et 10. Allez, des télés, des enceintes Bluetooth Bose. Qui en veut, c'est gagné. Si t'as gagné, c'est bon. 6. Eh ben, 6 phrases, entre 1 et 10. Et ensuite, on parle de cul. Dans l'émission, il y a eu des... Et puis plein de problèmes aussi qui étaient un petit peu gênants pour aller voir le médecin. On va en parler dans 2 secondes sur Énergie, les problèmes un petit peu honteux. Un tic au couille, un malaise les fesses. Au coucouille, au cucu. On va en parler dans 2 secondes. Clara, si tu veux bien lâcher l'énigme, vous pouvez jouer par SMS en envoyant Guillaume au début du texto. Et vous mettez la bonne réponse avec votre numéro au 612. On t'écoute. Combien de phrases? Désolé, j'ai pas entendu. 6 phrases. Alors, les noirs sont-ils légaux? On peut en passer avec quelqu'un. Il peut y en avoir au plus. Quand un objet est bon, il n'est pas cher. Sa place est dans toutes les villes. On y achète des fruits et des légumes. Qui suis-je? Attends, les noirs sont-ils légaux? On peut en passer avec quelqu'un. Il peut y en avoir au plus. Quand un objet est bon, il n'est pas cher. On dit c'est un objet qui est bon, hein. Il n'est pas cher. Sa place est dans toutes les villes. Il y a toujours une place, la place du... Ou la place... à Rouen, il y a la place du vieux. Hein. On y achète des fruits et des légumes. Guillaume, et ce mot, avec votre numéro de téléphone, vous me l'envoyez le SMS au 6-11-12. Je vous offre soit des télés, soit des enceintes Bluetooth Bose, les nouvelles, les Sounding 3 qui déchirent, qui sont tellement puissantes. Je vous offre les deux, les mecs. Ouais, bonne chance. Et on est en direct, du coup, sur Énergie. Si vous voulez venir délire avec nous, les gars, vous êtes à la maison. Comme chaque soir, et on va se faire juste après le jeu de Isa Jésus avec Bobo le Marabout en Bobo de Boulogne-Billancourt qui sont Bobo à la limite. On le fait juste après, fausse émission de voyance sur Énergie. Sur Énergie. Ça, je trouve ça magique. Ouais, c'est très drôle. C'est les profs qui ont retenu ce qui a été écrit dans des copies ou ce qui a été dit dans une classe. À quoi sert la peau de vache? Elle sert à garder la vache ensemble. Qui a été le premier colon en Amérique? Il y en a un qui a dit Christophe. Bah non, c'est pas faux. C'est pas totalement faux. Bah, oui. Et la dernière, pourquoi les requins vivent-ils dans l'eau salée? Il y en a un qui dit parce que dans l'eau poivrée, ils tousseraient tout le temps. 19h22h sur Énergie. John Maman, découvrez Je suis comme toi. Son nouveau tube incontournable en featuring avec l'artiste. T'es comme moi. John Maman, je suis comme toi, à découvrir maintenant. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. 58 centimes la baguette chez Leclerc. Et attention, on est sur une vraie bonne baguette. Du 22 au 24 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la baguette de pain les trois meuniers de 250 grammes à 58 centimes, soit 2,32€ le kilo. Inutile de résister, une baguette comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. L'été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres exceptionnelles. En direct du match des bonnes affaires chez Micromania avec Fallout 4 à moins 15€ qui passe à The Division à moins 20€. Beau tacle glissé de moins 30€ sur Call of Duty Black Ops 3. Relance de moins 20€ sur Dark Souls 3. Belle remise de moins 35€ sur Naruto Storm 4 qui centre. But de moins 20€ sur FIFA 16. Quelles offres, c'est magnifique! Les bonnes affaires, c'est maintenant et en exclusivité chez Micromania. Du 20 juin au 11 juillet dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Summer Hit Only 2016. Tous les hits sont réunis sur 3 CD avec en exclu David Guetta et Zara Larsson, Slimane, Deoro, MHD, Amir, Imane, Kungs, Willy William et Chris Cav, Sia et Sean Paul, DNC, Kinvey, Mom, Vita et Jules, Will.i.am, Bob Sinclair. La compil Énergie Summer Hit Only 2016. Vendredi dans les bacs. Chouchou, veillez. Cet été, le seul son que vous entendrez sur la plage, c'est ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sur Maître Gims, ma beauté, le tube de l'été. Thank you. be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover, treat her better. We gotta let go of all of our clothes. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover, treat her better. We gotta let go of all of our clothes. We both know we ain't kids no more. I was too strong, you were trembling, you couldn't handle. Comme d'habitude, il y aura d'ailleurs le match de foot à 15h. Ouais. L'équipe de France qui va jouer contre l'Irlande. Dimanche, salut les gars, Amina du Standard, veux-tu m'épouser, Damien du 64. Pourquoi pas. Salut, dédicace à toute l'équipe, à tous les routes, c'est de la Nike, Darkness du 34. Salut. J'aimerais beaucoup passer pour la première fois à parler d'un combat de Kamracha. J'ai pas compris ce que c'est, mais avec plaisir. De quoi? De Cracha, combat de Cracha. Un combat de Kamracha. Ah oui, de Cracha peut-être. Ouais, super. Non, mais attends, parfois il y a des sports de combat, on connaît pas. Ouais, crache dessus. Ouais, mais attends, t'en sais rien, attends, regarde là. C'est un peu sexuel, non? On en a parlé hier, le Cracha, ouais. Ouais, ouais, je t'assure. C'était bah, le combat de Kamracha. Voilà, Kamracha. Regarde. Le Kamracha Saminyu, sport de combat et d'art martial indonésien. Voilà. Ouais, ah ouais. Donc, non, je rigole. Non. Il y avait juste Clara qui était là. Clara qui était avec nous. Elle a lâché l'énigme. Mais juste après l'énigme, dans deux secondes, on fait Isa Jésus. Je me ferai passer pour le sacré voyant. Je suis Isa Jésus, celui qui lit dans le cul des barbus. Je suis avec Boubou le marabout en boubou. Je suis avec Boubou le marabout. Bonsoir Clara. Clara, tu m'entends de Cambrai? Bonsoir. Clara de Cambrai, je te présente Boubou de Boulogne-Billancourt. Boubou. Bonjour. Le marabout. Oui, bonsoir Clara, je suis Boubou le marabout. Enchanté présentement de vous connaître. Et nous allons faire des incantations ensemble. Bien pour sûr. Le voir dans le futur. Voilà. Il faut maintenant montrer les lignes de ta main. Montre ta main, ta mimine, à Boubou le marabout. Je t'en prie. Voilà, on va le faire dans deux minutes. Si vous voulez piéger votre mère en lui faisant croire que vous l'avez inscrit à une émission de voyance pourrie. On va le faire juste après sur Énergie là. Mais d'abord, on termine l'énigme. Vous envoyez juste Guillaume et la bonne réponse de l'énigme. Ça prend vraiment deux secondes. Hein. Guillaume et la bonne réponse avec votre numéro 612. Bonne chance. Est-ce que tu peux répéter les six phrases? Et je vous file juste après des télés, du coup, des grosses télés et des enceintes Bose, des nouvelles. Ok. Les noirs sont-ils légaux? On peut en passer avec quelqu'un? Il peut y en avoir au plus. Quand un objet est bon, il n'est pas cher. Sa place est dans toutes les villes. Et on y achète des fruits et des légumes. Alors, qui suis-je ? Donc voilà, Guillaume est la bonne réponse, 612. Les noirs sont-ils égaux ? On peut en passer avec quelqu'un ? Il peut y en avoir au plus. Quand un objet est bon, il n'est pas cher. Sa place est dans toutes les villes. On y achète des fruits et des légumes. Qui suis-je ? Voilà, réfléchissez bien à ce que ça s'appelle. Est-ce que c'est un magasin ? Non. Non plus. Est-ce que c'est la mairie ? Pas du tout. Il y en a un qui dit un bonbon. Ah non. Non plus. Une voiture ? Toujours pas. On peut en passer avec quelqu'un, il peut y en avoir au plus. Est-ce que c'est des poils ? Toujours pas non plus. Une souris ? Un ordinateur, un rat, salut. Salut. Alexis de Paris, salut Alexis par SMS. C'est pas la bonne réponse, c'est pas un rat. Qui suis-je ? Alors Guillaume donc, et la bonne réponse avec votre numéro. Les gars, ça prend vraiment 10 secondes, vous jouez avec nous. Ensuite, on enchaîne avec le QQ. Et on va jouer avec Isa, Isa Jésus, le faux voyant. Et Boubou le marabou, le faux boubou en Boulogne-Billancourt. De Boubou en Boulogne-Billancourt. C'est dur à dire. Boubou le marabou de Boulogne-Billancourt qui s'est fait boubou à la bibite. Attends. Boubou le marabou en Boubou de Boulogne-Billancourt qui s'est fait boubou à la bibite. Franchement, c'est pas facile. Ah, vite en plus. C'est limite le chat de Sacha. Non, c'est bon. Salut Guillaume. Alors, qui suis-je donc ? Réfléchissez bien en deux secondes. Les noirs sont illégaux. On peut en passer avec quelqu'un. Il peut y en avoir au plus. Quand un objet est bon, il n'est pas cher. Sa place est dans toutes les villes. Et on y achète des fruits et des légumes. Voilà donc Guillaume et ce mot avec votre numéro de téléphone dedans au 6-11-12. On essaie de trouver la bonne réponse. Réfléchissez bien à tout ce que ça peut être. On essaie de trouver la réponse. C'est pas difficile pourtant à trouver soi. Donc, qui suis-je ? Voilà, Guillaume, un espace, la bonne réponse. Vous envoyez ça au 6-11-12, 23h32, sa place est dans toutes les villes. Franchement, c'est facile, les mecs. Bah ouais. Est-ce que tu as une assurance ou une garantie ? Clara ? Non, pas du tout, excusez-moi. Ouais. Est-ce que ça serait un crédit ? Toujours pas. Est-ce que ça serait le prix ? Non. Non plus, un circuit ou un ordinateur ? Toujours pas. On avait dit non, un chat ou un chien ? Quand un objet est bon, il n'est pas cher. On dit c'est un objet qui est bon. Sa place est dans toutes les villes, la place du 1. On y achète des fruits et des légumes. Il peut y en avoir au plus. On peut en passer avec quelqu'un. Et les noirs sont illégaux. Guillaume donc est la réponse au 6-11-12. Est-ce que ce serait le marché ? Le marché noir ? Oui, absolument. Oui, c'est et ça. Et la bonne réponse ! Eh bah très bien, eh, on va prendre un numéro au hasard. C'est mon tour. Allez, je vais appuyer sur un bouton, on va faire tourner la roue des cadeaux. Est-ce que c'est des enceintes Bluetooth, Bose, Sounding 3 ou des télés qui vont tomber ? On va voir ça. Par contre, il faut que ça réponde. Répondez, je vous appelle en numéro caché, les mecs. Tirage au sort. Pas forcément le premier, hein, c'est dans toutes les bonnes réponses. Allô ? Ouais, allô ? Oh, t'as compris ou quoi ? Ouais. Ça va, ma gueule ? Salut. Eh, salut, ça va ? Enchanté, bah, tu viens d'où, man ? Bah, Haute-Savoie. Eh bah écoute, félicitations gros. Direct de Haute-Savoie, t'as gagné, c'est quoi ton prénom ? Sam. Sam ? Ouais. Eh bah enchanté, Sam. Salut, salut. Sam du 7-4 alors ? Bravo, ouais, Sam du 7-4. Tu fais quoi dans la vie toi, Sam ? Je suis usineur. J'ai pas compris, pardon. À l'usine. Ah d'accord, usineur. À l'usine. Eh bah vas-y, eh bah bienvenue. Dans quelle usine toi tu bosses ? Bah avant c'était Bosch, mais maintenant c'est plus Bosch. D'accord, ok. Et ouais. c'est quoi maintenant ? C'est un nouveau nom ? Bah c'est Aventic. Ah oui d'accord, c'est pas très bien mon pote. Et ben en tout cas tu nous écoutes de l'usine ce soir là ? Ouais ouais, je travaille de nuit. Ok cool. Toutes les nuits je vous écoute de l'usine. Merci beaucoup merci, mec, merci mille fois. Avant de se faire Isa Jésus et tout ça, je vais faire tourner la roue des cadeaux. JM du standard, tu fais tourner la roue. Ouais. T'as le choix entre une télé ou des enceintes Bluetooth Bose, les nouvelles, les grosses qui valent bien cher. On va voir sur quoi tu tombes. JM du standard, vas-y pousse là de toutes tes forces. Allez 3, 1, 2, 1. Allez. Une enceinte Bluetooth. Oh putain, c'est les nouvelles. Et hey, c'est les nouvelles, mec. Les très grosses, elles valent je sais plus combien de centaines d'euros. Elles sont énormes. Tu vois, ah ouais, tu mettras ça dans ton salon, tu vas voir la puissance de ouf. Grave, bien joué. En plus, je voulais m'acheter un Home Cinéma Bose. Ah bah, tu vas voir. En plus, c'est les nouvelles, c'est des Sounding 3 et des chiens. C'est vraiment les bonnes. D'accord. Ok, gros, je t'envoie ça demain matin, d'accord. Je vais te repasser Flo des cadeaux et après ton adresse postale pour te faire le colissimo. Tu veux faire une dédicace pendant que t'es à l'antenne avec nous, Sam ? Bah, je sais pas si tu m'écoutes, mais à mon collègue Park. Eh ben vas-y, hein, y a pas de problème. Dédicace à ton collègue Park. Salut Park. Et à tous ceux qui bossent à l'ancienne usine Bosch dans la Haute-Savoie. Vas-y, je t'embrasse, mon Sam. Merci. Bisous, mon pote. Bisous. Salut. Ciao, gros. Ciao. Allez, et on s'est fait Ritza ou pas au début d'émission là ? Ouais, on se l'est fait, ouais. On s'est pas fait Momi par contre. Non, pas encore. Allez, il sera avec nous, Momi ou pas ? Non, il sera pas là, Momi. Non, il sera pas là, Momi. Momi sera avec nous, je crois, à Angers-Trélazé, je crois. Le 8 juillet. Ouais. En tout cas, samedi, on fait l'émission On fait, pardon, pas l'émission, on fait un concert samedi en direct de Bastia à la place Saint-Nicolas à partir de 21h. Il y aura Ritza, il y aura Imani, Chris Cap, Vita, Gian Peretta, Souf, Boosty, Nemo, Neudan, Unique. Il y aura plein plein de grosses rostas. Ça va chanter, ça va être énorme. On va bien passer une bonne soirée ensemble en direct de Corse. Ça va faire plein de conneries entre les artistes comme d'habitude. Et là, on se fait Momi, c'est Aloha sur Énergie. Et dans la foulée, Isa Jésus, le faux voyant. Ouais. L'une d'entre vous qui va piéger sa mère ou l'un d'entre vous qui va piéger sa mère, on est sans croire que vous l'avez inscrite à une émission pourrie de voyance. On le fait juste après sur Énergie. Ok. I feel you're free now, you're all you have to give. The unknown. Avec vous de 22h à 1h. Allez, de retour. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Hugo, tu m'entends, Hugo, qui est là au standard? Et qui, papa? Oh, et qui, caca? J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Ça vaut quoi, enchanté, Hugo? Salut, mec. Du 55, hein, c'est ça? Exact. Eh ben, enchanté à toi, gros. On va faire le jeu ensemble, on va piéger, non pas ta mère, parce qu'elle travaille, elle est infirmière ce soir. Ouais. On va appeler c'est ta tante, elle s'appelle Bénédicte. Elle a 52 ans, elle est animatrice avec des enfants. Tu m'as donné plein d'infos sur elle. On va l'appeler en se faisant passer pour une fausse émission de voyance qui s'appelle Total Voyance. Et je vais me faire passer pour un voyant un peu bizarre. Je suis habillé en bédouin là. Ouais, bien, hein. Je suis habillé en voyant Aladdin bédouin. J'ai essayé habillé en boubou, en marabout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le seul marabout blanc, blanc. C'est original. Hein. Et on va du coup maintenant appeler Bénédicte. On va lui faire croire qu'on est émission de voyance. Tu m'as donné des infos, genre elle a une 206 grise, tu m'as donné la paye d'immatriculation. Elle adore, elle va refaire du sport. Elle a des frères et sœurs, elle a deux chats. Elle se balade souvent dans la forêt. Bon, il y a plein d'histoires. Voilà, elle a pas l'air mariage week-end à cause de ses belles sœurs. Elle est mauvaise cuisinière, elle aime la moussaka. Elle a un téléphone Alcatel tactile avec son code PIN 0000. Elle trouve beau Paul Walker, elle adore Desperate Housewives. Voilà, tu m'as donné toutes ces infos. Et ouais, je vais essayer de l'énerver en lui faisant croire que tu conduis la voiture alors que t'as 15 ans. Tu conduis la voiture de tes potes, tu fumes du shit, tu prends de la coke. On va essayer de l'énerver comme ça, d'accord? Allez, bonne chance. Okay. Ok, gros, allez, on l'appelle dès qu'il y a réponse, c'est à toi, hein, direct. Allez, ouais, on va faire le numéro JM du standard. Dès ouais, qu'il peut, normalement, fais le numéro bien, de sa tante. Bénédicte, on l'appelle en direct. C'est Isa Jésus tous les jeudis sur Énergie. Oui? Ah, les cartes. Cartes. Bah alors, j'essaie de t'appeler, ça marchait pas. Pourquoi ton portable, il s'en occupait? En fait, je t'avais dit que je faisais un truc sur Facebook. Tu ne croyais pas que j'avais gagné 10 minutes de voyance, là? Ah, je me rappelais plus de ça, ouais. Oui, c'était appel restreint. Ouais, c'était Isa Jésus, elle s'appelle. Et alors ? Il faut attendre, et ils m'ont testé pour voir si j'arrivais à deviner, et ils vont nous prendre à l'antenne dans quelques secondes. Oh bah non, non, non, moi c'est de la connerie pour moi, je dis quoi ? Là ça commence. Oh là là. Bonsoir et bienvenue dans Total Voyance, l'émission qui vous voit. C'est Issa Jésus. Nous allons retrouver notre candidate de la journée. Elle s'appelle Bénédicte. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir. Bonsoir, Poufias. Bienvenue ici en direct dans Total Voyance. Nous sommes avec mon compagnon de chambre, Boubou le marabout, Boubou l'ambiancourt. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Isa Jésus, je suis présentement enchanté d'être présent. Bonsoir Bénédicte, nous sommes en direct sur la télévision française et en même temps sur la radio. Je rappelle que vous pouvez donner des francs CFA pour les enfants favorisés du monde entier en envoyant avec la touche 9 de votre téléphone pour un franc CFA. On y va, on continue donc cette émission. Bénédicte, soyez la bienvenue, vous venez de Bar-le-Duc. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas d'enfant, je ne sens pas d'enfant. Non, j'en ai pas. Est-ce que vous me permettez de rentrer vraiment dans votre stress insomniaque, dans l'eucalyptus sphérique de votre cerveau? Ouh là là, ouh les grands mots. J'ai envie de rentrer dans le milkshake hypnotique, de rentrer dans la senteur imaginaire que vous dégagez par votre sphincter et rentrer vraiment dans l'intérieur de votre corps, celui qui sent mauvais. Pour essayer d'aller chercher c'est quoi, les bonnes conneries. J'ai envie d'aller chercher les bonnes choses, les massages sensitifs, l'éponge astrale de tes fesses. J'ai envie d'aller chercher l'odeur d'effection. Espèce de porc, Je suis avec Boubou le marabout. Boubou le marabout, je vais vous dire qui c'est, Poufias. Vous ne connaissez peut-être pas Boubou le marabout. Je guignonne la personne à qui vous parlez. Il arrive à Lille, il arrive à Lille dans les yeux coups, c'est Boubou le marabout. Qui n'a jamais vu d'igloo, c'est Boubou le marabout. Oui, bon, ça va. Il est propre, il a un ça tout petit peu de pouce, c'est Boubou. Ça va durer combien de temps, là? Elle va fermer sa gueule, la Poufias, on va faire la totale voyance. Poufias, toi-même. Laissez-moi me concentrer. Bon, ça va durer encore combien de temps, là? Est-ce que tu peux fermer ta gueule cosmique deux minutes? Oh, ta gueule toi-même, hein. Je vois des chats autour de vous. Ah oui, oui. Ouais, effectivement. Je vois des chats... Il y en a combien alors, si vous voyez tout? Oh là, vous me posez une colle. J'ai l'impression que je vois deux chats. Ouais. J'ai l'impression que je vois un chat noir et un chat gris, non? Oh là, oui, oui, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. Laissez-moi me concentrer. Vous allez me prendre plus au sérieux quand je vous aurai fait deux, trois prédictions. Ah bon? Boubou de Marabou, comment vous voyez la vie de Bénédicte? Je la vois aux côtés d'un homme, Fabrice Eboué. Un compatriote, vous serez sa femme de ménage ainsi que sa maîtresse, car un ami comme ça est marié avec une Camerounaise. Je vois, laissez-moi me concentrer. Oh, je priais, arrêtez. J'ai l'impression. Arrêtez, c'est quoi, c'est... J'ai l'impression que votre code PIN, c'est 4 fois 0. Ah, oui, c'est ça. Je vois une embrouille avec un mariage. Je vois un problème de mariage ce week-end. Je ne sais pas pourquoi je vois une embrouille. De famille. À propos de quel mariage? J'ai l'impression que je vois des belles-sœurs, des problèmes de belles-sœurs. Non? Bah oui, oui, c'est ça. Je vois aussi que vous avez envie de vous mettre au sport, vous avez une envie de sport, je vois des globules blancs partout. Oui, j'aimerais bien faire du sport, c'est vrai, mais comme je suis assez nul, il faut que je trouve quelqu'un d'aussi nul que moi pour commencer. Je vois votre petit-fils faire des conneries. Hugo, je le vois faire des conneries, votre neveu. Ah, ben ça, c'est un sacré loustique. Hein. Il a conduit la voiture d'un ami alors qu'il n'a seulement que 15 ans. Hein? Il a fait ça? Ouais. Quand ça? Je suis pas au courant. Ouais, je l'ai fait quand j'étais avec Lilian jeudi quand je suis arrivé en retard. On était sur le parking du Auchan. Oh, saligo! Et si t'es arrivé quelque chose, t'es pas bien, toi? Ouais, y'avait personne sur le parking. Tu n'as pas roulé que sur le parking. Je vois aussi gorgé d'alcool avant de conduire et je vois conduire en ville en faisant une pointe de vitesse. Oh là! Non mais, tu débloques, là? Vous avez bu de la Desperados. Je vois le Mexicain avec la moustache sur la bouteille. Oui, ça, c'est, ça l'ai bu vendredi soir avec Maxime. Avec sa mère devant l'euro. Oh saligo, t'en as caché des trucs. Eh ben tu seras privé de Xbox. De je sais pas comment s'appelle ton jeu là. Ouais, PS4. Je suis nul moi là-dedans. Ta PS4. Eh ben tu seras puni. Juste pour ça. Comme disait l'apôtre. Si, donc, tu aurais pu provoquer un accident. Y'a, il sachait ce qui part, ferme ta gueule. Comme disait Pierre Ménès, l'appétit. Comme disait Pierre Ménès, l'appétit vient en parlant et en critiquant. Comme disait l'apôtre Jean-Hugues Clay, l'amour n'a plus d'âge. Comme disait l'apôtre Loana, je veux le beurre et encore un petit peu de beurre, s'il vous plaît. Il prédit pas pour les babtous, c'est Boubou le marabout. Sa maman est une goudou, c'est Boubou le marabout. Ouvre la bouche et mets-toi à genoux, voilà Boubou le marabout. Boubou le marabout, qu'est-ce que vous voyez pour le futur de Bénédicte? Bénédicte fera un poulet au gingembre à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Monsieur Sankaré, Youssou Sankaré. Ensuite, elle aura une liaison dangereuse avec son garde du corps. Et vous voyez aussi quelque chose de très grave dans le futur, Bédine, de... Vous voyez quelque chose de très grave dans le futur de Bénédicte, la bouffeuse de bites. Qu'est-ce que vous voyez, Boubou de Marabout? Vous l'avez vu faire quelque chose de très, très mauvais, très, très sale. Elle a inséré un code ceinture. Et encore, je pèse mes mots. Que Dieu m'entende et me pardonne. Au chanteur Youssoufa sur scène à la Corotel Arena. Malédiction pour le peuple africain comme nous. J'ai l'impression que nous avons découvert le poteau rose, le poteau feu. D'ailleurs, je vois tout, je vois très très loin. C'est moi qui ai dit à Elodie Goswan de faire un houhou pendant l'Eurovision. C'est moi qui ai dit à Nabila de regarder Prison Break avant d'aller voir son mec. C'est moi qui ai dit à Roland Garros de s'intéresser au tennis. Et c'est bon, moi qui dis. Ferme ta gueule, Poufias, bon. Elle me parle comme ça, Boubou le Marabou, elle m'insulte. Je vais l'ensorcerer sur toi et sa famille. Tu auras un sort, tu vas mourir très vite. Attention, aïe aïe aïe, à l'Africaine, on va te tuer. J'ai l'impression que je vois une autre chose sur le petit neveu. Ah ? Quoi ? J'ai l'impression qu'il a fumé la cigarette. Je vois beaucoup de goudron dans l'air. J'ai l'impression que je vois des routes partout. Oh, il a peut-être déjà essayé, hein? Non, je vois du shit, je vois cannabis. J'ai l'impression qu'il a tiré sur un joint. Oh, le salaud. Hugo, est-ce que vous avez déjà tiré sur le bédo? Il y avait avec nous, il y avait avec moi et quelques potes dans la forêt. Je m'en fous, quelques potes ou pas, tu n'y touches pas, point, c'est tout. J'ai déjà assez fait comprendre, non? On commence une fois et puis après on continue et puis. D'ailleurs, en parlant de drogue, la Poufias, j'ai l'impression que je vois encore. Écoute-moi, la grosse espagnole. Je suis en train de parler, alors tu fermes ta petite bouche à bec et tu m'écoutes. Je suis pas ton ami ni ton cousin, je suis un putain de voyant. Moi, si je veux, je peux me lever dans le ciel et je peux te regarder et te chier sur la tête comme un putain de pigeon, connasse. Alors, il m'a bien proposé, non? Alors, j'ai l'impression que je vois des choses et notamment, je vois quelque chose de très grave. Je vois un ami proche du petit Morbac, Hugo, et je vois quelqu'un qui a déjà pris de la cocaïne et qui va lui proposer dans les quelques jours à venir. Ah. J'ai l'impression qu'il a déjà essayé la drogue dure. Dur, c'est quoi exactement? Qui éjacule avant le début? C'est Issa Chessu. Oh. Hugo, vous avez déjà essayé la cocaïne une fois, j'ai bien l'impression. Ouais, une soirée avec les copains, mais... Oh, dis donc, n'en rajoute pas. Mais tu vas voir, je te préviens. Bah quoi, c'est vrai? Bah dis donc, une fois, t'es malade. On a voulu essayer. Oh, bah tu vas voir, moi je vais le dire à ton père, et puis tiens. Alors là, mon gaillard, tu vas pas louper, hein. Mais ce n'est pas tout. Boubou le marabou. Toujours présent. J'aimerais que vous rentriez dans la tête de Bénédicte et que vous nous disiez son plus grand fantasme sexuel. Qu'est-ce que c'est? Je rentre dans la pensée cosmique de Bénédicte. Femme blanche et au cœur noir. Son plus grand fantasme, c'est d'intégrer le Sofitel comme Nafissa Toutialo et de coucher d'un pas avec Dominique, un ami intime, noir à l'intérieur, avec François Hollande et le faire déchoir de son poste de président de la République. Vous avez envie de coucher avec François Hollande de Sofitel, Bénédicte? Vous êtes vraiment une poufiasse. Une traînée. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, hein. Je couche avec qui je veux. J'ai l'impression que vous voyez Boubou le marabout. Il est en train de rentrer en lévitation. Moi, laissez-moi justement réfléchir. J'arrive à lire dans les caisses enregistreuses. J'y vois plus clair maintenant. C'est bien. Laissez-moi, s'il vous plaît, chanter l'hymne de notre pays avec Boubou le marabout. Présentement. Présentement, nous allons chanter les Magic Systems, mais d'abord Amadou et Mariam. Nous allons chanter ensemble et nous allons savoir la vérité sur Bénédicte. Dans la chanson, il y aura des mots sales qui vont vous décrire. Je vais demander à Boubou le marabout de chanter, de rentrer en lévitation et de balancer des saloperies sur Bénédicte quand vous chantez les saloperies. Je me prépare et je me concentre. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches le jour du mariage. Bénédicte fait le tapin aux Champs-Élysées. Monsieur le Président, elle vous adolie. Et puis elle viendra vous dépouiller comme une Française. Une Brambec. Vous allez finir mal, madame. Le mal est en vous. Les frères du mal, comme disait Baudelaire. Un apôtre africain, Baudelaire. Laissez-moi ouvrir cette boîte ça, magique. Africain, oui, français. Laissez-moi frotter ce god en verre. Le lustrer et le foutre dans votre cul quand je vous croiserai. Oh là là, quelle vulgarité. J'ai envie de te faire l'amour, comme m'ont dit mon ami Bobo le marabout. Eh ben, il faut d'abord que je voie ta gueule. J'ai envie de te dire, tu me parles mal, mais un jour tu vas comprendre qui je suis. Je suis mal aussi. L'homme le plus céleste et le plus sexuel de toute la ville. Oh, ça m'intéresse pas. Moi, s'il y en a un qui me plaît, ça me suffit. Je vois votre petit-fils porter des strings la nuit. Il a volé des strings à votre sœur et il les porte la nuit, Hugo. Alors, Hugo, qu'est-ce qu'il te prend ? Je vois Hugo qui a déjà étranglé un chaton juste pour se marrer et le regarder souffrir. On va y cacher bien son jeu, le petit saligo, hein. Et je vous vois faire des choses très sales quand personne ne vous regarde. Qu'est-ce que vous voyez, Bobo le marabout, elle fait quelque chose de très, très crade. Elle ne s'essuie pas quand elle va aux toilettes. Elle s'essuie plus tard avec sa main, typiquement française. Chez nous, en Afrique, on n'a pas ça. Nous sommes propres. Bon, alors ça dure encore combien de temps, votre truc, là ? C'est long, hein ? J'ai envie de lui foutre une tarte dans la gueule quand elle dit ça. Ça va que j'ai de la patience, hein ? Elle va pas en faire la belle en plus, celle-là. Ah non, pas du tout. Hugo ? Oui. Dis à la Poufias, nous sommes en direct. On est sur énergie. Bon, et je crois qu'il nous avait cramé depuis 2 heures environ. Ouais. Eh oui. Putain, tu sais que. Tu m'as eu, hein. Bon, genre, arrête, Bénédicte. Eh, Bénédicte, tu nous avais cramé depuis 2 heures, là. Je sais pas si vous savez qu'on était sur énergie, mais je sais qu'elle avait cramé. Ça sentait un petit peu, Bénédicte. Ouais. Mais enfin, on a quand même continué. Je suis un stagiaire, elle était habillée en boubou. Ah, bah ouais, c'est ça, avec le beau costume. Moi, j'étais habillé vraiment en boubou. Ah, j'ai chaud. En fait, des fois, j'étais plié, hein, quand même. Ouais. Bon, vous voulez faire une dédicace avant de partir, Bénédicte, ou pas, là? Oui. On vous écoute, allez-y. Eh ben, je dédicace ce passage à mon chéri, à Hugo. Eh ben, très bien. Hey, Hugo, d'ailleurs, tu veux faire une dédicace avant de partir ou pas, toi ? Ah bah, à tous mes potos qui m'écoutent. Vas-y, y'a pas de problème, hein. Quasi à tous les potos de Bar-le-Duc, croisant dans le 55. Ouais, la Meuse. Salut à tout le monde qui écoute l'émission. Ouais, mon Hugo. Ouais, on peut faire tourner la roue des cadeaux ? Pourquoi tu veux faire tourner la roue des cadeaux ? Ah ouais. Attends, dis comme ça, toi. Ah, le michto. Non, la roue des cadeaux, c'est pour l'énigme. Là je vais bien t'envoyer un cadeau, mais je t'en passe 5 000 euros standard. On va regarder ce qu'il y a, d'accord ? T'inquiète pas. Okay, hein. Ok, gros, allez, vas-y, je t'embrasse, mon pote. Je t'en passe 5 000 direct au standard. On est en direct, hein. Je suis sur énergie jusqu'à 1h du matin. C'est Guillaume Radio 2.0. Il n'y a pas eu de foot, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Là. Non, Laurent Blanc part du PSG, par contre. Il n'y a pas eu de foot. Ah oui, d'ailleurs, alors, et juste. Oui, Laurent Blanc part du PSG. 22 millions d'euros, il a reçu. C'est pas vrai. 22 millions d'euros pour partir du PSG. Pour partir ? Voilà. Ah ouais. L'accord sympa, hein, quand même. Ouais, moi j'aime bien aussi partir du PSG pour 22 millions. Putain, la vache. C'est abusé, faut pas qu'il le dise. Parce que ah là là. Pour ce qu'il a fait, il est. Enfin, ouais. 22 pour un an de boulot, non ? 3 ans. Non, il a fait quoi ? Il a fait 3 saisons au PSG. Ouais. Putain, c'est pas mal quand même. Ah ouais, pas, ouais. 22 millions d'euros, ouais. Et après, il gagnait combien en salaire, lui ? Ça devait être indécent. Par mois, 500 000, je crois. Ouais, 500 000, mais qui gagne 500 000, quoi ? Bah, au PSG. Ah, les footballeurs, quoi. Bravo. Énorme Guillaume, le jeu. J'en peux plus de vous, je suis mort. J'ai jamais autant rigolé. Merci les gars. Merci. Qui te la met dans le cul, c'est Isa Jésus. Merci pour tous les messages. Comment vous avez trouvé Boubou le marabout, le jeu là, à chaque fois, Isa Jésus là. Salut, énorme Bénédicte, la tech face. Salut les mecs. Faut vraiment que je vois ta gueule quand tu fais ça, je suis mort de rire. J'en ai mal au bide, il me tue. Ce compte Guillaume Play change pas. Gros, t'es top. Salut sur Twitter, la name change. Salut. Low Kiss, salut à toi. Oh non, mais là, j'en peux plus de vos conneries. Je suis explosé de rire. Mordor, la dame est cool. Je vous kiffe, je suis plié en deux. Très drôle, Boubou le marabout, Isa Jésus, salut. Salut. Je suis plié, vous êtes au top, Boubou le marabout, je suis mort de rire. Salut Thibaut Le Pan. Vince, salut, mort de rire, salut à toi. Bébelge Max, je suis plié en deux. Merci pour ce week-end à votre venue de Caen et du direct à Rouen, Nadège de Caen. Gros bisous, ma Nadège. Salut, ouais. Merci à toi d'être là, etc. Ça fait trop plaisir, les gars. On a bien rigolé, en tout cas, ensemble. Pourrais-tu me dire le titre de la musique à moitié rock ? Et il enchaîne les hey. Attends, à moitié rock ? Avec des hey ? Moi j'ai avec des hey. En anglais ? C'est chez moi, gros. Attends. Je mets la mienne, c'est mon tour. J'ai trop de poids sur mon dos. C'est pas ça. Même pas pour ton changer tout pour. Eh ouais, frérot, la route. Attends, mais j'en ai plein des morceaux un peu, je sais pas. I'm too good to you. Non, c'est pas ça. I'm way too good to you. C'est pas ça là. I got guns in my head and they won't go. Hey. Spirits in my head and they won't go. Hey. I got guns in my head and they won't go. Hey. Spirits in my head and they won't. Non, c'est pas ça. Yeah. Non. Hey, attends, un peu rock. On n'a pas trop de rock, non. Pas trop ce que c'est énorme ce que vous faites, celui qui éjacule avant le début, mort de rire, salut à toi. Ouais, Guillaume, c'est mon anniversaire, c'est qui papa? Owen, le Renoir sûr, salut gros, le Renoir sûr. Salut mec. Salut les gars, merci, hein. Putain, je suis jamais pris. Dédicace à tous mes potes et ma chérie, salut Nathan du 85. Énorme émission, bah merci beaucoup les gars, on est en direct, il est 23h56, je vous propose qu'on s'écoute Drake, on se l'est pas écouté tout à l'heure là. Non, pas encore. On se l'est fait une nouveauté, on se fait One Dance, le dernier Drake. Drake, il doit parler de Sally, Askip d'habitude. T'habites avenue Mozart au coin de la pharmacie, mais je ne t'ai jamais vu. Ah non, mais je vais chez le médecin de la voix. Ami Mozart, ouais. Il est rue Larguillière, mon médecin. C'est mon médecin pour les cordes vocales, parce que je me fais contrôler les cordes vocales plusieurs fois par an. Et je vais régulièrement, effectivement, à la pharmacie. Bien, ouais, mais non, c'est le médecin. J'habite à Boulogne, moi, j'habite, voilà. Pas du tout vers. J'habite juste à côté de la poste, vers l'avenue Jean Jaurès. Donc, non, et Julien Sagir aussi. Voilà, on est voisins. Et JM du Standard, plus vers la route de la Reine, juste c'est derrière. Ça. On est vraiment tous dans le même coin, à côté du studio. Vrai. Donc, non, c'est pas là-bas, les poteaux. Maurice, ce matin, en brevet blanc, il saoulait. Avec ses gouttes d'eau aussi, salut les gars là. Vous êtes trop marrants, salut Maxence. Allez les gars, vous savez quoi, on va se faire un jeu des hôtels dans deux minutes. On va parler aussi des problèmes qu'on a eu à aller chez le médecin pour des trucs un petit peu honteux. On parlera de fionfion, de cucu après. Et juste pour vous dire, en 10 secondes avant d'envoyer Drake, demain je prends l'avion, je serai à Bastia, on dort là-bas. Et ensuite le samedi soir on fait le concert à la place Saint-Nicolas à 21h, qui s'appelle Energy Corsica Party, ouais. Avec Ritza, Imani, Chris Cam, Vita, Gian Peretta, Souf, Boosty, Nemo, Neuda et Unique. Et en fait, il y aura 25 000 personnes. Je cherche toujours un mec qui veut faire sa demande en mariage. Ah, c'est beau ça, ouais. Les gars, on n'a pas eu de candidature réelle. On a eu que des conneries. Wesh Guillaume et tout, des potes et tout ça qui voulaient faire des blagues. Mais pour de vrai, hein, si jamais vous voulez venir en direct avec nous, monter sur scène. Devant 25 000 personnes, vous montez. Vous dites à votre copine que vous allez assister à un concert, vous lui dites pas, elle est pas au courant. Ouais. Vous faites semblant d'aller pisser. Et là, vous montez sur scène. Là, elle vous voit. C'est le drame. Moi, juste derrière, j'aurais mis un assistant qui fera monter votre copine en deux secondes sur la scène. Et vous dites, voilà, j'avais un truc à te dire, etc. Bah, c'était, voilà, je voulais savoir si tu veux m'épouser. Il y a 25 000 personnes, les mecs. C'est énorme. C'est une demande en mariage de malade. C'est unique. Prenez contact avec moi maintenant par email, guillaume@energie.com. Si vous êtes avec elle et que vous voulez faire l'air de rien, que vous écoutez en voiture, en couple, la radio, gardez cette adresse, vous m'envoyez ce soir en vous couchant un petit mail en deux secondes. Vous m'envoyez juste votre numéro avec marqué mariage et je comprendrai. C'est facile. guillaume@energie.com. Voilà, guillaume@energie.com et non pas .fr. Hein. guillaume@energie.com. J'attends votre demande en. Enfin, les demandes de demande en mariage. Comme ça, je vous le cale. Et samedi soir, 21h, Bastia, sur la place Saint-Nicolas, on va bien rigoler. On se fait Drake, One Dance, on parle de cul, on parle des fois, on est chez le médecin pour des trucs un petit peu gênants. Et on se fait plaisir avec le jeu des hôtels avant 1h pour la dernière de la semaine sur Energy, les 23h59, on est en direct. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Tell me Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Ce sont les meilleurs potes de tes meilleurs potes. De 22h01, c'est Guillaume Radio 2.0 sur NRJ. L'équipe, quand est-ce qu'il vous fera un Olympia comme TPMP dédicace à JM du Standard? S'il me reconnaît, c'est Ruben du 7-5. Salut Ruben. Salut mon Ruben. Salut. Les shows, ça serait extraordinaire. Ah ouais, là. Wow. Ça serait extraordinaire. Le problème, c'est qu'Energy, il sort pas de sous pour la moquette déjà. Gros. Ouais. Alors louer un Olympia, mais ça serait énorme à faire. Faire une émission spéciale. C'est possible, hein. Oui, bah ouais, ça peut arriver. Tu sais quoi, ça va être notre défi de l'année prochaine. Ah, ça me plaît, Guillaume. Alors là, JM du Standard, tu vas prendre ton petit stylo bille. Ouais. C'est une vraie, un vrai message qui est arrivé, hein. C'est pas con, c'est pas con. Qu'est-ce qu'il y a, JM du Standard? Peut-être pour les 2 millions, quoi. Ah, j'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. On pourrait se faire ça pour les 2 millions là. C'est un beau truc ça. Se faire l'Olympia quoi. Normal. Ça, là, on prend des réservations à l'avance, etc. On fait venir plein d'artistes, on se fait des lives et tout, on fait n'importe quoi. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups seront mangés par le berger. Je te laisse pousser la barbe, tu m'as bien, je te laisse aller. Ces crènes arrivent au hasard. Pourquoi râler ? On pourrait le faire, ça c'est pas con, ça, mon JM du standard. Avec plaisir, Guillaume, écoute. Et ben on va le noter, voilà. Ça y est, ça m'a chauffé là. Ouah, ça, on va le faire. On va demander à Jules de venir faire un live, à Maître Gims, à Soprano. À Louane. À Louane, à Kenji. Ouais, Jesse on va Bieber. Faire venir tous les mecs avec nous, là on va bien rigoler. Ça, mais ça pourrait être marrant, à Kinvé, carrément. C'est combien, c'est 1700 places l'Olympia? Ouais, je crois, mais c'est le symbole, c'est l'Olympia. Ça pourrait être rigolo. Hein, et à chacun, on leur prépare des surprises pendant leur live. Ah ouais, on pourrait, et franchement, on pourrait trop rigoler, quoi. Salut Guillaume, quand est-ce qu'il vous fera un Olympia? Salut man. Qui prend des bides dans le derrière? C'est Julien Stagiaire. Non, pas d'accord du tout, alors là. Ça c'est quoi. Drôle ça. Moyen. Salut à l'équipe, je vous écoute en cachette, je sais pas si vous lisez mon message, mais je dois raconter une histoire de ouf, chelou et un peu flippant. Vous êtes même dans l'histoire, appelle-moi. Alors attends, je vais t'appeler. J'avais l'espoir de venir vous voir à Énergie, mais tout s'est écroulé, je suis en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chère Alicia là? Oula. Qui prend des mines dans le derrière, c'est juste agir. Non, okay, là. C'est Maxence, je t'adore, je t'écoute depuis quelques jours seulement, t'es au top, mec, dédicace au collège de l'Orbelière, dans le 4ème 2. Salut. Continuez de passer le mot, les gars, c'est à partir de 10h du soir, ça se passe sur Énergie. Enfin, c'est la dernière de l'année, hein. 22h, 1h, c'est la dernière ah, de merde, l'année. Ce soir, là. Ah, ouais. La semaine prochaine, on fera 21h minuit, tous les soirs, voilà, 21h minuit. À partir de lundi, on sera là quand même le dimanche, 20h minuit, là. Tranquille, là. Pas de problème. Et puis à partir de lundi prochain, 21h minuit, jusqu'au vendredi en plus. Ouais, donc on va bien rigoler. Et on va faire un nouveau truc qu'on n'a jamais fait. Alors vraiment, on va tenter un nouveau truc. Tous les soirs, je vais changer l'équipe. Non, mais alors, c'est vraiment, on va prendre une roue. Et je ferai tourner la roue. La roue de l'équipe. La roue de l'équipe. Et on verra et qui nominé. Sera là le lendemain, qui sera là pas le lendemain, qui sera là. Alors, et ça veut dire que je pourrais tomber avec la roue des chiffres entre 1 et 6 personnes. Je pourrais peut-être même faire l'émission tout seul, peut-être avec une seule personne. Peut-être que je ferai l'émission qu'avec toi, JM du standard qu'avec toi, JM stagiaire. Peut-être qu'avec Amina du standard ou qu'avec Flo des cadeaux. Peut-être que je serai juste avec, j'en sais, Amina du standard et JM du standard. Peut-être qu'avec JM stagiaire. Et flot des cadeaux. Et chaque jour, ça changera. Ah, je vais et je pourrais peut-être mettre, attention, c'est ça la nouveauté. Je pourrais peut-être mettre dans cette roue des certains d'entre vous qui viendraient faire une émission avec nous exceptionnellement. Ah ouais. Ah ouais. Guillaume Radio 2.0, même l'été. Je vous dirai comment vous inscrire la semaine prochaine. Et on fera un système de roue, etc. Ça va être rigolo, quoi. Qui aime les gros dards, Samina du standard. Ah, je peuvent agir avec tes épaules de serpent. Tu veux pas un peu chier ça dessus, va pas compris, là. Avec mes épaules un peu. J'ai pas compris là. Tu sais Guillaume, la nuit je t'écoute, puis après j'imagine toujours que tu sois couché à côté de moi et qu'il y a un gros bras autour de moi et ton corps serré contre le mien. Ça m'aide à m'endormir, m'imaginer à côté de toi me berce. Mais je ne sais pas quoi. Oula. Je ne sais pas ton prénom gros. Et oh chérie, mais je ne sais pas ton prénom, donc je peux pas te dire merci parce que c'est peut-être une couille. Bonsoir Guillaume, c'est quoi le son de Joule? Ah je sais plus, c'est Charles. C'est de là-haut, ce qu'on dit. Sur l'album, il sort demain le Joule, ouais. Ou alors celui-là. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Ça c'est émotion. Et j'ai vivre mes rêves. Je mets la mienne, c'est mon tour. J'ai trop de poids sur mon dos. Tu m'aimes pas, pourtant j'ai tout pour. Salut l'équipe de Boulogne. Je suis en coursier en scout sur Boulogne en Bergman 650. Alors Guillaume annonce ton modèle de bécane que je crie un 100. J'ai pas compris. Un 100 quoi? Que je crie un 100. Je crie le grillé un 100 plus loin, trois petits points. Oula. Que je crie un 100, j'ai pas compris. Le grillé 100, il a voulu dire peut-être. J'ai pas compris. Ouais. Pourquoi pas faire émission à l'Arena de Montpellier, 13 500 places. Ah ouais, là, putain, ça serait énorme. Ah, le stress. C'est pas du caca qui les remplit, jeune stagiaire, c'est du muscle. Je te jure. Bonsoir, Guillaume. On s'est vu tout à l'heure, c'est Coraline de Paris-Trèche. Je suis obligé de venir pour l'émission. Pour quelle émission tu... Ah oui, pour l'Olympia. Avec plaisir. Ah, oui. Salut. Salut, Guillaume. Juste avec Amina, ça risque d'être long et chiant. Mais non, merci, c'est agréable. Non. Super. J'ai envie de mettre un dos dans le cul de Mina du Standard avec un. Non, mais. Salut Guillaume, j'ai vu une vidéo où t'envoies, j'ai un stagiaire au Bois de Boulogne. Qu'est-ce que c'était drôle. Est-ce que vous allez le refaire? Salut Christian Tarasco. Oui, on va le refaire. Salut Christian. Qui s'est fait sodo, c'est Flo des cadeaux. En fait, vous reprenez la même façon Isa de Jésus. Dire qui voit dans le cul des barbus, c'est Isa Jésus. Et il y avait. Alors, vous êtes très nombreux à nous appeler. Clara qui était encore là de l'énigme, c'est pour la faire des dédicaces, c'est ça ma chérie? Oui, c'est ça. Ah, alors vas-y, excuse-moi, vas-y, je t'écoute, avec plaisir. Alors, je voudrais faire une dédicace à tous mes amis qui m'écoutent et à Lynn, Clara et Elie. À Lynn, Clara et Elie. Ouais, voilà ce que j'ai reçu, moi. Donc voilà, et puis est-ce que c'était possible d'avoir une photo dédicacée? Bien sûr, ma chérie. Juste redis le dernier nom pour pas vexer la dernière Elise. Personne à qui t'as fait. Elise, voilà, Elise. Parce qu'on l'entendait plus. Ouais. Très bien. Eh ben écoute, dédicace, alors, y a pas de problème. Elise, et je vais t'envoyer une carte dédicacée ce soir, d'accord, Clara? D'accord, merci beaucoup. De rien, tu rigoles, avec grand plaisir. Merci à toi d'être là, hein, ça fait super plaisir. Clara, 13 ans à Cambrai. Faudrait qu'on aille à Cambrai aussi. Dans le Nord, À la FNAC de Cambrai, faudrait qu'on fasse un truc là, une rencontre et tout, là, on rigolerait un peu là. C'est on vous attend. Ah bah avec plaisir. Vous êtes hyper nombreux à nous appeler en plus de Cambrai, donc ça sera un grand plaisir. Et Cambrésien. Tout le plaisir est pour moi. Ah là là, putain, on va arriver à Combo, on va foutre le bordel dans la FNAC. Parce qu'à chaque fois, il y a les directeurs qui viennent voir qui disent « Alors bon, l'émission, tranquille, je la connais pas. » Alors attends, tu sais, à chaque fois qu'on arrive dans une FNAC, en général, à l'accueil, j'ai les mecs de sécu avec le directeur qui me disent « Bon alors, peut-être qu'il a du succès votre émission, mais moi je la connais pas. » Vous rentrez, vous serrez les mains, pas de grabuge, pas de confetti, pas de bordel. Il y a une sécurité à tenir, on est dans un magasin professionnel, on fait pas là pour faire n'importe quoi, merci. Voilà. Et puis, et puis 10 secondes après, on est là. Faut que j'arrête de prendre la cortisone avant les émissions. Ah, c'est drôle, non, mais je non. Je sens que je bouge beaucoup. C'est rigolo. Ah ouais, je bouge. Une pile électrique. Ah ouais, putain. Ah ouais, ouais. Et tu sens, j'ai pris de la cortisone pour vous expliquer parce que je perdais un peu ma voix. J'ai pris un gramme de cortisone avant l'émission et ce qui est énorme. Pas hein, plus. Hein. Pour les médecins, ils connaissent, c'est vraiment beaucoup sa dose max. Et en fait, je le sens, quoi. Je sens que ça se voit. Je transpire et tout, je danse et tout. Et en fait, c'est vrai que comme quoi ça existe les drogues, hein, c'est dingue. Hein. Ah bah oui. Parce bah que en vrai, je crois que genre ce que j'ai le Tour de France avec ça, t'es c'est la merde. Je pense que je suis contrôlé positif là, parce que je crois qu'il y a des médicaments interdits. C'est comme une piqûre de cortisone dans le cul que j'ai pris. Et par de la voix. Non, en fait, quand je regarde la taille du cachet, parce qu'en fait, quand tu prends un cachet de cortisone, c'est tout petit. Hein. Là, et bah tu dis putain avec un tout petit cacheton comme ça, ça te mais donne comme, oui, bah ouais. C'est et pendant 10 heures t'es là en train de non mais tu dis avec une petite pilule, mais alors imagine, c'est dingue quand même, non? Ouais, bah, c'est comme la drogue. Puis, enfin, je fais quand même 1m85-80 kg, et tu prends un truc qui est la taille de mon ongle et ça me fait un effet comme ça, c'est bizarre quand même. Bah, c'est qu'il y a dedans alors, hein. Ouais. L'énergie, ils sont forts les médecins, enfin, non mais franchement c'est ouf, non? Bah, la chimie, ouais, les molécules et tout, c'est vrai, enfin je trouve ça dingue quand même. En fonction de la pilule que tu prends, t'as des effets différents et tout. Ouais. On peut essayer. Hein. D'ailleurs, mon cachet de cortisone, j'ai acheté devant une boîte, ce mec chelou. j'ai acheté à un dealer chelou. Avec des champignons. Bah, je te fais un bisou, ma Clara. Merci beaucoup d'être passé. Et t'as découvert quand mon émission, toi, avec Clara, là, d'ailleurs? Il y a environ 6 mois, 6-7 mois. Ah d'accord, ok. Ah bah c'est sympa. Et t'as découvert comment? J'écoutais Énergie et puis j'écoutais jamais, jusque très tard. Et puis un jour je suis tombée sur votre émission, sur votre équipe. Mais qu'est-ce que t'écoutais plutôt? J'écoutais plutôt Koé. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et après t'as grandi quoi, t'as poussé. Ah ouais, voilà. T'es passé voilà. Du côté... T'es passé du côté, obscur, du côté adulte. Ouais. Du côté obscur. Qui a fait le bon choix. Oh bah là. Je m'appelle Pablo Escobar. Je viens du sud de la Colombia. Je viens de Caracas. Je suis avec mon frère, le tueur de la ville. Il s'appelle Amelino. Salut tout, moi c'est Amelino, le tueur de la ville. Je vais tuer tout le monde. C'est un tueur depuis qu'il est né. Dès qu'il était petit, il a pris ses Playmobil, il a arraché la tête. J'ai tué la maîtresse à l'école, tout le monde. Ensuite, il a attrapé les Barbies de ma sœur et lui brûlé les cheveux. Je suis un mec vénère et j'aime pas tout ce qui est pas espagnol. Oh. Et après, ce qu'il a fait, il a pris les lapinins et... il les a mangés. Les week-ends de Pâques, j'ai tué tous les lapins des voisinages. J'ai même le tué un Andalou. C'était un homme qui ressemblait à un lapin. Mon frère, c'est un tueur. Eh ouais. Il est petit. Les œufs Kinder, il se les met dans le cul. Moi, tu me fais chier, tu es mort, tu comprends. Il aime pas la tendresse. J'aime pas l'amour, j'aime pas de cœur, j'aime pas les gna, j'aime pas la canard. J'ai un autre frère, lui, c'est le contraire. Il a peur de tout, c'est une peureuse, c'est une petite merde. Et je vais les tuer un jour, il le sait. Il s'appelle Akiko. Allô, Asa, Akiko. Il va te tuer, toi. Akiko, c'est le frère de peureuse. Ouais, en fait, tiens-moi, je vais les tuer. Ouais, allez, connard d'Andalou. Este, tu es pas un basque. Comment toi? Oh putain de merde, ça veut plus rien dire, vous êtes les meilleurs, je vous suis depuis peu, vous me faites tellement rire, c'est horrible. Bisous Eva, gros bisous Eva, salut, merci Eva, beaucoup. Salut. Que je crie à c'est qu'il papa si je te croise, j'ai une Ducati Scrambler marron et noir, voilà. Ouais. T'as un casque, donc il va... Si tu me croises à Boulogne, ouais, j'ai un casque avec une visière noire, on voit pas mon visage, mais si tu me voilà, si tu me vois, c'est une Scrambler Italia Independente, tu peux aller sur internet et comme ça tu verras le modèle. Alors, Clara. Mais en tout cas, et toi arrives à... J'ai gardé la suspension. Et toi arrives à écouter jusqu'à quelle heure, ma Clara? Vers 23h. Ah ouais, d'accord. C'est bien. Tu t'écoutes une heure l'émission à peu près le soir, quoi. Là, c'est ouais, durable, du coup. Près, ouais. Parce qu'il y en a qui ont cours le lendemain. Bah, je sais, ma chérie. Et c'est, déjà bien, et c'est déjà bien d'être là jusqu'à 23h. Ouais, parce que j'imagine que tu vas te bien défoncer ta journée. Ouais. Mais bon. Et t'arrives à quelle heure sur Énergie, genre environ maintenant là? 21h. Ah ouais, d'accord. T'écoutes un peu une heure de quoi, une heure de nous, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien. Et c'est la première fois que tu passes à la radio, par contre. Ouais, en vrai ouais, c'est la première fois. C'est la vrai fois. Ah, ouais, t'es à l'aise, hein. Mais fallait le dire, c'était en dépucelage radiophonique. Ouais. Bah, tu t'en souviendras longtemps, hein, tu sais. Hein. Ouais. Bah, c'est vrai, c'est cool ou pas? Ça t'a plu? Ça marque une ouais, vie. Ouais, hein. Vous avez, ouais, franchement, l'équipe du Standard est super, super gentille et tout. Ah, merci. JM du Standard, Amina du Standard. La bise. Et, oh là, ah, ah, le ringard, putain. La nuit passe super bien grâce à votre bonne humeur. Continuez comme ça au chevelu transport rosette. Bisous à Amina de la part du touriste. Ah, salut. T'es meet-up. Salut gros. Eh ben, c'est gentil, c'est énorme. Merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. Continuez d'envoyer des messages, ça me fait super plaisir. Sinon, vous pourriez faire une sorte de tournée, vous passez dans chaque département comme ça tout le monde peut voir. Bah, c'est ce qu'on fait. Hein. Ouais. Ah ouais. Maintenant, on fait des départements tours. C'est-à-dire qu'on fait des. Régions là, tours. On a fait même des régions tours. On a ouais. fait Bretagne-Normandie tours. On a fait Rennes, Caen et Rouen en 3 jours. Et on refera ça comme ça. On fera genre peut-être la prochaine fois, j'aimerais bien faire genre Pau, ouais. Bayonne, Bordeaux. Ah ouais. Toulouse, Carcassonne, on va faire Bordeaux et tout avec grand plaisir. Je viens de le dire, mais tu peux le redire. Non, mais c'est bien. ça fait super plaisir. je viens de stagiaire, monsieur Zabit de Camina du Standard. Oh, merci. Oh là, attention. Roland du 45. Salut Roland. Salut. Tranquille Roland quand même. Salut tout le monde. Je viens de stagiaire, s'est excusé auprès de son ex-copine sur YouTube pour avoir couché avec une chef. Salut Thomas. C'est pas drôle. Bon, et alors, on vous écoute à chaque fois qu'on est à la pêche, on rigole trop, les gars. Ah, bah c'est gentil, bonne pêche les mecs. Salut. Ouais, la cortisone, c'est puissant. J'ai une pote qui en prend tous les jours, sinon elle serait tout le temps crevée. Salut. Ah ouais, c'est vrai, ça booste. Hein. Bah, c'est des vitamines. Je suis pas fait. Sûr que ça soit très bon pour la santé. Ah, je à mon avis. Non. Est-ce qu'il y a un médecin qui veut dire ce que ça fait comme effet cortisone? Ah ouais. Bon, en tout cas, Clara, je t'embrasse, ma chérie. Je vais te laisser aller faire dodo. Non, mais t'as cours là? T'es en vacances toi maintenant là? Non, je suis en vacances. Ah ouais, c'est bon, hein, tranquille. Ah bah c'est bon, qu'est-ce que t'as prévu de tes vacances, ma chérie? Bah, rien de spécial, je pars avec la famille en vacances et tout. Ah bah donc c'est quelque chose de spécial, tu vas où? je pars au Touquet dans le Nord et en Corse. Ah cool, tu vas où en Corse? À côté de Cargèse. À côté de Cargèse. Bon, très bien. Demain, on sera à Bastia. Ouais. À Bastia. Ah. Bastia. James Sonna, il a déjà pris l'accent corse, il s'entraînait toute la journée. Là. Ah oui, fais attention à Bastia. Hein, oh là là. On va manger du figadelle, ou. Le figadelou, c'est la charcuterie. Mais non. Et le saucisse. Moi j'ai le saucisse. Moi j'ai le, Allez, demain on sera à Bastia, on va bien rigoler. Je vais monter sa place à Saint-Nicolas. Ah. Vers 21, j'appelle Ritz. Oh, j'irai au Ritz. Au Ritz. Monte sur scène. Viens là que ta musique. La Sedaï. Oh, le Piaf. Oh, la Sedaï, je sais pas quoi. Pourquoi le Piaf? C'est une expression corse. Ritz, Aïmani, Criscab, Vita, Jeanne Perretta, Souf Bousti. Et on sera là demain à partir de 21h. Ah, samedi, pardon, place Saint-Nicolas. Si vous venez demain, il n'y aura rien. Il y aura peut-être des stratégies sur la qui viennent demain. Vous trompez pas deux jours. On va bien rigolo. On va bien rigolo. Ouais. Bien sûr, mon Guillaume. Bien sûr, mon Guillaume. On va bien rigolo. Une merguez dans le cul d'Amina Pop. Bah oui, avec plaisir. Ça marche. Bon, et on enchaîne ou quoi là? Clara, je te fais une bise et je repasse Amina au standard. Là. Ouais. D'accord, merci. J'aurais pas dû boire un café, con. J'en ai trop là. Ah ouais, alors prends-en un, c'est grave. Sûr. Oh non, je vais pas dormir. Je me lève à 6h pour l'avion. Je vais danser dans l'avion. Je vais être là. Ne me laissez pas seul. Je vais rentrer dans le truc du pilote. Je vais danser là. À 6h du matin. Ah là là, putain de merde. Eh, te rends compte que je me lève dans 5h40 là. Bah, dors pas, hein. Te rends compte. Bah, si. Bah, non. Bah, si, faut dormir. Toi, t'es vraiment mauvais conseil tout le temps. Non, mais c'est vrai. Jusqu'au pire. Bout, il est mauvais conseil. Après, le réveil, il va être dur. Pour la sieste demain après-midi. Exactement. Et je vais dormir à Bast. Voilà. Ah oui, au soleil, tranquille. Mais exactement. Je vais faire des bronzes de soleil à Bast. Morda, c'est quoi cette émission de taré? Non, mais j'avoue, mais je me fais peur tout seul. Hein. Voilà. Bon, hey, c'est ta mère, c'est ta daronne derrière ou quoi, Clara? Non, non, c'est mon amie. Ah, ton amie, t'as une copine qui dort à la maison? Oui, oui, enfin, je dors chez elle en fait. Oh, c'est mignon. Ah, c'est bien la chance. Oh, en direct chez la besto besta. Maxi besta. En pyjama. Chez la besta. Chez la besta, Bastia. Ouais. Comment elle s'appelle ta besta, ta meilleure amie? Elle s'appelle Lynn. Elle passe la moi deux secondes. Lynn. Salut Lynn. Tiens, je te l'ai passe. Attends, vas-y. Ça, elle veut parler, elle va parler. Hein. Ah ouais. Dans la radio. Pas là pour faire des messes basses. Allô. Ouais, c'est Lynn. Oui. Ouais, ça va ou quoi, Lynn? Salut. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. Bah voilà, tu passes en direct à la radio. Attends, il y en a pour les deux. Hein. Quand il y en a pour une, il y en a pour deux. Ah oui, on partage. Ouais. Tu veux faire une dédicace, Maline, pendant que t'es en direct ou pas? Bah, pas spécialement, non, à tous mes amis qui m'écoutent, enfin, qui nous ont écoutés. C'est tout, non? Eh ben, c'est gentil, en tout cas. Voilà, comme ça, t'auras fait un petit bisou en direct aussi, d'accord? Merci. Ok, allez, je te fais un maxi kiss, le ringard. Non, je rigole, là, c'est pour rien. Je sais que de la merde, tu entends ce qu'on dit, bravo. Tant que tu me rappelles sur ma vie, bravo. Bravo. Ah là là, putain, ça fait combien de temps que vous êtes copines, Lynn et Clara, là? 4 ans. Ah ouais, putain, vous êtes des copines de primaire, quoi. Ça, c'est sérieux comme histoire. Je vous ai dit que vous avez 9 balais, vous étiez en CM1, genre copine kickers, quoi. Vous alliez à la cour ensemble. Copine sous préau. Putain, vous étiez à la même école en primaire déjà à Cambrai? Oui. Ah, c'est énorme. Ah ouais. Putain, c'est rigolo. Et là, tu dors, on est chez toi, Lynn, là, c'est ça? Oui. C'est ça. Tes parents, ils sont sympas? Oui. Ah, c'est vrai, bah, c'est sympa. Et franchement, ça c'est bien de recevoir des copains et tout. Ah ouais. Et qu'est-ce que vous faites le soir, les filles? Parce que moi, quand j'invitais des potes à dormir, on jouait à la console. Ah ouais. Non, c'est autre chose. Ah ouais. Bah, pareil, on fait des canulars. Ah, c'est vrai, vous amusez, quoi. Vous parlez. La belle vie. Vous faites de la radio, quoi. Ouais, vous occupez un petit peu, quoi. et donc, toi, Amine de Standard, tu sais quoi quand tu recevais des copines? Bah, pareil, on faisait des blagues au téléphone. Et sinon, non, on racontait nos vies, on racontait des conneries, on se maquillait des fois. Enfin, voilà. Des bêtises, tout ça. Je suis content de pas être une copine de Mina. On se fait Gilo. Ouais. Non, j'ai pas le temps de faire Gilo, merde. Faut autre chose. J'ai pas vu, il y a la pub. On a le temps de faire un morceau plus court, Galantis. Attends, c'est normal qu'on le passe. Oui, c'est normal. Bon, allez, je te fais un bisou, ma Clara. Je t'en passe à Mina au standard. Ouais. Bisous. Vous allez pouvoir parler maquillage, je vous ai bien vous faire chier. Bonne nuit. Allez, gros bisous. Allez. Eh, on se fait une amitié là. Franchement, il est énorme ce morceau. J'ai reconnu là. Ouais. Ah oui, putain, il était énorme. Écoutez ce morceau, il défonce, c'est une nouveauté. No Money, Galantis, tous les gros hits, il démarre d'ici. 22h, 1h sur Énergie, première radio de France. Vous voulez venir avec nous, vous êtes les bienvenus. Juste après, on parle de cucu, on se fait le jeu des hôtels, on rigole tous ensemble avec les problèmes un petit peu honteux pour les médecins sur Énergie.

De 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Nicolas qui appelle Nicolas et Mathieu, ça va les garçons? Nicolas de Charleroi. Non, Mathieu de Charleroi, Nico de Mani en Vexin dans le 95. Ouais. Ça va les gars? Salut. Salut. Ça va les gros, enchanté. Hein. Il est minuit 26, on est ensemble jusqu'à 1h du matin ce soir. On va se faire le jeu des hôtels dans un instant. On se refera peut-être la radio classique. Bonsoir, je suis avec Nicolina. Bonsoir Nicolina. Oui, bonsoir, bienvenue sur Radio Classique minuit 26. Dans un instant, nous allons revenir sur l'année média et l'année... Attention, on le refera tout à l'heure. Bon, hey, Nico, t'es déjà passé à la radio dans le 95 ou jamais toi? Jamais. Jamais, ça se dépousse. Ah putain, c'est sympa. Moi, ça me fait plaisir, c'est-à-dire que vous avez passé un cap ce soir. Oui, ça va. Et toi, enchanté Mathieu, déjà passé ou jamais aussi? Non, jamais, première fois. Double dépucelage, quoi. C'est beau. Bon, enchanté en tout cas les mails. Alors, Nico et Mathieu, on va commencer par Mathieu qui est arrivé juste 5 minutes avant. On va prendre dans l'ordre, mais bon, on est tous les deux à l'antenne. Hein. Et puis il y a Fabrice aussi qui est là. Bonsoir, mon Fabrice du 68. Salut Guillaume. On fait un all-in, on met tout le monde à l'antenne. Salut. Bon, ça va ou quoi gros? 37 ans du 68 du Nord-Est. C'est ça. On se raconte les trucs qui nous ont un petit peu gênés, les problèmes gênants pour aller chez le médecin. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un truc et pareil de te faire un... Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un petit problème un peu gênant? On en parlait tout à l'heure. JM du standard qui avait un petit peu mal au kiki. Ouais, c'est ça. Ou au cucu et qui avait le médecin. Minette du standard qui avait mal à kikine. Ouais, problème de pipi, pardon, ouais, qui avait mal. Flo des cadeaux. Ouais. Il est déjà arrivé un truc un peu gênant au médecin, ouais. Ouais, j'avais des croûtes au cul en gros. Et du coup, je suis allé au médecin, il m'a donné une crème et c'est parti. D'accord. Et c'était à cause de quoi? Bah, il a pas su me dire. Il m'a dit que en ça gros, s'appelle c'est... du pruritanal, je crois. Bah, il m'a dit que c'était peut-être des poils qui s'étaient infectés en fait. Ah, et du coup, Purite, je crois que c'est le nom. C'est... Attends, parce que j'en avais parlé une fois il y a très longtemps en radio. On va avoir une photo quand même. Attends, je crois que c'est puritanal, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, je crois. Non, prurite. Non, mais c'est rien. En fait, c'est juste que. Attends, je vais te dire c'est ce que je veux. Non, mais en fait, attends, le prurite, il y a tout le monde qui en a un peu, je crois. Non, mais là, il y a une chrysalide sur un anus. C'est quand ça commence un peu à gratter. Le puritanal, voilà, ça gratouille un peu. C'est un peu rouge, c'est comme de l'eczéma sur le cul, quoi. Ah, non, mais il y en a, c'est abusé. Non, mais bien sûr, t'as des photos, t'as pas le en train d'accoucher. La deuxième photo, si vous tapez pruritanal, c'est ça, voilà. C'est juste un peu rouge l'anus, quoi. C'est rougé. Et ça démange un peu. Et alors, t'avais ça alors? Non, moi c'était sur les fesses en fait. C'était des croûtes sur les fesses et donc du coup j'ai mis une crème et c'est parti. C'est un morpion, c'est sur les fesses? Ouais. C'est un bouton. Pas l'anus, sur les fesses, ouais. D'accord. Et il t'a pas dit ce que c'était? Bah, il m'a dit que c'était sans doute des poils qui s'étaient infectés et donc du coup il m'a donné une crème. Attends, s'il faut, t'avais un truc grave. C'est parti avec la crème donc c'était pas si grave. Ouais, exactement. Tu m'as tué avec Isa Jésus tout à l'heure, dédicace au collège de Gerstheim dans le 67. Salut les gars. Ouais. Salut. Et donc nous étions en direct avec Mathieu en premier, Nico et ensuite Fabrice. Mathieu, qu'est-ce qui t'est arrivé comme problème un petit peu gênant pour le médecin? Donc moi je sortais de l'école, tu vois, et je venais d'avoir gym. Ouais. Donc j'avais un peu mal aux testicules et tout, je rentre chez moi, tout ça, j'appelle le médecin, sauf que le médecin, c'est la belle-mère de ma cousine, tu vois. Du coup, on va chez elle, tout ça, elle commence à vérifier ce qu'il faut. Et deux, trois jours après, il y avait le premier anniversaire du fils de ma cousine. Et donc on a mangé à table, ainsi elle me fixait, je mangeais le gâteau en face d'elle, quoi. Ah ouais, en fait, ouais, c'est un peu partie de la famille, le médecin. Et, Compliqué. Et qu'est-ce que t'avais comme problème au cul? Non, c'était au couille, ouais. Pour finir. Ouais, le mec, il prononçait, en fait, il pensait la même chose que toi, mais t'as l'impression qu'il se trompe, quoi. Alors, ouais, donc ton problème au cul. En fait, pour finir, j'avais rien du tout. C'était qu'une petite foulure. C'est passé vite. Ah, une petite foulure au cul. Un léger, quoi. Des prochaines fois, mais un protège-tibia au cul. Un protège-cul. Et donc, c'était rien du tout. Mais t'avais un peu tripoté les bouboules, quoi. Ouais, en fait, voilà. C'est juste que j'avais fait 30 fois l'amour une semaine auparavant parce que j'avais trouvé un plan cul. Voilà. C'est vrai, genre quoi, tu l'as ta cartouche grave? 20 fois, c'est quoi? Ouais, bah en fait, elle avait dormi chez moi pendant 2 jours et j'ai pas arrêté. Vous avez pas arrêté quoi? Vous avez quoi? Regardez 50 nuances degrés? Ouais, 2-3 fois, mais c'est pas cool. T'avais envie? Elle était un petit peu excitée par le fait d'être un peu menottée, tout ça? Ouais. Ah, c'est bon ça. Matin porno, c'est on mieux. On se raconte un petit peu nos histoires, du coup. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un petit peu pareil ce soir que. Comme Mathieu. Nico, il a une autre histoire aussi avec un truc un peu gênant pour le médecin, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Nico? T'as quel âge, Nico? 21 ans et tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis sans emploi, là, je cherche sur une galère, donc c'est la galère. Ah ouais, putain. Dans quel domaine tu cherches? Un peu dans tout, je travaillais, j'étais facteur en fait. Ah énorme. Ah la passe. Ouais, comme dans Bienvenue chez Ch'ti. Et pourquoi t'as arrêté facteur? Bah parce que une fin de période d'essai, une sorte de licenciement. Ah ouais, ah merde. Ah. Ouais. D'accord, d'accord. Et donc qu'est-ce que tu voulais raconter? Bah moi en fait j'ai eu un kyste pilonidal en fait. C'est un enfer ce truc là, c'est un poil qui pousse mal en fait juste au-dessus des fesses, dans le bas du dos. Et en fait ça fait une grosse boule. On a une grosse boule de pus, je sais pas comment expliquer ça. Et en fait, bah après quand donc j'ai dû aller à l'hôpital directement. Et le mec il m'a opéré sur place, quoi, le chirurgien. Et après, une fois qu'il a ouvert, tout simplement, il m'a ouvert la peau, tout ça, il a regardé, c'était un gros poil, mais il faisait au moins 2 cm le truc. Donc il l'a retiré, et après, quand il a refermé, en fait, c'est un truc de mal, parce qu'on n'arrive pas, on a l'impression qu'on peut pas marcher, quoi. C'est comme si on s'était fait. Comme si on s'était fait enculer, quoi. Dieu, c'est ça. On avait du mal à sortir en santé. Voilà, voilà. Non, mais ouais, je comprends. En fait, ouais, parce qu'en fait, pour expliquer, c'est un peu au-dessus du cul. J'ai regardé là, je regarde en direct. Ah, c'est dans l'arrêt. Et donc, voilà. Et ça donc, fait mal, ça. Ouais. Ah oui, ça fait très mal, ouais. Ouais. Putain, c'est ouf, quoi. Et tu t'es retrouvé donc avec ce poil au cul qui est arrivé sans seul, demander ça, ouais, son reste. Hein. C'est ça qui est ouf. Ouais, vraiment, t'as rien demandé. Il y a un énorme poil au cul, ouais, qui pousse de plusieurs centimètres. Et comment alors? Donc ils l'ont enlevé avec le scalpel, du coup, et c'est quoi? Il t'a recousu, c'est ça? Ouais, ils m'ont enlevé au moins 5 cm de peau, et après, bah, quand il l'a retiré, quand il l'a remis. Et après, comme je t'ai dit, après, t'as vraiment du mal à marcher, quoi. T'arrives même pas à t'asseoir. C'est vraiment, t'es dans un autre monde, quoi. T'es obligé de rester debout tout le temps, tu cries, tu gueules. Ou allongé sur le ventre. C'est un truc. Non, mais pour marcher, ça te fait mal même quand tu marches, genre. Ouais, bah en fait, on marche comme un canard, quoi. Ouais, c'est clair. T'as déjà eu tellement mal au cul après une partouze? Ah ouais, pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est vrai. Est-ce que t'as déjà eu mal au cul, même en. Ouais, ça me gratte. En tombant ou un truc qui t'a fait boiter un peu? Bah, j'ai été piqué sur les fesses par une guêpe, oui. C'est tout. Après, j'ai eu le dard dans les fesses. Cet été, là. Voilà, ouais, c'est ça. Amina, du standard, toi, tu t'es déjà retrouvé, genre, avec un mal après une sodome ou quoi? Tu t'es retrouvé à boiter? Non, mais sodome. Ou même après l'amour pour une fille. Ouais, bah oui, ça peut arriver. D'avoir un peu mal. Moi, j'ai eu des filles qui avaient un peu mal après, et sans. Quoi. Ouais. Non, pas mal, mais en fait, moi j'ai un problème. C'est irrité quand tu fais plusieurs fois avec un mec. Oui, c'est sûr. Mais pour le mec, c'est irrité. Moi, mon plus gros problème, c'est pas ça. C'est en fait le frottement des genoux du mec. En fait, sur l'intérieur des cuisses, ça me fait des bleus. Et effectivement, après, j'ai du mal à marcher parfois. Attends, j'ai pas compris. Le frottement de quoi? Des genoux du mec. Des genoux? Mais à quel moment t'as un frottement avec tes genoux? En missionnaire, en fait. Bah non, ce que je veux dire, non, il est sur le truc. Non, en général, la fille a les jambes sur les côtés, donc le genou il rentre pas en contact. Eh bah écoute, je sais pas, ils ont peut-être des problèmes. Mais non, parce qu'en fait, toi tu laisses. En fait, le missionnaire, tu fais la planche en fait, toi. Mais non, pas du tout. Mais non, mais si t'écartes, moi les genoux, je les ai au niveau de ma tête quand je suis un missionnaire. Et même, faut écarter quoi qu'il arrive. Non, mais alors attends, que je visualise le truc. Non, mais si t'as les jambes allongées, si tu les relèves pas. Bah c'est pas un mis. Oh bah tu rigoles. Les mecs qui rentrent pas déjà. Bah non, mais c'est nul. T'es longiligne. Ah ouais, toi t'es vraiment. C'est vraiment ce qu'on appelle l'étoile de mer. Ah ouais, c'est ça. Et en plus, les genoux du mec, ils touchent le lit. Non, c'est les cuisses contre cuisses. Ouais, en fait, elle écarte pas. Mais de toute façon, oh là là. Alors, je te savais coincé, mais alors j'en apprendrai jusqu'à la dernière émission. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Anita du standard écartera jamais les cuisses. Elle est non missionnaire. Elle a mal aux genoux. Oui. Elle a pas écarté. Elle a pas compris le concept. Non mais attends, c'est abusé. T'es vraiment une étoile de mer à ce point-là? Mais non, mais ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans cette situation-là. Et après, ouais, t'as mal. Non mais la fille, en général, elle écarte. Tu tiens les jambes, tu tiens les mollets, les genoux. Tu lui relèves un peu les trucs. Non mais attends. Et là tu vas. Non mais attends, je veux bien que tu sois un petit peu cucu. Mais enfin, de là à dire, même en missionnaire, j'écarte pas les culs. Mais je t'ai pas dit ça. J'aurais l'impression de niquer une planche de surf. Ah ouais. Bah même. Personne n'a jamais plein. Et le mec, il a rien fait parce que. Pas de problème, ça. Ils sont pas pleins, ils sont partis. Alors, ouais. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est moi exemple. Qui suis parti la plupart du non, temps. Mais c'est un exemple. C'est moi qui ai quitté les mecs. Bah oui. Mais on plaisante. On plaisante. J'aime Sanda. C'est plus agréable pour les filles en plus quand elles ont les jambes levées. Ouais, tu prends plus de plaisir, ça toi. C'est un peu mieux. Non mais oui, mais parfois ça m'arrive. Mais ce que je veux te dire, c'est que je sais pas, peut-être un problème de morphologie. Hein, ce qui est même agréable, c'est de prendre les deux pieds de la meuf et les mettre jusqu'à sa tête, quoi. Et de la pilonner comme ça. C'est la base. Elle fait une roulade, la fille. Le pire, c'est que dans cette émission, j'ai l'impression d'être. Alors déjà, quand on parle de culture générale, j'ai l'impression d'être seul, mais alors qu'on parle de cul, c'est encore pire. Bah non. C'est quand même normal de lever les jambes de la fille et de la prendre. C'est pas normal, on te lève jamais, on t'a jamais levé les jambes, Amina Sanda? Bah non, moi c'est pas forcément. Non, c'est pas mon délire. C'est quoi? Et plein d'autres choses. Mais non, mais tu fais vraiment rien à ce point-là. Mais si, mais pas ça. Et mais toi, tu fais quoi? Tu fais la PLS, tu fais la boue. Je suis en PLS, moi. Elle est en position merde. Un petit bisou. Tu fais une poirier, quoi. Exactement. Ah là là là là là là. Bon, alors, et donc. Et non, jamais. Attends, mais pour une femme, excuse-moi, mais enfin. Je comprends pas. Moi, j'aime bien relever même et mettre les jambes sur ton épaule. Mes épaules. Ah, ouais, ouais, ouais. Et la tête, lui tire un peu les cheveux, la secouer, tu vois, putain. Non, mais la fille, elle a envie de se sentir un peu. Non, c'est pas vrai. C'est pas assumé. Oui, mais il y a des coincés et les autres. Mais excuse-moi, c'est quand même rare qu'une fille me dise on m'a jamais levé. Attends, pour moi, c'est même pas concevable qu'une fille ne se fasse pas lever les jambes. C'est nul, en fait. Tu veux pas faire. C'est pas une question de lever les jambes. Mais toi, tu fais quoi? On dirait que toi, tu fais maman, non papa, quoi. Et encore. Mais c'est pas ça. Je suis sûr que mes grands-parents. Enfin. Mais t'as avant, pas compris, c'est pas ça que je te dis. Ça m'est déjà arrivé, du coup, d'avoir les genoux qui frottent sur mes cuisses. C'est tout, je t'ai pas dit que je restais comme ça depuis. Mais genoux, les mecs, ils bougent quand même, il peut pas rester. Je comprends pas trop, mais j'ai du mal à imaginer la situation. La prochaine fois, je filmerai, comme ça, je te montrerai. Elle va nous faire une Valbuena. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Ah là là. Si tu bouges pas après une photo, ça sera pareil. Putain, c'est bon. Justement, ça. Je bouge. Salut à toi, dédicace à vous et à moi-même, Babar. Bonsoir, Babar. Salut. JM du standard ne sait pas faire l'accent corse. Oula. J'encule la nouvelle stagiaire, le chien de la case de stagiaire. Donc vous êtes. Oula, oula. Ouais, toi, t'as mis l'émission. Vas-y, appelle-nous. Merci d'écouter, mon gros. Et merci d'envoyer les messages pour transporter ton amour. Je sais que t'es là-haut, mais quand tu entends ce qu'on dit, bravo. Lorsque tu me rappelles, on m'a dit bravo. Bravo. Schmidt, Rock, la routine s'éternise. Schmidt, quand je bois toute la nuit. Schmidt, ce qui me suit depuis des années. Je croyais que je me grattais les couilles, en fait, c'est le crâne chaud de Julien Stagiaire, oui, Johnny Calvici. Tu vas voir ça, ouais. Bonsoir à toi. Là, là. Et pour Amina, ma princesse déesse, je te pardonne pour mardi. Bisous dans ton cou et non sur tes fesses comme avant. Plein de bisous. À bientôt dans le dîner au resto. Alors, salut. Mais il est chaud, lui. J'aime du standard, c'est pas faire l'accent corse. Je suis atteint de priapisme, j'ai un sexe de 21 cm. C'était gênant devant les gens, ça me fait très mal. Ah, je comprends. Ouais, c'est compliqué. Ouais. J'ai un stagiaire se fait des implants de god sur le non, cul. Non, tout va bien. Tout va bien. Non. On parlait des choses un petit peu gênantes avant de se faire le jeu des hôtels qui arrive dans une minute. Donc, Nico, qui avait un kyste pylonidal, et il a retiré, il t'a montré le morceau de viande qui est enlevé du cul ou pas? Ouais, bah il m'a demandé de regarder et puis bah après il m'a dit tranquillement qu'il allait remettre, que ça allait pas me faire mal, mais au final ça a fait mal quand même, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Tu l'as encadré ou pas, le morceau de viande? Mais tu l'as gardé ou pas? C'est vraie question. Non, bah tu peux le garder, pourquoi Flo des cadeaux non? Mais tu vas pas garder un morceau de chien? Moi je trouve ça assez marrant. Ça pourrit, non? Mais tu mets ça dans une boîte, une urne, dans un Tupperware. Mais pourquoi faire? Attends, en boucle d'oreille, tu le revends sur collier pour ta meuf. Ah mais ouais, attends. Eh, franchement, je suis sûr que ça peut marcher, gros. Ouais, c'est original. Eh, tu vends ça sérieux sur le bon coin. T'as des narvalos, t'as des abrutis. C'est sûr. Capable de t'acheter ça en chien humain. Ils vont faire des soirées, satanisme. Ouais. Là, ils vont bouffer. Super. Le cannibal, il va bouffer. Tu fais une sucette au kyste. Tu montes un business. Non, mais attends. Tu l'as vu le poil, genre, qui était caché en ton kyste Ouais, Sam l'a montré aussi. C'était dégueulasse. C'est vrai, ouais. Bah après, t'as du mal à te dire que t'avais ça qui poussait pas, quoi. C'est le corps, parfois il y a des petits défauts, hein, c'est pas grave. Hein. Chimer, tu l'enlèves et puis voilà, ça va mieux. Hein. Et maintenant, t'as pas eu d'autres poils au cul qui a repoussé du coup suite à celui-là? Bah pour l'instant, non, mais après, il m'a dit que ça pouvait revenir à n'importe quel moment, quoi. Que justement, il pouvait y en avoir un autre qui poussait mal. Mais... Ouais, le retour du poil de cul. Alors, j'ai remarqué un truc, j'ai remarqué un truc sur le corps humain depuis quelques temps. J'ai remarqué qu'on avait un excellent parallélisme. Et c'est assez marrant. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive d'avoir un bouton parfois, tu vois, genre sur une tempe. Et ben, une semaine après, j'ai remarqué que j'en avais un autre. Ah, mais ça, jamais, ouais. Et là, je vous jure, je pense qu'il y a un vrai parallélisme entre les deux. Est-ce qu'il y en a un qui fait de la médecine qui pourrait me confirmer? Par exemple, ça a rien là, à voir. L'autre jour, j'ai pris un couteau, j'ai pris une lame de rasoir et je me suis coupé un grain de beauté. Bon. Attends, jusque-là. Un moyen, quand même. Je sais, il faut pas le faire, mais je l'ai fait. Alors, donc, en fait, j'ai enlevé, j'ai charcuté, j'ai un peu creusé et tout, voilà. Oh. J'ai enlevé ce grain de beauté et suite à ce grain de beauté, j'ai un petit poil noir qui pousse maintenant. Ouais. Il y a plus le grain de beauté, il y a un petit poil noir un petit peu plus épais que les autres, mais tu sais, je l'arrache dès qu'il pousse, quoi. Voilà. Poil sous peau, quoi. Et ben, exactement au centimètre près, millimètre. Au millimètre près. Un décimètre, c'est une règle de 10 cm. Même si j'ai arrêté de coller longtemps, je sais quand même. Et ben j'ai remarqué que sur mon bras gauche maintenant j'ai un poil noir qui pousse aussi. Mais non, c'est le frérot, quoi. C'est le hasard, ok. Ouais, bah ouais, parce que c'est bizarre. C'est le hasard de quoi? C'est le destin, les gars, j'ai pas de poils, j'ai deux poils sur mon corps et sur le même endroit. et non mais c'est hallucinant, c'est au centimètre près, regarde. Attends, j'ai mis le standard, viens voir. Allez, fais le tour. J'ai analysé le poil. Attends. Faire le médecin. Michel Simès. Attends. Regarde, tu vas regarder, regarde. Là, tu vois, ça c'est celui-là mon poil noir, là, regarde, tu vois, il y a un petit poil. Moi là, j'ai découpé. D'accord? Et ben regarde bien, tu vois le poil noir ou pas? Gros, il y en a qu'un. Regarde, il est petit. Ah ouais. Au même niveau. Regarde bien. Ouais, c'est au même niveau. Ouais, voilà. C'est vrai. Et c'est un truc de ouf. Le destin. Non, c'est exactement au même endroit. Bah, essaye avec un autre truc. Et j'ai remarqué ça. Impossible. J'ai remarqué ça, je te dis, avec plein de choses. Les grains de beauté, c'est pas possible déjà. J'ai remarqué ça sur plein de trucs. Est-ce qu'il y a une symétrie dans le corps humain? Est-ce que, genre, quand il y a un bouton, c'est possible qu'on en ait un à gauche? Non, mais alors, dites-moi, c'est une vraie question que je me suis posée. J'ai pas fait médecine, c'est une question que je me pose. Voilà, au moins, je me pose des questions, c'est principal. Un jour, je suis allé voir mon médecin car on avait perdu la capote en moi. Impossible de la retrouver, donc rendez-vous chez mon médecin. Chaud. Hyper honteux. Salut ma Justine. Bah, salut Justine. Putain, Amina, ça doit être le kiff pour des nécrophiles. Non, les gars. La meuf est plus froide qu'un cadavre. Non, les gars. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Te couper le grain de beauté peut te donner le cancer. Tu passes pour un. Tu peux passer. Tu dois passer par un spécialiste. Bah, je sais, mais en fait, je le fais plus. C'était il y a longtemps. Hein, genre, ça fait au moins 20 ans. Hein, j'avais fait il y a longtemps. Et non, maintenant, je le ferai plus. C'est vrai. Mais enfin, bon, c'est fait. Hein, voilà. Je viens de stagiaire. Se lime le rectum en écoutant. Non, arrête. Romain. T'es malade. Salut, je suis d'accord avec toi pour le parallélisme. Moi, j'ai une couille à droite et j'ai remarqué que j'en ai une aussi à gauche. Ah, merci, Pascal. Non mais moi aussi j'ai un poil plus noir sur une cicatrice. Ah ouais, c'est fou hein. Est-ce que je peux vous emprunter? Je viens stagiaire pour le brevet de Géo demain. Ah bah je suis stagiaire, est très fort en Géo. Tu peux aider. Salut, merci beaucoup. C'est une vraie coincée du cul cette Amina. Content d'avoir connu des femmes qui sont tout le contraire d'elle. Dommage qu'il n'y ait pas plus Marie la gourmande. Ah, ça fait longtemps ça. Bon alors donc Nico qui est là, qui est au médecin pour le kyste pilonidal au niveau du trou de cul, et puis Fabrice aussi qui nous appelle. Bonsoir mon Fabrice, hein, du 68. Salut. Salut. Ouais, cube, on se fait le jeu des autres. Ça va mon Fabrice? Enchanté mon Fabrice. Ça va très bien. 37 ans du 6-8, hein, c'est ça. Le Haut-Rhin. C'est ça. Eh ben sois le bienvenu gros. Qu'est-ce que tu fais dans la vie toi Fabrice? Moi je suis gérant d'une pizzeria. Ah énorme. On dira pas le nom parce que là tu viens paraître cul, hein, ou à moins que tu veuilles le dire. Oui. Ah, ça fait une pub pour la pizzeria. Oui, c'est ça, en même temps, ouais. Je te poserai pas la question. Ouais, grave. Sinon, il y en a qui vont arriver aux caméras cachées. T'as à l'ancienne. Venu à la pizzeria. Bon, hey, bon Fabrice, alors pizzaiole. Ouais. Bon, t'es déjà passé jamais à la radio, toi? Jamais. Ah putain, c'est gentil ça. J'ai l'impression que c'est une. Bienvenue. C'est une spéciale dépucelage. Ah ouais, c'est la soirée du puceau ce soir. Un peu comme si on dénoyautait bon, Olivier. C'est un peu comme ça, le pic au bois là. Un morceau de chèvre. Ah, bon. Et enchanté mon Fab en tout cas. Alors tu voulais passer à la radio parce que t'as pareil, t'as eu un truc un petit peu gênant à demander au médecin. Qu'est-ce que c'est? Ben en fait, il y a une dizaine d'années en fait, j'avais en fait une infection de la poche à sperme. Ouais. Et attends, mais la poche à sperme c'est pas la couille, non? C'est juste en dessous en fait. Sous les couilles en fait, tu as une poche à sperme et c'est attaché. Mais c'est pas les couilles qui contiennent le sperme, non? Ben si. Non, il y a une petite poche en dessous. Ça sert à quoi que je suce les couilles? J'ai toujours pensé que c'était les couilles, moi. Ah, bah moi aussi, ouais. Moi aussi. C'est au même endroit. Seulement, c'est juste collé aux couilles, mais c'est juste en dessous. D'accord, ok. Une pochette, quoi. Voilà. Ouais, c'est une sorte de. Comme la petite pochette du jean en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et le reste de la couille sert à quoi, en gros? La déco? À rien. Ouais. Très bien. Bon. Ouais. Et donc, Fabrice, t'as eu une infection de la poche à sperme. Et comment t'as eu ça? Bah, en fait, on sait pas trop. Le médecin, il pouvait pas me répondre là-dessus. Mais bon, voilà quoi. Bon, je vais déballer mes couilles et il a regardé. Il a regardé et du coup, il m'a sorti un nom technique, c'est une épididymite. Ouais, et en fait, c'était donc t'éjaculais plus en fait à cause de ça? Voilà, c'est style, mais seulement du cul en fait. Oh là là, il met avec la meuf. Un minute de sandal, une faciale de pull. Mais c'est pas ça, avec ma faciale de pull. J'ai tiré la langue et ça avait un goût chelou. Je comprenais pas ce que c'était, ça me piquait même plus les yeux. J'ai mis des lunettes de plongée et je voyais tout jaune. Non mais attends, non, mais t'imagines, c'est même pas un film de cul, c'est un film d'horreur là, ça attends, y est. Tu pourrais éjaculer du but, c'est possible ça, éjaculer du but. Ça sort comment hein? Ça c'est sale. Ça c'est sale. C'est ça, et ça sentait le pu genre et tout. Ah non, non, non, il y avait un petit pas d'odeur, non, non. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est ouais, mais quand même. Ouais, c'est... Ouais. C'est et puis bon, c'est gonflé quoi, c'est renflé et puis voilà quoi. Ouais, ça c'est ouf ça. Oh là là, c'est ouf. Et puis les conseils du médecin, c'était. Eh ben, il faut dire à madame de masturber, quoi. Ah ouais? Ah, fallait enlever le pu, en fait. Fallait vider le pu. Ouais, ça a bon dos, c'est bien. Ah, ça le fait prendre le pu. Moi, ça gâche tout, je trouve. Hein. Ah non, tu fais tout seul. Ah ouais, après, c'est plus. Après, t'as plus envie de tuer le mec qui t'a brûlé, qui a été mûr. Sûrement pas. Ah ouais, la mine de sonal, on va avaler. Regarde en souvenir. Ma verrue aurait un tabac, Guillaume. Mon Guillaume, sur mon sac, ça m'a gâché une partie de ma sexualité. J'ai pas compris. Ma verrue aurait un tabac. J'ai pas compris, mon poteau. Pareil. C'est faux, les testicules produisent le sperme, il est stocké dans la prostate. Moi, j'ai un poil sur chaque pied, exactement au même endroit. T'as raison, Guillaume. Oui, le corps est symétrique, mais pas parfaitement symétrique. Ils en ont parlé dans E égale M6. Pas les oreilles, par exemple. Effectivement, c'est pas ça qui est bon. Ah oui, donc voilà. Alors, il y a Déborah qui dit effectivement, c'est ça qui est bon. C'est quand ça claque le doux de temps en temps, mais pas trop souvent, c'est mieux. Changez pas, vous êtes. Merci Déborah, merci d'être là. Bravo. Voilà. Je suis infirmier, ce que tu as c'est un poil dû à une réaction stimulante du geste, ton corps réagit de façon étanière. Ça s'appelle comme ça. PS Amina est inclinable comme les meubles Ikea au lit. Rimka Zema, salut à toi. Bien, on t'embrasse pour Rimka Zema. Bisous. Salut, alors il y a beaucoup de messages qui arrivent, hein. Tu pourrais t'abonner à ma chaîne, alors attends je vais le noter. Moi j'ai un poil aussi sur chaque pied, les couilles servent à envoyer les hormones. Salut les gars, je suis au taf et je suis thanatopracteur, vous me changez mon quotidien. Je ne sais pas comment je ferai sans vous quand je bosse. Gros bisous, mon copain. Courage. Mon poteau. Amina, t'es coincé à faire un stage chez Jackie Michel. Viens avec moi. L'enveloppe s'appelle l'épididyme. C'est ce qui contient le sperme. Les couilles servent à la masturbation des spermatozoïdes. À maturation des spermatozoïdes. Ah, je savais pas. C'est une sorte de cave à chaleur. Ouais. Une sorte de tonneau à sperme qui va de faire mûrir le vin. Quoi. C'est chaud. Hein. Amina, j'aimerais t'emmener à Hawaï. J'ai besoin d'une planche de surf. Oui, c'est l'épididyme. Merci, les gars. Eh ben, c'est gentil. Alors, on va prendre toutes vos réactions. Est-ce que vous êtes déjà allé chez un médecin pour demander un truc un petit peu gênant? Guillaume et votre message aussi, 112. Juste après, on s'est pas fait Drake. Si on se l'est fait Drake. Ouais, on se l'est fait, ouais. On s'est pas fait Gillo, par contre. Non, toujours pas. Et bon, on se fait Gillo maintenant, les gars. Et juste après Gillo, Ain't Your Mama, on se calera Pink. On se fera plaisir avec Just Like Fire aussi. Et on se fait le jeu des hôtels sur Énergie. Merci de passer les soirées là. Meilleure place pour rigoler ensemble. Hein. Guillaume Radio 2.0, 22h01 sur Énergie. Bon courage, les gars. Le brevet qui continue demain, les cours qui continuent demain, le boulot aussi. Et bonnes vacances aux concernés, les gars. Là. to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. Hey, I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. Hey, I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. Hey, I ain't your mama. No, no, I ain't your mama. No, no. When you gonna get your act together? 'Cause I ain't your mama. Hey, I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. Hey, I ain't your mama. No, no, no, I ain't your mama. No, no, no. When you gonna get your act together? No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No. Ce sont les meilleurs potes de tes meilleurs potes. De 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Hey, nuit blanche de merde, j'ai le brevet, demain j'arrive pas à dormir, fais chier, vous êtes plus là dans 10 minutes. Ah. Ah, je suis désolé les gars. Et on fait 22h, 1h. Il y a Mickaël qui arrive après là, qui va attaquer aussi. Et à partir de 1h du matin. Et nous, on est là jusqu'à 1h. La semaine prochaine, par contre, 20h minuit dimanche. Et la semaine prochaine, on change les horaires pour l'été. C'est Guillaume Radio 2.0, même l'été, de 21h à minuit sur Énergie. Alors, il y avait Théo qui était là pour le jeu des hôtels en direct de la Louve. De la Louvière. Salut. Ça va ou quoi, Théo? Ouais, toi. Tranquille, 15 ans, c'est ça? Ouais. Bon, enchanté. Qu'est-ce qu'on fait avec toi? Alors, on va faire le jeu des hôtels, c'est ça ce soir. C'est quoi la règle? Explique-moi la règle. On a un jeu par jour. J'appelle et je me fais je mâche un peu mes mots, tu vois, pour qu'il ou elle comprenne pas. Exactement. Ouais, et voilà. Donc tu vas arriver, tu vas dire bonsoir monsieur, excusez-moi, j'aimerais vraiment le signer. C'est possible. Dire pardon, et à chaque fois qu'il te dit pardon, j'envoie un prout. Okay. Ah, bonne chance. C'est bon, ça. Ouais, tranquille. Ok, c'est pour dire pardon. Il faut que tu arrives à lui faire dire pardon le maximum de fois en moins d'une minute trente. Ouais. On commence par un premier hôtel à Valence, dans la Drôme. Ouais, dans le 2-6. Restez à l'écoute, nous allons donner suite à votre appel. Par contre, faut que ça réponde. Welcome to the Hotel de France. Please hold the line. We are going to connect. Hôtel de France, Benjamin, bonsoir. Oui, allô, monsieur, je voudrais réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît. Oui, c'est pour quand? C'est pour un... Allô? Allô, oui, donc je voudrais réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît, c'est oui. pour... Ce serait pour quand, s'il vous plaît? Je viens vous le dire, monsieur, c'est pour... Bon, c'est qui à l'appareil? Ben, c'est moi, c'est monsieur, hein. Non, d'accord. Je fais quoi, je raccroche? Oui? Allô? Je fais quoi, je raccroche ou pas? Mais non, je voulais réserver une chambre d'hôtel, monsieur, enfin. Eh ben alors, vous êtes mais qui? Mais c'est bon, là. Bon, allez, prends-moi pour un con, espèce de trou de balle. Mais monsieur. Avec mon frère, on va te baiser la gueule. C'est chaud, lui. On en rappelle, t'inquiète, on continue. Ouais. J'en fais un. Rappelle-toi, Pignon. Ouais. Hein? Il est nerveux, lui, rappelle. Philippe, hôtel Ibis Béziers, bonsoir. Oui, je suis bien à l'hôtel Ibis de Béziers. C'est ça, oui. Bonsoir, monsieur, je voulais savoir si je me. Pardon? Allez, bonsoir. Non, monsieur, j'ai pas posé la question encore. Monsieur. Non, mais monsieur? Hôtel Ibis? L'hôtel Ibis? Non, il a raccroché. Ah, ah, j'en ai eu qu'à lire. À toi. Allez, c'est à toi. Welcome to your Ibis. Baiser la gueule. Arrache la gueule. Hôtel Ibis, bonsoir. Oui, allô, oui, je voudrais réserver. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, je voudrais réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît. Donc, ce serait pour moi. Pour? Oui, excusez-moi, ce serait pour un... S'il vous plaît. Et vous voulez réserver pour quand, monsieur? Ben, donc, ce serait pour un... Avec ma... Enfin, je viens avec ma famille, donc avec mon dernier maison. Non, mais c'est complet. Non, mais c'est pas pour aujourd'hui, hein. C'est pour... Ah, mais le service réservation est fermé. Mais non, mais je voudrais réserver une chambre d'hôtel. Excusez-moi, il y a mes chats, là, qui se battent. Regarde. J'ai aussi une gastro. Je voudrais. Oui, c'est ça. Amusez-vous bien. Ciao. Ah là là. Non, tu vas trop fort, tu vas trop fort. Faut être plus subtil, toi t'arrives, tu fais je voudrais. Attends, là va rien, on va le tenter. Attends, je te le passe en gros. Je le chauffe et après. Ouais. Est-ce que c'était un hôtel Colvert, bonsoir? Oui, bonsoir, je suis bien à l'hôtel Colvert. Oui, c'est ça. Oui, bonsoir, j'aurais aimé, s'il vous plaît. Allô? Dites-moi, oui. Oui, je vous demandais si c'était possible, j'aurais bien. Ah, j'entends rien du tout, excusez-moi. Vous l'entendez mieux, celui-là? Non. Donc j'aimerais juste réserver une chambre pour mardi. Ah, chier quoi. Attends, vas-y, je refais. Il faut qu'il faut que je t'en chauffe un là, qu'il soit à blanc le mec. C'est sec de la ouais. Quand tu entends ce qu'on dit, bravo. Parce que tu me rappelles ton mal, bravo. Bravo. Je suis dans le la routine s'éternise. Je frotte quand je bois toute la nuit. Bienvenue sur l'hôtel Fitness Aéroport, Estelle, bonsoir. Oui, bonsoir Estelle. Je suis bien à l'hôtel de Nice à l'aéroport. Il y en a plein d'hôtels à l'aéroport. C'est bien le nouveau hôtel? C'est Novotel Suite. Ah, super, madame, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais, si c'est possible. Dites-moi. Non, je voulais réserver, je sais pas si c'est possible. J'aimerais réserver pour Kennedy. Oui, pour quand? Pour Kennedy, c'est possible ou pas, madame? Alors, je vais regarder ça. Oui, madame, vous m'entendez? Non, on va être complet. Ah, vous avez regardé pour quel jour? Pour la nuit de samedi, c'est ça? Non, c'est pour Kennedy, j'ai dit. Pour le samedi? Non, pour Kennedy. Lundi, on est. Non, pas pour lundi ni pour samedi, pour la nuit de Skinny, j'ai dit. Vous m'entendez mal? Oh ah, dommage, ils disent pas pardon. Oh là là. Je suis sauvageonne. Ne me laissez pas seul. Attends. Allô? Allô, monsieur? Oui. Hi, mister. J'aurais bien réservé une chambre d'hôtel, s'il vous plaît. À cette heure-ci, je suis désolé, mais. Ah, ce n'est pas pour ce soir, j'avais juste besoin d'une petite information. Je vous en prie. Pour m'organiser avec ma femme. Ça serait pour savoir si ce mardi vous étiez ouvert. Ah, on est ouvert tous les jours. Ah, et à quelle heure vous y déjeunez? Pardon? Non, je disais. Ah, putain! Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, tu crois bien, je te laisse aller. Vas-y, c'est à toi, mon Théo, là. Ouais, tranquille, ouais. Vas-y, là. Pas venu enculer les mouches. À toi. Voilà, il est tombé. Ah, je vais vite, là. C'est le plus beau hôtel, le plus bel hôtel qu'on ait fait. Le plus court. C'était le plus court. Je t'en fais un, 50. Allô? Oui, bien, oui. Salut. Oui. Théo? Oui, vous voulez? Non. Oui. Vous avez dû faire une erreur, je pense. Bon, les gars, on va se concentrer deux secondes. Il y a l'hôtel Ibis d'un côté, il y a mon frère Théo de l'autre. Hein. Théo, il va prendre le téléphone, il va parler de l'hôtel Ibis. Voilà. Vas-y. Oui, allô? Voilà, merci, au revoir! Oh, Théo, gros, putain, réagis, yo! Il croit qu'il y a erreur, t'es pas réactif, faut. Je mets la mienne, c'est mon. À partir de minuit 55, je reprends l'accent du sud. Je mets la mienne, c'est mon tour. Attends, je me fais passer par ta femme. Vas-y. Ouais, tranquille. Attends. Tu commences? Ouais, vas-y, je suis ta femme et je passe mon mari, Théo, direct. Ouais. Vas-y, ça me pète les couilles. Attends. Allô? Oui? Mais Amina, tu t'as une sélection d'hôtels qui raccroche. Oui, à minuit 55 sur Énergie, découvrez les hôtels qui raccrochent à la gare. Ils sont gronchons. Oh là là. Ils sont quoi? Attends, allô? Allô? Oui, Talema des écureuils, oui. Oui, bonsoir madame. J'aurais aimé réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît. Oui, pourquoi monsieur? Pourquoi? Alors, c'est madame. Oui. C'est madame. Oui, pour quelle date? Madame Garcia. Alors ça serait pour mercredi, je viendrai avec mon mari. Je vous le passe tout de suite, voilà, ça sera plus simple. Chérie, tu peux réserver la room? Ouais, vas-y, donne. Vas-y. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, madame, je voudrais réserver une chambre d'hôtel. Oui, allô? Alors, oui. La place. Oui, je vous entends. Oui, donc j'aimerais bien, s'il vous plaît. Alors, je vais voir si j'ai de la place encore, je pense. Oui, très bien. Oui, oui, mais avant, je pourrais savoir... Pour avoir quelques informations, s'il vous plaît. Oui, je vais vous dire si. Oui, donc j'aimerais bien savoir. Au petit, et voilà, c'est. Enfin, et donc, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, ma femme aime vraiment tout ce qui est. Donc, ce serait cool de savoir, en fait. Allô? Monsieur, en fait, c'est une... oui, si c'est une blague, je n'ai pas vraiment le temps. Mercredi, non, mais moi non plus, j'ai pas le temps, madame. Je suis vraiment pressée, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de sérieux, enfin. Je vais te dégommer, tes fils. Tu ne seras jamais. Tu te calmes. Elle a eu peur, elle a eu peur. Ouais, tant pis. Tant pis, tant pas. Putain, tant pis, tant pas. Hey, Julien qui est en stage chez nous, ça va, mais Julien, t'es. Salut, salut, Guillaume. T'étais perdu où? T'es en stage là 3 semaines, on te voit jamais là. Ouais, je sais. T'es dans le KGB. Non, je sais pas où. Et t'es déjà allé chez le médecin pour un truc un petit peu gênant? Alors, je sais pas. J'ai un truc un peu gênant, mais j'ai pas été chez le médecin, j'ai réussi à me l'enlever toute seule. C'est vrai? Je me suis coincé un tampon, j'ai arraché la ficelle. Ah merde. Donc du coup, je vous assure. Mais du coup, tu mets trop profond le tampon. Non, je l'ai mis, je sais pas. Voilà, t'en as servi pour autre chose, mais. Non, mais en fait, il restait coincé. En fait, je l'ai mis, donc voilà. Et quand on va aux toilettes, on l'enlève le tampon et j'ai arraché la ficelle. Donc le truc était coincé. Et comment t'as fait? Alors du coup, je me suis mis en position accouchement. J'ai poussé et j'ai pris une pince à épiler. Ouais, c'était un peu technique. Pince à épiler, ressortir. Ouais, je l'ai arraché. Ah, c'est énorme. D'accord, ok. Voilà, petit. C'était l'histoire pour terminer. Parce que je vais trop gamberger. Et toi, Théo, de la Louvière, ça t'est déjà arrivé aussi d'aller à l'hôtel et puis au médecin, pardon, pour un truc un peu gênant? Non, franchement, moi non, j'ai jamais eu ce genre de problème. Ah, bah, tu peux avoir une petite mycose à la bibite ou une petite mycose à la nuque. Ah, ouais, c'est arrivé, oui. Ça peut vite arriver. Il suffit que t'arrives dans un total d'autoroute et tu vas aux urinoirs et ton gland il frotte la céramique et que le mec d'avant il a une mycose, c'est bon. Tu l'as dans le baba. Non, c'est pas crade. Tu veux rien. Enfin, si, c'est crade, mais justement. C'est pour dire que ça peut arriver. Ta faute. Moi, tu vois, le problème, c'est que quand je m'assois pour faire caca, j'ai le zizi qui trempe dans l'eau. L'anaconda. Non, mais ça m'arrive, par contre, sans vanne, de toucher la céramique. Toucher un petit peu la céramique. C'est grave. Mais je te jure. C'est pas particulièrement pratique d'avoir un sexe qui touche. C'est pas une bonne idée. Tu le tiens à chaque fois? Non, mais tu mets une chaussette. Non. En général, ce que je fais, c'est d'abord je pisse et après je m'assois, quoi. Et je laisse la bite en l'air. Ah quoi. Oui, d'accord. Ah. Je me coince. En fait, je fais un ciseau avec mes. Non, je rigole. Je presse mes couilles, non, c'est pareil. Ouais, Flo, des cadeaux. Moi, ça m'est déjà arrivé de pisser entre la lunette et la cuvette, en fait. Et ça, moi aussi, et ça de bander, sur de le bander, jean, ouais. De bander. Et là, t'es comme un con, tu comprends pas d'où ça vient. Ouais, de bander. Ouais, tu bandes, mais moi, ça m'est arrivé une fois, ça quand même. C'est insupportable de pisser quand tu bandes. Et tu pisses sur le jean. Pour s'asseoir. Tu te mets comme ça, tu sais. Ouais, tu t'appuies sur le mur en bas. Et t'es comme ça. Tu fais la planche. T'as pas l'air fin. Tu fais Superman au-dessus des chiottes. Genre. Amina, du standard, t'as déjà fait genre un shampoing dans les chiottes, t'as mis tes cheveux. Non, mais genre, si t'avais plus d'eau ou quoi chez toi. Non, mais ça m'est déjà arrivé en vomissant en fait, d'avoir les cheveux qui tombe dedans, un peu un peu crade. Salut, Julien avait du mal débouchonner le rouge, j'ai pas compris, c'est-à-dire Mkazema. Salut. Julien a une voix sensuelle. Théo n'a pas d'inspi, j'ai pas compris là. Bonne nuit l'équipe. Merci les copains, en tout cas, on se retrouve demain. Dimanche, 20h sur Énergie, dimanche 20h minuit. Lundi, on sera là à 21h minuit. Gros bisous, Jimza, à demain. Salut Guillaume, on part à Bastille ensemble pour le Énergie Corsica Party. Samedi à partir de 21h sur la place Saint-Nicolas, vous avez 25 000 avec nous à 21h avec Ritza, Imani, Chris Cap, Vita, Jeanne Peretta, Souf, Boosty. Etc. Gros bisous. Bon week-end, jeune stagiaire. Regain Guillaume, à dimanche. Bon week-end. Ouais. Bon week-end, Mina du Standard. Bon week-end, à dimanche. Bon week-end, Flo des cadeaux. Bon week-end, à dimanche. Salut Julia qui est en stage chez nous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, bisous. Et salut Mickaël, est-ce que tu m'entends, Mickaël? Ben oui, je t'entends. Eh ben voilà, comment ça va? Ça va. T'es déjà allé chez le médecin pour un truc un peu gênant, Mickaël? Un truc gênant. Quand j'étais petit, en fait, j'avais une couille qui était remontée. Ça fait très mal. C'est chiant ça. Non, ça va. Non, mais c'est quand, tu sais, genre, j'étais vraiment petit et visite médicale, ils avaient palpé les couilles pour voir si les deux étaient là, il en manquait une. Donc, du coup, j'ai dû aller chez le médecin, il m'a fait 3 piquets. Il est redescendu. Mais vous, ça vous arrive jamais de faire l'amour et parfois elle remonte? Non. Moi, ça m'arrive très rarement. Si, c'est super. Fais pas attention là. Ah ouais, t'es obligé de la remettre avec tes doigts, tu la pousses. Ouais, exactement. Ah bon, c'est super emmerdant. Parce que, en fait, mon équipe ne baisse jamais. Ah bah non, c'est qu'on a pas de couilles parfois. Non, en fait, quand tu fais l'amour sur le dos. J'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux. L'idée, c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Jusqu'à 4h pour la dernière de la ligne. Les grandes vacances arrivent. Le soleil, la plage, les voyages. Certains font des régimes pour être beaux sur les plages. D'autres commencent à faire du sport. Mais c'est trop tard. On se demande où partir. Avec qui? Comment? On n'a pas d'argent. On va faire comment? Les vacances arrivent. On va pouvoir se reposer. Ne rien faire, manger, dormir. Les vacances arrivent. Les cours sont terminés. Les examens bientôt oubliés. On va pouvoir profiter de la vie. Les vacances arrivent. Se lever tard, ne pas travailler, ne pas se coucher. Dove va pouvoir montrer son corps d'athlète. Les vacances arrivent. Quel bonheur. Mais en attendant... Toutes les nuits de 1h à 4h, Mickaël est sur Énergie. En live. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L. Officiel. Et oui, ça y est, dernière de la saison à cet horaire-là. Hein. Rassurez-vous, la semaine prochaine, on sera là, on sera juste une heure plus tôt. Ouais. Mais quand même, ça fait quelque chose. Ah oui, ça va nous changer la vie. Ouais. Ah bah oui, ça va changer. Attends, de 1h à 4h, on va s'arrêter à 3h. Bon, à peu près. On avait l'impression d'être des éboueurs parce que tu sais, c'était les mêmes périodes que les putes, les horaires, tu vois. Ouais. C'était bizarre comme horaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, minuit 3h, donc dès lundi. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, je sais pas si vous étiez dans le nord de la France, Belgique, Luxembourg. Non, je crois que Luxembourg, il n'y a rien eu. Mais nord de la France, Belgique, même la Bretagne, il y a eu des orages, leur mère, mais d'une violence, un truc de ouf. Il pleuvait, enfin, il a failli se noyer, hein. Polo lui a lancé une bouée comme il y a dans les bateaux, là, les bouées oranges. Ah bah, on est venu avec notre Zodiac. Hein. Exactement. Non, franchement, tu pourrais. Hein. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'il est tombé, le truc de fou. Donc, si vous avez déjà eu, si vous avez eu un temps de merdique, ça va encore nous faire déborder la Seine, tout ça. Ah ouais. Si vous... Non, Paris, je crois que ça a été. Je crois que ça a été épargné, je pense. Ou pas autant. Bon, bref, dites-nous si où est-ce que c'est tombé, justement, chez vous. Tiens, 01 40 71 5000. Ce soir, tirage au sort pour savoir lequel d'entre vous repartira avec l'enceinte Bose Bluetooth, la Soundlink 3. Si ça vaut plus de 300€, hein, si vous voulez la gagner. Eh bien, il vous reste 21 minutes maintenant pour venir nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. Vous tapez M-I-K-L officiel. On a mis une petite photo dessus, là. Vous allez tomber dessus direct. Et puis, il suffit simplement d'aller me dire quelle couleur vous prendriez, quelle couleur, tout simplement, de l'enceinte. On tire au sort un des messages à 1h30 du matin. Et puis, on appellera la personne, hein, tout simplement. Et il ou elle repartira avec l'enceinte Bose. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Ça se passe sur Facebook. Tapez M-I-K-L officiel. Il y a Kinder sur le Twitter qui, dans sa chambre, avec sa DS sur Twitter et un putain de moustique casse-couille en train d'écouter Mickaël. Ah ben les moustiques, ouais, ça c'est... Bah, dis-toi que c'est mieux d'avoir un moustique que Toff, hein. Parce que le moustique ne sent pas. C'est sûr. Le moustique ne sent pas. Il y a Rémi aussi qui dit à l'écoute ce soir, sous une chaleur de 30 degrés au taf, j'ai l'arrêt qui se pointe. Un gros coup de pelle à Toff au passage, avec plaisir du coup. Tiens, attends, on va lui mettre là, dans sa tronche là. Voilà, avec plaisir. Sébastien aussi qui dit bonsoir à toute l'équipe. Un coup dans la tronche de Toff, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Je m'en bats les couilles. Ah bah oui, évidemment, il y avait notre ami, je m'en bats les couilles. Kevin De Bruyne, hier, le joueur de foot en Belgique. Je crois, je m'en bats les couilles. Et ben voilà, hein, qui avait fait son interview après le match hier soir. On vous l'a mis direct, hein, dès que c'est passé, on vous l'a mis direct. Et après, tout le monde l'a repris. Mais voilà, c'est bien, Kevin. Hein. Je sais pas, je m'en parle les couilles. Bah, t'as bien raison. Mais oui. Y a Raph qui dit salut l'équipe, super soirée avec vous, pur délire. Bah, c'est gentil à toi. Et Aurore aussi. Coucou les copains, je suis à votre écoute. Même si je me lève dans 5h, la nuit va être courte. Bah, bon courage à toi surtout. Ce soir, attention, on va se faire évidemment le canular du jeudi, comme d'hab, avec une PS4 à gagner. Si vous avez envie de piéger quelqu'un, vous avez quelqu'un. Vous avez envie de piéger, vous nous appelez 01 40 71 5000. C'est aussi simple que ça. On va accueillir également Sarah qui est avec nous. Salut Sarah. Bonsoir. Comment ça va Sarah? Ça va. Bon, t'as quel âge? T'appelles d'où? J'ai 23 ans. Ou t'appelles d'où parce que ça a coupé? Bruxelles. De Bruxelles, d'accord, ok. Ah, oh, quelle belle ville. Ah, alors c'est bien tombé Sarah là, hein, au niveau de la flotte là. C'est bien tombé. Putain, mais quelle violence! Oh là là là là là là là là! Un truc de dingue, hein, vraiment. Pour c'est la Belgique, hein. Pour le coup. Non, mais il y a eu le nord de la France, il y a eu la Bretagne, il y en a eu. C'est remonté jusqu'en Hollande, hein, mais il y a eu beaucoup, ouais. Ouais, bon. Bah écoute, je suis bon. Sarah, t'as prévu un truc ce week-end? Non, rien de spécial. D'accord, le match. Ok. Ah oui, c'est vrai, pas oublié ce week-end. Il y a le Portugal qui affronte la Croatie samedi. La Belgique, c'est dimanche, je crois, et la France, qu'est-ce c'est qu'il lundi. En pense De Bruyne, le joueur de la Belgique du match? Ah, Kevin De Bruyne, t'en penses quoi, Sarah, alors? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Voilà, tu t'en bats les couilles aussi? Exactement. Écoute, t'as bien raison. Franchement, t'as bien raison. Qu'est-ce qui t'amène, Sarah? On parle de quoi avec toi? Alors, un sujet sur comment se faire de l'argent facilement. Mais ça n'existe pas. Mais prostitue-toi. Non, mais tout le monde l'aurait fait sinon. Ouais, mais voilà quoi. Essaye de trouver un petit truc. Bah, un truc, bah, facilement. Comment tu veux faire de l'argent facilement? Bah, c'est facile, t'envoies des dizaines de milliers de mails à des gens en leur disant que t'as un oncle qui vient de mourir, que pour récupérer l'argent, il faut qu'il t'envoie un peu d'argent et normalement ça marche. Ouais, pour finir, il y a bien un pigeon qui va dire oui quoi. Mais il y en a plus qu'un, c'est ça qui est ouf. Et alors, si tu veux un truc qui marche vraiment, hein, pour le coup, c'est faire comme tous ces enculés qui font des faux comptes à mon nom, au nom de Koé, au nom de Manu, au nom de Guillaume, au nom de Nikos, au nom de tout le monde. Bref, de tout le monde, hein. Ils font des chanteurs, ils font tout. Et puis après, bah, ils vont sur les vraies pages fans, demander en ami des gens qui ont liké la page fan de l'animateur ou de la star ou de la enfin peu importe, du chanteur, et vont lui dire: ah ben voilà, t'as été tiré au sort et tout, on fait un jeu avec les plus fans des fans, il faut que t'appelles un numéro de téléphone pour gagner un iPhone. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui le font et puis ils se font baiser. Donc voilà, moralité, c'est pas avoir du temps à perdre. Bah non, mais attends, mais détrompe-toi, c'est rentable, hein. Quand je vois un nombre d'auditeurs qui viennent vers moi en disant ouais, tu m'as escroqué, et je me rends compte en fait qu'ils se sont fait arnaquer par des faux comptes, je me rends compte que les faux comptes, franchement, ils se font des couilles en or, hein, ces enculés. En parlant de il y a une nouvelle escroquerie, à te faire attention avec les trucs attentats. Ah oui, oui, fait, oui, putain, mais même là, ouais, même là-dessus, quoi. C'est mais vraiment ça, c'est scandaleux. Mais de toute façon, tout ce qui est association, tu sais, de lutte contre les maladies, contre la pauvreté en Afrique, quand les mecs font du business là-dessus, c'est scandaleux, ça montre la pourriture des mecs. Donc ils t'envoient un SMS pour te dire oui, réponds à ce numéro pour dire que tu es en sécurité et tout, alerte à tu réponds, ça coûtait 2 euros, voilà. Et tu l'as dans le cul, quoi. Et tu l'as, et ouais. C'est des mecs qui récupèrent tout cet argent. Ouais. Non, mais blague à part, après, pour se faire de l'argent facile, t'as quel âge au fait, Sarah? 23 ans. Ah oui, c'est vrai, je t'ai déjà posé la question. Et quoi, tu fais rien dans la vie? T'as pas un travail? Tu cherches quelque chose? T'es aux études? Non, non, j'ai un travail à temps plein. Et tu fais quoi? Je suis éducatrice pour jeunes en difficulté. D'accord. Et pourquoi tu fais de l'argent en plus? Tu gagnes pas assez? Allez, disons que c'est une situation particulière. J'ai perdu ma mère il y a un an. Ouais. Suite à son décès, j'ai dû assumer des dettes. Ouh, ah oui, d'accord. Okay, ouais. Ah ouais. Du coup, je suis en médiation de dettes. C'est un avocat qui gère mon argent. Et je n'ai que 700 euros pour vivre. Mais attends, tu peux payer les dettes de ta mère. Ah ouais, ouais, ouais. En fait, le truc, c'est quand t'as un décès, tu peux accepter ou refuser le truc. Mais si tu l'acceptes, tu sais pas à l'avance si c'est des dettes. C'est un peu comme le loto, hein. C'est un peu comme le poker. Tu sais pas si tu vas avoir des dettes ou si tu vas être blindé. Donc si t'acceptes le truc et qu'il y a des dettes, bah tant pis. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, mais t'as beaucoup de dettes. Bah maintenant, il me reste plus grand chose. Je crois qu'il est 7 méga gros. Ouais, enfin, quand même, hein. Et il y en avait combien sans indiscrétion? Une quinzaine. Pouah, putain, ah oui, la galère. Bon, écoute, Sarah, je te garantis pas de solution, mais on va essayer de voir. Toff, t'as un plan là pour faire de l'argent facile ou pas? Bah, il y a la prostitution, ça rapporte toujours bien. Mais qu'est-ce que t'es con, tu vas pas donner un vrai conseil pour une fois? Oui, ça, c'est un vrai conseil. Attends, il y a plein de meufs qui font ça. Mais oui, mais attends, mais alors? Ouais, mais alors quoi? Faut pouvoir l'assumer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bah, après, tu peux le faire discrètement. Il y a Jackie Michel, ça l'a dit aussi. Ouais, mais là c'est pas discret. Bah, là c'est pas discret. Mais alors, si tu veux, moi je vais t'expliquer un truc que. Non, Polo a la solution. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais par contre, si tu veux faire, c'est pas, je n'incite pas du tout à la prostitution ni rien. Mais à ce qu'on m'a raconté en Australie, ce qui se passe, t'as beaucoup de meufs qui viennent de France, de Belgique et tout, et qu'en fait là-bas, je crois que c'est illégal, plus ou moins. Donc elles vont là-bas et elles se gavent en argent pendant un mois ou plusieurs mois. Elles se gavent dans un quartier un peu particulier où elles se prostituent, puis elles se barrent puisque c'est discret, personne ne les connaît, personne ne les voit. Après, il faut vouloir le faire, c'est sûr faut pouvoir après se lever le matin et dire je vais faire ça, quoi. C'est triste, des bites toute la journée pour 15 euros, 20 euros, je sais pas combien là. Bon, reste avec nous, Sarah. Valentino Solar, t'as pas un moyen pour te faire de l'oseille facile, toi? Attends, t'entends mal, vas-y. Bah non, en fait. Enfin, à part trouver un autre job à la rigueur. Ouais, après un job en plus, Sarah, pourquoi pas? Bah, le problème, c'est que si tu trouves un deuxième job, t'as ces enculés à l'État qui vont te saigner, quoi. C'est-à-dire que le problème, si tu trouves un deuxième travail, ils te saignent. C'est-à-dire qu'ils te prennent encore tellement d'impôts en plus qu'au final, tu te dis, bah je bosse encore en plus pour l'État, en fait. Hein, moi, ce que j'avais fait, c'était du babysitting, tu vois, le truc, c'était déclaré. Ouais, après t'as le babysitting, mais enfin bon, ça rapporte pas. Le problème, c'est que de temps en temps, je dois assumer mon petit frère. Ah, en plus. Mon père, qui à la garde, est souvent malade. Ah ouais, d'accord. Enfin, il est malade, il a un cancer, donc il doit se faire des fois hospitalier. Oh putain, donc, quelle galère. C'est pas évident, quoi. Bon, écoute, ça, ou alors tu trouves un mec blindé. Alors ça marche aussi, hein, ça peut être. Ça peut être bien. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Bon, Sarah, reste avec nous deux secondes. Si vous avez des conseils éventuellement à filer à Sarah, ou si vous avez des plans pour gagner un peu d'oseille. Alors évidemment, c'est pas se faire des milliers d'euros en plus par mois, c'est juste.